Écoute Radio Debout et tout le monde. Écoute Radio Debout et tout le monde. Écoute Radio Debout et tout le monde. Et c'est parti, nous sommes le 78 mars, c'est parti pour une nouvelle soirée de radio complètement folle sur Radio Debout. On est toujours en direct de la place de la République, en direct des Nuits Debout. Il y a une grosse AG qui se tient ce soir, il y a tous les stands habituels, il y a nos collègues de la télé qui sont à côté. Il y a énormément de gens dans l'équipe ce soir qui chantent un slogan qui peut-être vous rappelle un autre slogan, puisque ce soir il y aura une grosse thématique autour de la police à partir de 21h30. Puisque demain, on attend deux manifestations, une manifestation de policiers et une manifestation contre la manifestation des policiers. Ça sera donc une grosse soirée thématique autour de la police à partir de 21h30. Mais avant, entre 20h et 21h, ça sera un petit peu spécial aussi. Oui, on est en compagnie de David, de Charlotte, de Jeanne, de Jacques, de Max, d'Ezra, de Lola, des lycéens qui viendront faire aussi de la radio dans l'heure qui va suivre sur Radio Debout. Et ce sera donc, comme le disait Méga Combi, une soirée sous la signe de sur la police et les violences policières. Mais tout de suite, on va partir du côté de l'Assemblée Générale de la Place de la République pour commencer. Puisque tout le monde écoute l'Assemblée Générale. Je suis plus ton partenaire, je te déchois. L'autre jour, on a fait une affiche, c'était Hollande, la nuit debout te déchoit. Nous, on va déchoir tous les dirigeants et leurs copains et leurs comparses, journalistes, les riches, etc. Donc, j'aimerais bien qu'on discute de cette idée. C'est extrêmement violent pour les syndicats. C'est très, très violent. Mais s'ils s'autodissolvaient, ce serait un geste qu'ils veulent changer vraiment le monde. Parce que tant qu'ils restent, les gens ne sont pas d'accord. Les gens ont envie de. Tant que les syndicats existent tels qu'ils sont, tant que ça fonctionne de cette manière, il n'y a pas de changement. Donc il faut un changement radical, il faut une rupture. Et nous sommes nombreux. Et moi, je me suis posé aussi une autre question. À quoi servent les politiques dans les chaînes de production, dans les productions de richesses, dans le fonctionnement de la société? Ils servent à quoi? C'est nous qui faisons tout. Voilà, donc c'est nous le centre du sujet. On a perdu cette place-là de centre du sujet. On doit reprendre la parole, on doit reprendre notre place. Mais l'idée des syndicats, j'aimerais bien qu'on en discute, qu'elle mûrisse en nous et qu'on demande aux syndicats dissolution de tous les syndicats. C'est un symbole très fort. Merci. Parfait. Nous avons deux oppositions là. Monsieur, je vais vous passer... vous êtes Monsieur Khaled. Monsieur Khaled, voilà. Donc je suis d'accord avec ce que vient de dire l'intervenante précédente là à propos des syndicats qui sont je suis d'accord avec ce que vient de dire l'intervenante précédente, absolument. Les syndicats, c'est pas démocratique et c'est la courroie de transmission des partis politiques. Ça, je suis d'accord. Laissez-moi parler, monsieur, s'il vous plaît. Donc la charte d'Amiens, ils sont assis dessus depuis le début. Tout le monde sait très bien que les syndicats, ils sont politisés. Mais bon, le problème, c'est qu'en ce moment, on est en train de monter une grève générale. On est en train de monter une convergence des luttes. Ce qu'il faut, c'est être tactique. D'accord ? On a des échelons. Les syndicats, on verra par la suite. Pour le moment, les syndicats, on est avec eux parce qu'on est en train de monter une grève générale. Donc la grève générale, c'est super important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, on a une autre opposition. Le monsieur, il était là avant. Désolé. Si, il m'a appelé. Ça fait 5 minutes qu'il m'appelle. Voilà, monsieur. Bonsoir. C'est la première fois que j'interviens ici. J'en ai marre du discours anti-syndical. Quand on connaît l'histoire sociale de ce pays, faut pas oublier que ce sont les syndicats qui ont fait avancer le... D'accord ? Aujourd'hui, je vais vous le dire, moi, personnellement... Je fais partie de la CNT. Bon. J'étais dans le cortège de la CNT. On a été gazé. C'est bon, vous m'entendez? On a été gazé par les flics. On n'a rien fait. Moi, je suis non-violent, personnellement. Bon. J'étais dans le cortège d'une manif autorisée par la préfecture. De chaque côté, arrivé à Place d'Enfer Rochereau, de chaque côté, on avait les flics de la BAC casqués, matraque en main. Certains nous ont fait ça. Certains nous ont montré leur matraque. Il y a un camarade qui a reçu un coup de matraque sur la tête. Il était dans un cortège syndical. Il balançait pas les pavés sur les flics. Alors moi, je voudrais dire, j'en ai marre de ce débat non-violence, violence. La violence, elle est d'abord sociale. Il faut rappeler qu'il y a 6 millions de chômeurs dans ce pays. Elle est de quel côté, la violence ? Du côté de l'État ou du côté des camarades qui, soi-disant, cassent, entre parenthèses, des banques ? J'en ai marre aussi de ce discours que j'ai entendu d'une camarade qui dit les syndicats doivent se dissoudre. Bravo, c'est le discours du Front National. C'est exactement ce que le Front National rêve. Il rêve que les syndicats se dissolvent. Bravo. Magnifique d'entendre ça, Nuit Debout. Magnifique. Au contraire, on parle de convergence des luttes. La vraie convergence des luttes. C'est l'union entre Nuit Debout et les syndicats. Aujourd'hui, les syndicats étaient dans la rue, jusqu'à d'enfer Rocheron, jusqu'à temps que les flics nous aient barré la route. Le syndicat CNT rentrait dans le cortège des flics justement pour poursuivre le chemin qui était prévu, qui était déposé en préfecture. Aujourd'hui, il faut plus tôt parler d'une convergence entre Nuit Debout, les étudiants, les camarades ouvriers, les camarades fonctionnaires, peu importe que vous soyez syndiqué ou non syndiqué, il y a un moment où il faut bouger son cul dans ce pays. On parle de Nuit Debout et non pas de Nuit Assise. Merci. Ouais, je suis d'accord avec le monsieur. Qui sont les voyous ? Les hommes politiques ou les jeunes casseurs ? Bref. Opposition. Donc j'ai le droit de parler du même sujet, 2 secondes quand même. Oh. Oui, ben on va en parler encore du même sujet. Donc plus de syndicats, ben c'est la répression. Hein. C'est la répression. Des syndicalistes, il y en a beaucoup autour de cette place. Ils ont prêté du matériel ici à Nuit Debout, entre autres. Hein. Les locaux ont été ouverts là-bas, à la Bourse du Travail, pour déclencher le mouvement Nuit Debout. Ce que je voudrais dire, c'est qu'avec la loi El Khomri, si on n'en a pas fini, elle va passer du 3 au 13 juin au niveau du Sénat. D'ores et déjà, vendredi, Gérard Larcher, les Républicains, le président du Sénat, annonce que lui, il veut la première mouture du texte, c'est-à-dire le plafonnement des indemnités prud'homales et ce qui s'ensuit. Ils veulent revenir au début. Donc on doit encore lutter contre cette loi. Elle n'est toujours pas passée, je vous le rappelle. Elle reviendra ensuite à l'Assemblée nationale. Et on nous ressortira encore le 49-3. On doit lutter contre cette loi. On doit lutter contre ça, puisque c'est votre avenir qui est en jeu, vous les jeunes qui êtes autour de cette place. Et les syndicalistes vous le rappellent, nous devons rester debout, comme la nuit, tous ensemble. Je voudrais dire aussi que les syndicats sont dans l'action. Les routiers ont commencé avec la CGT et la FO. Il va suivre la SNCF, comme l'a rappelé tout à l'heure notre camarade, avec cette fois-ci encore la CGT et Sud Solidaire. Il va y avoir les raffineries qui vont rentrer dans l'action. Encore la CGT. Nous devons lutter, nous devons nous battre, nous devons nous tenir debout. Merci à tous. Ouais, merci monsieur. C'est au tour de Marion. Voilà. Bonsoir tout le monde. On est ici tous réunis pour la première séance d'une émission de Radio Debout qui a pour but d'être gérée entièrement par des lycéens. Alors aujourd'hui, on va parler sur le thème des violences en manifestation, mais tout d'abord, on va laisser la parole à Charlotte qui va nous donner quelques annonces, puis à David qui va nous renseigner un lycéen à Colbert. Bonjour, donc c'était pour vous rappeler qu'aujourd'hui c'était la journée internationale de la lutte contre l'homophobie. Donc la première journée a eu lieu le 17 mai 2005, soit 15 ans jour pour jour après la suppression de l'homosexualité de la liste des maladies mentales de la classification internationale des maladies donc publiée par l'Organisation mondiale de la santé, soit donc 26 ans aujourd'hui. Et donc il y a encore 76 pays où l'homosexualité est donc interdite. Donc une petite pensée pour tous ceux qui luttent, donc pour avoir le droit d'aimer ceux qui veulent, les femmes, les hommes, voilà. Donc c'est quand même triste de devoir faire la guerre pour pouvoir aimer ce qu'on veut. Donc voilà, une petite pensée à tous ceux qui luttent. Ouais, merci. Alors, je vais vous faire juste un petit récap de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est une grosse journée de mobilisation lycéenne nationale. Alors, on peut citer Quimper qui ont bloqué des voies de train. Donc ça a retardé les trains de 4 heures vers Rennes. Il y a Rouen qui a occupé un lycée après la manifestation. Lyon qui est toujours en train d'occuper un collège lycée, le collège lycée Truffaut. Et donc ils sont toujours là-bas, donc on a une pensée pour eux. Et à Grenoble aussi, il y a des occupations qui restent à confirmer, mais normalement elles sont toujours en cours. Et sinon à Paris, on peut noter l'occupation de Colbert, de Louis Legrand et de Voltaire. Et justement, j'ai au bout du fil Katia de Colbert. Tu m'entends, Katia ? Non, c'est Ava parce que j'ai été désignée. Pardon. Et oui, donc là, on est à Colbert. On avait une quarantaine de personnes qui étaient présentes. Là, il y en a plusieurs qui viennent de se rajouter. Et on a fait une assemblée générale ce matin et on a décidé donc l'occupation du lycée Colbert pour se faire entendre parce que la jeunesse, on est tout le temps de nous taire constamment. Là, on a enfin le moyen de se faire entendre. Colbert a enfin le moyen de dire que les élèves sont contre tout ça, qu'on est prêt à agir, qu'on est prêt à parler. Et là, actuellement, on a des forces policières qui sont en train d'arriver. Et voilà, donc on est en train d'organiser des débats, on est en train de mettre au clair nos idées, on est de plus en plus à être présents. Et en fait, on essaye de s'organiser tant bien que mal, malgré un peu le stress qu'on nous met. Ouais, j'imagine. Et est-ce que vous avez eu des retours là de la préfecture, de la police ou pas encore ? On a eu le rectorat qui en fait envoie les forces de police actuellement. Ils sont en train d'arriver sur les lieux. D'accord. Vous avez besoin de soutien ? Est-ce qu'on peut passer un appel ? Est-ce qu'on a besoin de soutien ? Ouais, vous avez besoin on de soutien. On en a assez. Vous êtes assez ? Normalement, on en a assez. Mais okay. En fait, suivant comment ça va se dérouler, si on a des problèmes avec les forces policières, tout le monde serait bienvenu de nous aider. Ok, bah tu sais très bien, tu peux nous contacter, on passera le message à l'antenne. Okay, ça marche, merci beaucoup. Ça fait combien de temps que vous êtes en occupation là ? On est officiellement on est en occupation depuis 19h. Ok. Bon bah très bien, bah continuez et revenez vers nous s'il y a un truc qui se passe à Colbert. Ça marche, merci beaucoup. Bah, merci. On est aussi en courant de tout. Merci beaucoup. On reviendra maintenant sur ce qui se passe dans l'Assemblée Générale. Il y a eu des positions éthiques, il y a eu des gens qui s'est fait fusiller parce que je suis pas non-violent, je n'ai pas cette grâce. Mais il y a eu des gens qui ont été traités de collabos munichois parce que par non-violence, il y en avait dans la Ligue des droits de l'homme, il y en avait chez des pasteurs, par non-violence absolue, sublime à mon avis, je dois dire, un peu, c'est un peu une folie, mais sublime. Par pacifisme absolu, ils ne voulaient même pas qu'on levait la main contre l'armée du Troisième Reich. C'est compliqué, c'est long, c'est même fascinant. Mais ici, quand on dit non-violence, ils veulent dire l'égalité absolue. Ils veulent dire qu'il faut une obédience totale. Que si le préfet dit qu'à 18h ici, c'est fini, il faut obtempérer. C'est ça qui passe derrière. Et alors, qui considère qu'il y a une standardisation humaine et que tout le monde, par un calcul d'utilité, doit accepter d'obtempérer et que rejette ce que pour une passion, si je termine, pour une passion, ils veulent résister, je trouve un peu indigne. Autrement dit, et j'ai conclu, on se balance à la figure, à quoi ça sert une promenade ? Et de l'autre côté, à quoi ça sert casser une vitrine ? Essayons de ne pas être si utilitaristes. Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas conçues parce qu'elles servent. À quoi ça sert aimer ? À quoi ça sert vivre ? À quoi ça sert être solidaire ? À quoi ça sert servir ? C'est l'utilitarisme, la logique capitaliste. Dernier, quelqu'un a proposé ici, je dois couper. L'idée d'une grève fiscale est faisable. Moi, il y a 30 ans, je l'avais proposé, c'est tombé à l'eau, parce qu'il y avait des timorés ultralégalistes qui disaient si je suis prof, on va me licencier, et d'autres ultrapuristes qui disaient c'est un acte d'action non violente. Non, si moi je ne suis pas citoyen, mais si quelqu'un est citoyen et qu'il veut il peut le faire indiquer qu'il ne paye pas la partie d'impôt destinée, par exemple, au ministère de l'Intérieur. Il peut le faire, c'est plus symbolique que réel, mais ce n'est pas si con que ça. Voilà, je suis content d'arrêter. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une opposition radicale ? Attention. Juste, là, il y a pas mal, Fawet qui est là pour modérateur, mais il y a pas mal d'interventions de 2 minutes qui vont s'effectuer en lien avec le débat violent-non-violent. Il y a des gens là qui vont faire des interventions rapides, 2 minutes qui attendent. Déjà, moi, je vais être bref. Parce que moi, je vais parler par rapport à tous ces gens, qui les anti-syndicats. Bon, si ces gens-là, ils se sentent en capacité d'organiser des manifs ou d'appeler à bloquer des villes, comme le Havre est bloqué ce jour-ci, bon, qu'ils le fassent. Mais moi, je suis CGT et je le suis jusqu'au bout. C'est-à-dire que moi, je crois en la lutte des classes et la finalité de mon syndicat, c'est d'en finir avec le capitalisme. Après, qu'il y ait des gens qui viennent là, qui disent la CGT ci, la CGT ça, je ne suis pas d'accord du tout. Voilà, je vais être bref. Voilà, donc vive la CGT et vive la lutte de classe. Voilà. Non, je ne veux plus jamais travailler. Plutôt crever. Radio Debout. Et donc ici, lycéen avec 6 intervenants. Donc il y a Matt, Charlotte, Lola, Ezra, Jeanne et David. Sur le sujet des violences en manifestation, qui est d'ailleurs extrêmement d'actualité avec ce qui s'est passé à Rennes, avec la manif anti-policier, anti-haine policier demain. Donc peut-être qu'on commencera avec certains témoignages et ressentis. Par exemple, on commence par Charlotte qui a été à de nombreuses manifs. Comment as-tu ressenti les violences en manif, côté des policiers ou du casseur ou... Déjà, je tiens à préciser que même si au début j'avais plutôt peur, donc je partais au début des manifestations parce que donc ça part vite, le gaz, les violences, tout ça. On s'habitue, c'est un peu triste de dire ça, mais du coup, là, les 2 dernières manifestations, je suis restée jusqu'au bout, j'étais plutôt devant. C'est vrai que. Il y a pas mal de violences, que ce soit au niveau des policiers ou au niveau des manifestants. Je pense que c'est pas la peine de blâmer certains manifestants qui se protègent face aux policiers et de faire l'amalgame entre des gens hyper violents qui n'ont pas d'idées et qui réfléchissent pas à ce qu'ils font. Et surtout, il faudrait, je pense, déconstruire le mythe du casseur. Et voilà. Donc, que penses-tu à propos du mythe du casseur et... Est-ce que les gens perçoivent maintenant en opposition avec la réalité ? Déjà, je pense qu'il y a pas mal de manipulations médiatiques. Donc tous les médias précisent tout le temps donc les casseurs habillés tout en noir, les méchants casseurs, mais vraiment pas subtilement en fait. Et je pense que la façon manichéenne dont ils nous dépeignent les choses est assez simpliste et même parfois, on a vraiment l'impression qu'ils nous prennent pour des cons. Du coup, je pense que avant de blâmer tous les casseurs, d'ailleurs, je suis pas trop pour l'utilisation du terme casseur, qu'il y a des gens qui cassent effectivement, mais donc les médias en donnent l'image du casseur, donc de quelqu'un habillé tout en noir avec des foulards et des casques, voilà. Mais en soi, des foulards et des casques, c'est pas très offensif comme arme, je trouve. Donc rien que le fait que ce soit des foulards et des casques prouve bien qu'à la base, la violence vient des gaz qui sont lancés, des grenades de désencerclement. Et je pense qu'il y a vraiment des abus à ce niveau-là. Jeudi, à la manifestation, j'ai croisé une étudiante, je pense comme moi, qui devait avoir 15-16 ans et qui avait un fragment de grenade de désencerclement dans la jambe. Alors qu'elle n'était pas forcément vraiment à la tête de cortège, elle n'était pas forcément en première ligne et elle n'avait vraiment pas donc, le profil type du casseur comme nous le dépeint les médias. Donc je pense qu'il y a vraiment des abus de ce niveau-là, ainsi que par rapport au gaz lacrymo. Avant, c'était vraiment réservé pour les casseurs, entre guillemets. Maintenant, moi, j'étais pas tout devant, j'étais au début de la manifestation, mais on s'est vraiment tous égazés et... Même si la tête de cortège était très diversifiée, c'est donc on distingue pas assez souvent. Enfin, c'est difficile de distinguer entre casseurs et manifestants. Ça. Oui. Et Matt, qu'en penses-tu ? Je pense que là, si on se pose la question de la violence, c'est qu'on arrive à un point où la question est mise sur le devant de la scène. Le traitement médiatique qui est fait de la violence en manifestation, il est assez intéressant parce qu'on montre quelque chose, on veut faire surgir quelque chose et on veut montrer la peur aux gens. Je pense notamment à un passage de l'insurrection qui vient du comité invisible, je crois que c'est le deuxième cercle, où ils disent quelque chose comme ça, ces images de casseurs tout cagoulés de noir qui font peur aux citoyens français médians, qui font ce que lui jamais ne fera. Et je pense que c'est assez juste cette manière de voir les choses. On a ce point de vue commun, ce truc qui nous est inculqué depuis longtemps, la non-violence, le fait de ne pas être violent, de ne pas casser, de ne pas être hyper violent, le fait d'être cagoulé, le fait d'être noir, tous des codes qui sont là et qu'ils utilisent, que les médias utilisent tous les jours. Et je pense que là, on arrive à un point où le « nous sommes tous des casseurs » qui est apparu, montre qu'on se pose la question de la violence. Qu'est-ce que ça veut dire la violence dans notre mouvement? Comment on l'utilise? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut l'utiliser? Est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser? Moi, mon avis, c'est que de toute façon, on aura la violence face à nous. C'est une grosse blague. Je veux dire, on s'est tous fait gazer, on s'en est tous pris plein la tête. Bon, le sujet, il n'est pas vraiment là. On s'en prend plein la tête, qu'on soit en noir ou pas, qu'on soit masqué ou pas. Quoique maintenant, ils visent particulièrement les gens masqués. Mais comment on compte la violence? Comment on considère ce que c'est? Parce que casser des banques, bon, certes, c'est pas le truc le plus utile, mais à défaut, bon, je pense que beaucoup de gens qui cassent, faudrait faire autre chose que casser des banques, mais casser des banques, si vous voulez, après une semaine après les Panama Papers, quand ils nous ont tous dit qu'ils savaient pas, ils étaient pas au courant, alors qu'ils savaient tous, tout le monde le sait, qu'ils savaient tous, je pense que ça a été la chose la plus sensée qui a été faite depuis beaucoup de semaines. Casser une banque comme HSBC, où ils se foutent de notre gueule, où ils pillent des gens pendant que des gens crèvent la dalle. Je suis désolé, mais il y a un moment où il faut montrer où est la peur, qui est-ce qui prend les décisions et qui est-ce qui montre qui est le peuple. Parce que le peuple, quand il s'énerve, il faut qu'il soit là. La peur, il faut qu'elle change de camp. Jeanne ? Bah, tu parles de l'apparence dans les médias de ces violences. Et moi, surtout, ce qui m'a le plus choqué, c'est aux médias, ils parlent de heurts. Et des heurts, c'est quand même un putain d'euphémisme de ce qui se passe dans les rues. Enfin, tu parles... On voit des... Enfin, moi, j'ai vu des enfants se faire gazer à la sortie du métro. Certes, c'était pas eux qui étaient visés, mais c'est quand même eux qui s'en sont pris plein la gueule. Et ces heures-là, c'est pas du tout la réalité qui se passe dans la rue. Et je pense que les médias, enfin, ils révèlent pas du tout la vérité. Et c'est là aussi que la question se pose. La violence, elle est à la fois acceptée et dénigrée. Et c'est plutôt les jeunes et les manifestants qui la subissent. Et les... Enfin... Elle n'est pas acceptée par tout le monde et personne ne la... Enfin... Personne ne la voit de la même manière de ceux qui vont la voir dans la rue et dans la rue. Enfin, moi, je me suis fait gazer, certes. On s'est tous fait gazer. On essaye tous de se protéger. Les lunettes, maintenant, c'est parce que ça pique les yeux et tu veux aller jusqu'au bout de la manifestation et t'as pas envie d'arriver en pleurant. Donc, du coup, tu te fais gazer parce que tu portes des lunettes, mais c'est aussi parce que tu te protèges. Et à la base, c'est pas toi qui vas aller défoncer les banques. Donc c'est ça, il y a des amalgames qui sont là et qui vont être là et qui seront... Maintenant, elles sont là et les flics, ils voient ces personnes à lunettes, ils voient ces personnes cagoulées, ils se disent « Ah, c'est eux qui sont là pour foutre la merde », alors que pas du tout. Et c'est là où il y a le vrai problème, et c'est ces heurts qui sont pas des heurts, c'est des violences, et c'est quelque chose qui est pas acceptable et qui passe pour être accepté, et on passe trop facilement sur ces violences qui sont inacceptables, en fait. On va redonner la parole à David qui a une nouvelle information sur Colbert. Ouais, j'ai une nouvelle information sur Colbert. En fait, visiblement, il y a une fausse info qui a tourné à République, comme quoi il y aurait des migrants à Colbert. Je me dis que c'est une confusion avec le lycée Jean Jaurès, enfin je sais pas. Et donc du coup, le contact à Colbert m'a dit qu'ils avaient fait rentrer les 200 personnes de Nuit Debout parce que les CRS étaient en train d'arriver et que voilà, il y aurait eu une confrontation certainement. Donc ça veut dire que là, visiblement, il y a 250 personnes dans le lycée Colbert. Voilà, on attend des infos, elle doit me dire ce qu'ils veulent maintenant, mais là voilà, ils sont vraiment en train de se barricader, donc c'est les dernières infos que j'ai. Voilà, on relaisse place au débat. Oui, on va redonner la parole à Lola. Oui, c'était par rapport aux amalgames. En fait, je pense que quand les casseurs, on va dire, apparaissent, au lieu de paniquer et essayer de fuir, on ferait mieux de tous s'asseoir et montrer que non, nous on n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour la violence, on est juste là pour défendre nos idées et nos opinions. Plutôt qu'aggraver la situation et aggraver les amalgames qu'on fait entre les casseurs et les manifestants qui sont là simplement pour défendre leurs idées. Je pense qu'il ne faudrait pas faire de distinction justement entre les casseurs et les manifestants, parce que les casseurs en fait sont des manifestants qui ont différentes méthodes d'action. Après, moi je ne casse pas personnellement, mais je pense que c'est pas en se désolidariser qu'on va arriver à quelque chose. Donc en soi, les casseurs ne nous ont jamais forcés à casser, donc je pense qu'on ne devrait pas les forcer à faire une manifestation sage qui aboutira à rien. Déjà avec des cassages de banques et un peu de protestation, donc on va dire médiatisée, pas forcément toujours dans le bon sens, mais évidente, le gouvernement ne nous écoute manifestement pas du tout. Donc je pense que c'est pas en manifestant bien sagement qu'on arrivera à quelque chose. Et ensuite, on dit souvent que les casseurs donc, sont un véritable danger pour les manifestants, donc les médias disent ça. En attendant, moi, quand il y a un black bloc qui fait face aux flics, bah, mine de rien, moi, j'y suis pas et je suis tout de même contente qu'ils prennent le gaz et les grenades à ma place. C'est peut-être égoïste de dire ça, mais moi, j'ai pas le courage d'y aller. Et donc, en soi, je suis quand même contente qu'il y en ait qui aient le courage de se prendre tout ça dans la gueule. Ezra ? Tu dis qu'il y a des manifestants et que vous êtes un groupe uni, sauf que Max, il vient de dire que justement, il encourageait les gens à casser des banques et il le justifiait par les Panama Papers. Donc déjà, moi je suis pas d'accord et je suis aussi manifestant. Donc clairement, il n'y a pas d'unité dans les manifestants, il y a les manifestants pacifiques et il y a les gens qui veulent casser. Après, les casseurs, ils essaient de justifier comme ils peuvent. Mais moi, je pense que le casse, en général, moi, mon quartier, j'habite près de Bastille, dans le 11e, et toutes les banques, elles sont niquées, quoi. Enfin, genre, vraiment, il n'y a plus de vitrines. Les distributeurs, ils sont cassés. Après, moi, c'est du casse. C'est plus du casse pour du casse. C'est pas quelque chose... En soi, le fait qu'il y ait plusieurs dizaines de milliards d'euros qui soient dans des paradis fiscaux et qui n'aident pas à financer des projets donc ici en France, parce que bah, justement avec les évasions fiscales et donc tout ça, la fraude, je pense que symboliquement qu'une vitre de banque soit cassée, personnellement, ça me gêne beaucoup moins que d'autres choses. Et je pense que si on est plus choqué par quelques vitres cassées, par quelques individus donc, qui veulent symboliquement marquer leur révolte, leur colère face à ces banques et face à toutes ces personnes irrespectueuses donc de la France et des citoyens français, je pense que si t'es plus marqué par ça que par les quelques dizaines de milliards d'euros qui sont dans des paradis fiscaux, c'est que bah quand même il y a un problème. Enfin, voilà. On va laisser la place à l'AG, on vous retrouvera après. Quand on n'est pas d'accord. Quand on fait une opposition radicale. Alors pour rappel. Une opposition radicale, ça veut dire qu'on se lève, on vient justifier sa position et on fait une contre-proposition. C'est pas juste du bashing, on fait une contre-proposition. Et là, dans la mesure où on est dans un débat, je pense qu'on ne va prendre qu'une opposition radicale parce qu'il faut que les tours de parole aillent vite, puisque dans un débat, en général, c'est plutôt rapide comme rythme. Ensuite, quand c'est trop long, pour demander la parole, donc, on lève la main. Pour les propos racistes, sexistes, homophobes et transphobes. Si jamais le ton monte et qu'il faut se calmer, si quelqu'un fait ce geste, imitez-le ou imitez-la. Un débat n'est jamais trop serein, apaisé, respectueux. Et quand il y a une personne qui le fait, elle se sent un peu toute seule, agressée, et puis personne réagit. Donc il faut suivre, il ne faut pas hésiter à imiter ce geste. Ensuite, quand il faut parler plus fort. Voilà. S'il y a besoin d'un interprète, d'un traducteur, d'un crieur. Ouais. Si jamais vous voulez vous exprimer, faire passer un message et ne pouvez pas parler, vous vous présentez à côté de la tribune et en fait, quelqu'un prendra le message et le dira à votre place en tant que crieur ou crieuse. Si jamais vous avez un point technique à faire, voilà. Un point technique, c'est court, c'est bref, c'est un complément d'information. C'est la commission machin se réunit à telle heure, l'action, elle se passe au lycée bidule, enfin bref. C'est du très très court et c'est vraiment un complément d'information, on ne donne pas son avis. Et je crois que c'est tout. Donc du coup, si jamais il y a quelqu'un pour venir aider la modération, venez. Et je cède la place donc, à Franck qui du coup va reprendre le tour de parole. Où on en était et donc au débat. Pardon pour cette interruption. Bonjour, moi c'est Franck, le nouveau modérateur, jusqu'à 23h. Et donc là, j'appelle Anne. Anne. Anne. Ben ouais, vas-y, vas-y. Excusez-moi de prendre la parole, petit point technique, je viens d'avoir des nouvelles du lycée. A priori, il ne se passait rien, mais en fait, il y a 3 bagnoles en civil qui viennent d'arriver. Ça commence à être vraiment carnage et il faudrait qu'il y ait de nouveau un groupe qui se constitue pour retourner au lycée. Voilà. Donc le point... C'est le lycée Stalingrad. Le point de rendez-vous, c'était, il me semble, à Stalingrad, si j'avais bien écouté. Donc, si des gens veulent aller aider les lycéens, vous pouvez aller là. Et puis, prendre le métro 5 et s'arrêter à Stalingrad. Voilà. Et je crois que c'est le lycée Colbert, c'est ça ? Et c'est le lycée Colbert. Donc, Anne. Bonjour, m'entendez ? Ok, d'accord. Alors, déjà, c'est la première fois que je viens à Nuit Debout, donc je suis un petit peu timide, mais je me suis dit que j'allais prendre un peu la parole. Ok, d'accord. Voilà. M'entendez, là ? Ouais, voilà. Parfait. Alors, c'est la première fois que je viens ici, je suis un peu timide, je vais prendre la parole pour vous parler d'un sujet, les Roms. Et plus particulièrement... Pardon ? Et plus particulièrement des allégations qu'a fait Manuel Valls en 2012-2013, qui visait les Roms en disant que, je cite, la proximité des campements provoque de la mendicité et aussi des vols, et donc de la délinquance. Les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie. Donc, on a porté plainte contre lui. On a porté plainte, mais ça n'a pas marché. Il a été impuni. Et je vois qu'il y a quand même une empathie dans la population, dans cette population, avec les réfugiés. Et je me suis dit que j'allais faire le lien entre les Roms et les réfugiés. Mais par contre, contrairement aux personnes qui sont passées avant moi, je n'ai pas forcément leur éloquence, donc je vais simplement vous lire un texte. Donc, d'abord un constat. L'antisémitisme, l'islamophobie sont globalement réprimés. C'est condamné, les médias sont d'accord pour dire que c'est pas bien, etc. quoi. Mais la xénophobie anti-Rom, qu'est-ce qu'on en dit ? On remarquera que c'est la seule qui soit communément tolérée, au point que notre Premier ministre puisse, dans l'exercice même de ses fonctions, parlant donc au nom du gouvernement français, tenir des propos ouvertement racistes, et ce, impunément. Donc, c'est impunément parce que, bon, on va pas se mentir, c'est tous les mêmes. Les Roms, etc., la délinquance. Donc, soyons clairs. Moi, je ne suis pas là pour minimiser ou pour dédramatiser les pratiques de certains Roms ou certains migrants. Mais par contre, je suis juste là pour essayer de réfléchir aux conséquences des grossières généralisations que nos politiques en tirent. Donc concrètement, les affirmations de Manuel Valls à l'égard des Roms, est-ce que c'est ça le message que porte la France ? Quand le ministre de l'Intérieur, parce qu'à l'époque il était ministre de l'Intérieur, quand il tire des propos racistes, ouvertement, et de pareils écarts sont tolérés, il n'y a pas à s'étonner de ce qui se passe à Calais en ce moment, en fait. Quand la justice cautionne la stigmatisation des populations, que ce soit Roms ou migrants, le message est clair. La peur rend légitime la marginalisation. Donc... Ok. Alors... Ok, je suis un petit peu timide, moi. Mais donc, remontons au commencement. Moi, je vais essayer de comprendre pourquoi la peur. Pourquoi la peur de l'autre ? Parce qu'il est autre. Parce que ce n'est pas moi. Et parce qu'il n'est pas moi, je ne m'identifie pas à lui. Prenons le cas de l'archétype. Qu'il soit migrant, qu'il soit syrien, maghrébin ou rom, ça n'a plus aucune espèce d'importance. C'est bien que plus confortable de lui coller une étiquette de migrant, d'apatride. Pourquoi ? Bah oui, mais c'est une évidence pour certaines personnes, mais pas forcément pour d'autres. Alors... Pourquoi c'est un autre ? Parce qu'il n'y a que comme ça que je peux me dire que cette personne ne mérite aucune compassion. C'est un autre, ce n'est pas un humain. Il n'y a que comme ça qu'on peut dormir en paix alors qu'à côté, un putain de camp se fait démanteler. Parce que si ne serait-ce qu'un instant, on faisait l'effort de percevoir ces populations, non comme des migrants, mais comme des humains, alors on comprendrait comment la situation est absolument intolérable et absurde. Mais non, une population empathique, c'est casse-couille. Pardon. Radio Debout. On revient donc au cœur du sujet, sur les violences et les casseurs, en donnant la parole à Matt. Et puis ensuite, on vous rappellera des informations qui se déroulent à Colbert. Avec David. Je vais répondre à Isra sur ce qu'il a dit à propos de la violence et du problème des casseurs. C'est intéressant ce qui se passe. Je vais rebondir avec ce qui se passe à Colbert. À Colbert, ils sont entrés dans le lycée, ils sont 200, je crois, avec des militants de la Nuit debout, etc. Et c'était passé ça il y a quelques semaines à Sophie Germain, et ils étaient rentrés. Et ça avait duré pas très longtemps parce qu'ils étaient sortis au bout de quelques heures sous la pression policière. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que là, la question se pose, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les flics vont venir. Et ce qu'ils ont fait, assez, ils vont faire la même chose certainement. Ils vont dire, bon, écoutez, soit vous sortez tous dans le calme, soit on va devoir rentrer, comme ils l'ont dit à Sophie Germain, avec un peu plus de coercition. Qu'est-ce qu'on fait? On résiste. Peut-être ça va être un peu violent. Peut-être qu'il va falloir tenir physiquement le lycée, l'endroit, le lieu, où on part. Et qu'est-ce que ça veut dire lutter? Dans quel cadre on peut dire qu'on a fait un acte, une action qui est une action de protestation, de lutte? Parce que si on reste dans l'ordre bien établi des choses, qui est que il faut rien les troubler, au fond, la peur est dans le même endroit, puisqu'on a peur d'aller en garde à vue, donc bon, on sort, l'ordre est établi, tout se passe bien, tout suit les règles, hein. Moi je pense pas que c'est ça protester. Je pense pas, parce qu'ils composent avec. Je veux dire, la 5ème République, c'est une histoire de composition avec des mouvements sociaux. Le seul moment où peut-être on l'a eu depuis longtemps, hein, je pense que même le mouvement qu'on vit, c'est pas comparable à mai 68, mais depuis mai 68, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une note, parce que, et ça, elle m'a fait plaisir, cette note de la DGSI, qui dit que ce qui se passe peut être bien plus grand qu'une simple protestation et qu'un simple mouvement social. Et cette note de la DGSI, elle nous en dit beaucoup. Alors maintenant, est-ce qu'on suit l'ordre? Est-ce qu'on suit l'ordre des choses et on se contente, bon, de composer avec? Ou est-ce qu'on résiste? Et résister, ça veut dire résister par la force. On l'a reçu. Et je pense qu'il y a toute une construction axiomatique à démonter point par point, qui est que, comme elle l'a dit la dame, oui, les propositions antisémites, les propositions xénophobes, bon, au fond, c'est pas plus que ça, etc. Au fond, la question de la violence, c'est la même chose. Ce sont des axiomes, ce sont des choses qu'on nous a mis dans nos têtes, qui sont fruits de notre éducation, de notre composition. Qu'est-ce qu'on en fait? On revient dessus, on les remet en cause. Et je pense qu'aujourd'hui, la question de la violence, la question du pacifisme, qu'est-ce que ça veut dire être pacifique? Je pense qu'il y a toute une question à se poser autour de ça pour pas tomber dans un préchipécha qui est le fruit de notre éducation, au fond, castratrice, je pense. Juste pour vous dire que là il y a des barricades qui ont été faites, donc s'il y a affrontement, ça sera un affrontement qui sera en fait, du dehors au dedans, ce qui veut dire que si les CRS rentrent dans Colbert, les CRS rentrent à Colbert, voilà, c'est sûr que l'occupation sera terminée. Ils vont essayer de tenir le plus longtemps possible, et j'espère que des lycéens vont entendre cet appel et vont venir aussi devant, et même des non-lycéens, pour aider, alors j'ai pas l'adresse, mais vous pouvez trouver sur internet, vous cherchez lycée Colbert, voilà, à Stalingrad, à côté de Stalingrad. Et par ailleurs, je pense que la violence, ça doit être très important qu'on puisse la tourner à notre avantage en tant que lycéen, parce que voilà, la violence, elle n'est jamais tournée à notre avantage. Et justement, on a plein d'outils comme Periscope, comme même YouTube ou Twitter, qui nous permettent de tourner cette violence à notre avantage, parce que les CRS, ils n'utilisent pas encore Periscope, ils utilisent très peu Twitter à leur compte personnel, et du coup voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut les battre. C'est pas forcément dans notre force violence, mais plutôt dans notre capacité à communiquer. Voilà, c'est le petit point. Ezra veut prendre la parole. Je t'ai bien écouté. J'en tire surtout que je suis arrivé ici, j'ai pensé qu'on allait parler des violences d'un côté des manifestants, donc des casseurs plutôt, et aussi après des violences, ou plutôt les brutalités, c'est mieux les brutalités policières. Donc, et tu fais ressortir une troisième violence, en fait, c'est-à-dire, enfin, une troisième brutalité, c'est-à-dire de la manifestation par la force. Et ça, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle il faut amplement réfléchir. Mais, et tu dis qu'effectivement, c'est contre l'ordre établi. Et je suis d'accord, parce que je n'avais même pas envisagé la chose. parce que pour l'instant Nuit Debout c'est un mouvement qui se veut pacifique justement, et là on est sur Radio Debout, mais c'est aussi un endroit où on peut partager des idées, donc vraiment moi, ça m'intéresse et ça m'intéresserait de savoir plus sur ton point de vue et sur ton, ton point de vue politique, enfin si, pas, t'as pas besoin de te classer dans aucune catégorie, enfin pas anarchiste, communiste, révolutionnaire, quoi que ce soit. Je suis à gauche. C'est fait. La seule gauche, la vraie. Ok, d'accord. Bon bah voilà. Et donc, tu veux parler? Juste pour préciser, le mouvement Nuit Debout se revendique peut-être pacifiste, je sais pas. En tout cas, à République, je pense que ce qui fait aussi notre force, c'est justement cette diversité. Et je pense qu'à République, tu trouveras justement pas mal de gens qui peut-être se revendiqueront casseurs, entre guillemets, toujours. Après, je pense que casseurs ou pas casseurs, c'est pas forcément ça qui compte vraiment. Parce que, par exemple, j'ai déjà parlé avec des casseurs avec qui je m'entendais parfaitement bien. Et des manifestants donc qui se revendiquaient non violent, avec qui je m'entendais pas forcément, et pourtant je casse pas. Donc je pense que faut vraiment aller plus loin de cette idée d'un méchant casseur qui a pas d'idée politique, parce qu'au contraire j'ai rencontré des casseurs parfois qui ont beaucoup plus d'idées politiques et de convictions que des manifestants donc non violents. Après je pense que justement faut vraiment respecter tout le monde et pas dire que parce qu'on a besoin de la réflexion et de l'action. Je pense que l'action sans réflexion ça va pas très loin parce que ça termine vite mal, mais en attendant la réflexion sans l'action, bah on voit bien que quand on est face à des CRS, l'action directe et spontanée, quand on est face à des CRS et qu'on se fait tous gazer, bah faut bien qu'on réagisse. Et moi franchement je serais d'accord avec Lola, je pense que ça peut être une bonne idée de tous s'asseoir, mais après on se ferait tous gazer quoi, c'est la réalité. Ouais. D'accord, bon d'accord, je suis complètement pas d'accord. Donc en fait Emma, tu dis d'abord qu'il faut voir plus loin, et aussi Emma, tu dis que t'agis spontanément quand les CRS sont face à toi et te gazent. Donc en fait moi ce que j'ai envie de te dire c'est que une fois que la fumée elle s'est dissipée, Emma, dans les journaux ils parlent tous et ils disent ouais voilà c'est ça, et ben, les gens et ben, qui sont pour la loi El Khomri c'est des violences, c'est tout ça, ça décrédibilise le mouvement. Après on peut critiquer les médias, on peut dire qu'ils dramatisent la chose, et c'est vrai parce que c'est ce que les gens ont envie d'entendre, ils ont envie d'être confortés dans leur on n'entend plus rien dans leur idée que la société est un endroit sûr, un endroit où les gens et ben, ne peuvent pas être agressés. Et et les médias viennent challenger ça en quelque sorte, et ils jouent sur la peur et même des gens qui lisent leurs journaux, et c'est comme ça qu'ils vendent des journaux. Mais dans la manifestation elle-même, et ben je pense que la violence n'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est spontané, mais c'est pas nécessairement la meilleure, enfin c'est pas avec beaucoup de réflexion. Ouais, mais en manifestation, la violence, si elle est spontanée, parce que quand tu pars de Nation avec le cortège lycéen et que tu pars dans une optique où certes tu manifestes et tu vas aller jusqu'au bout, et tu vois que t'as des CRS qui viennent te bloquer la voie et te restreindre dans un... Enfin, qui t'empêche de manifester tout simplement. Et au départ, tu pars pas armé pour te battre, mais au fur et à mesure de la manifestation, plus tu avances, plus tu réalises que t'as une haine qui monte, tout le monde déteste la police, qui commence à résonner partout, alors qu'au début t'as les slogans contre la loi, mais au fur et à mesure, mais t'es engrené, t'as une adrénaline, et t'as quelque chose qui monte en toi et qui est contre les keufs, et c'est naze de partir comme ça, parce que si t'es contre les keufs, t'es contre l'État, parce que c'est eux qui sont censés nous protéger, mais dans un environnement où tu peux pas exprimer ton opinion, où tu veux aller jusqu'au bout, parce que ça montre que t'es engagé, que t'as des opinions politiques, mais que tu te fais barrer la route, que tu te fais gazer, qu'à un moment je marchais toute seule dans la rue, ils avaient découpé le cortège en deux, il y avait un grand espace de trous parce qu'ils venaient de gazer la foule, et il fallait avancer, il fallait continuer, et on était deux nanas, enfin on est assez petites, on est vraiment pas imposantes, on marchait serrées l'une contre l'autre parce que certes on avait peur, on s'est fait charger, mais pourquoi se faire charger alors que t'essaies juste que d'aller, enfin tu vas au bout, t'as pas une tête à aller leur défoncer la gueule, mais pourquoi toi tu te ferais défoncer en retour, et c'est ça, enfin. Et alors que du côté des manifestants, t'as des équipes de médecins qui sont là pour soigner. Enfin, moi, on a des amis qui ont été sévèrement gazés direct, à des personnes qui ont réagi, qui sont arrivées avec des compresses. Enfin, t'as une solidarité du côté des manifestations, même avec les casseurs qui sont là. Et elle est présente, alors que du côté des CRS, quand tu remarques toute la diversité du dispositif policier qui est là, tu vois des CRS, tu vois des gens de la BAC, tu vois des flics, tu sais même pas de quelle catégorie ils sont, tellement ils ont l'air d'avoir des équipements en Robocop Et ça, ça fait peur et c'est pas rassurant, alors que la police, au départ, elle est là pour encadrer la manifestation, rassurer et faire en sorte que ça se déroule bien, bien, mais là... Enfin, certes, il y a une violence des casseurs et même des manifestants, parce qu'ils veulent continuer et ils vont affronter la police, ils peuvent pas marcher et continuer de marcher. Mais la police aussi, elle est là et ça engraine la violence et à la fin, t'as une telle violence que c'est pas vivable parce que t'es en train de détester quelqu'un qui est censé te protéger et qui représente ton état et ta société. Mais au final, il n'y a plus de ça, il n'y a plus de respect, mais des deux côtés. Sont-ils là vraiment pour nous protéger ? Mais c'est ça la question. Et du coup, tu remets en cause tout derrière. Charlie Hebdo, après, tu me dis qu'ils ne sont pas là pour nous protéger. Et oui, non. À la manif de Charlie Hebdo, on les applaudissait parce qu'ils étaient là pour nous protéger. Et ils font un putain de travail pour nous protéger parce que c'est comme ça. Et je me suis grave renseignée sur toute l'affaire Daesh. Et ils sont là, les keufs, ils font un super travail. Mais d'un autre côté, ils respectent pas la jeunesse. Et du coup, la jeunesse ne les respecte pas non plus. Et ça, ça va pas. Et il y a un problème là. Je voulais juste rajouter sur ce que Ezra disait, que la médiatisation de la violence détournait souvent de la politique elle-même. Mais rien ne nous détournera de l'AG, et donc maintenant, retour à l'AG. Et voilà, enfin, en tout cas, son argent sous le matelas, ça risque de pas être terrible non plus. Voilà. Non, c'est pour demain, mon gars. Quoi, par rapport au CRS, demain. Non. Bon. Tu veux t'inscrire ? C'est Kléber. Kléber. On parlait de la violence. Il me semble évidemment que il y a la violence des oppresseurs, d'une part, il y a la violence libératrice, d'autre part. Et notre devoir, c'est de se mettre du côté et d'user de toutes les violences qui nous libèrent. Après, toutes les violences ne libèrent pas. Et il y a un participant qui proposait d'exécuter bonnement, tout bonnement et simplement les gros patrons ou les politiciens. Il ne me semble pas que ce soit forcément la bonne méthode. Si ils méritent leur exécution, peut-être. Si Valls, les grandes fortunes, les oligarques, les grands patrons de ce pays méritent la mort, c'est fort possible, même mille fois la mort. Mais c'est pas ça qui changera les choses. C'est pas ça qui ouvrira la voie à une autre société, une société d'émancipation, d'épanouissement pour chacune et chacun de nous. Ce qui compte, c'est d'user de violence en fonction d'une stratégie. Et la stratégie, eh bien, on la choisit en fonction du projet de société. Ce qu'on veut, c'est quoi ? C'est la gestion collective des entreprises, des moyens de production et d'échange. C'est faire enfin que nous maîtrisions notre développement, nos modes de production, nos modes de consommation qui déterminent nos modes d'existence. C'est enfin pouvoir participer à la vie économique. C'est une démocratie économique, une démocratie industrielle, une démocratie socialiste. Et pour ce faire, il est évident que nous aurons à nous battre. Une révolution est nécessaire. L'usage de la violence contre ceux qui dominent aujourd'hui, les capitalistes, est nécessaire. Mais ce qui est encore plus important, c'est de construire les capacités politiques qui nous permettront enfin d'exproprier les grandes fortunes et de prendre en gestion commune les moyens de production et d'échange. Et pour ce faire, eh bien, multiplier et développer et fédérer les contre-pouvoirs dans les entreprises, dans les quartiers, dans les villes, fédérer des cellules, des syndicats, des associations, développer la solidarité entre nous, dans le voisinage, entre collègues, et disputer partout, dans toutes les sphères de notre existence, le pouvoir, l'autorité, au patronat, aux élus bourgeois de cette démocratie représentative, et suivre nos propres orientations, notre propre plan de mobilisation. Merci. Radio debout. Radio debout. Et donc maintenant, un retour sur Colbert, David. Yep, je suis toujours en lien. Alors, je ne sais pas avec qui je suis en lien. Avec qui je suis? Je suis avec Katia là ou pas? Je suis avec qui, pardon? Est-ce que tu m'entends? Allô? Allô? Ouais, allô? Tu m'entends? Ouais, on vous entend super mal, c'est brouillé. Ok, bah je suis désolé. on va faire avec. Juste, tu peux me faire un petit topo sur ce qui se passe à Colbert? Alors là, actuellement à Colbert, il y a 200 personnes qui essayent de rentrer dans le bâtiment. On avait voté à l'Assemblée Générale de cet après-midi que c'était que les élèves de Colbert qui feraient l'occupation, sauf qu'on a revoté à main levée et on est d'accord pour que les 200 personnes rentrent dans l'établissement. Le seul problème qu'on a pour l'instant, c'est la direction de l'établissement qui refuse qu'ils rentrent. Mais c'est un problème qui va vite se résoudre normalement et les 200 personnes vont donc intégrer l'occupation. Vous êtes géniaux, c'est génial. Franchement, c'est génial. Quand j'ai commencé cette journée, je pensais pas qu'elle allait continuer comme ça et c'est super positif. Ok, bon. Bah merci beaucoup, on doit te laisser et continuez ce que vous faites, c'est vraiment génial. Ok, allez, à plus. Ça roule, merci beaucoup. Salut. Bonne soirée. On passe rapidement la parole à Lola et puis à Mats. C'était pour réagir sur ce que venait de dire Jeanne, par rapport au fait que les forces de l'ordre nous protègent, mais en fait elles ne savent pas vraiment de qui nous protéger parce qu'elles ne font pas la différence entre les manifestants qui sont pacifiques et les manifestants qui sont relativement violents, entre guillemets. Et du coup en fait ça fait qu'eux aussi sont assez sous pression, nous on est sous pression, on a peur à peu près de tout et de tout le monde. Et en fait il y en a qui en viennent à la violence, par exemple à Nantes le 3 mai, ils ont isolé un chef des forces de l'ordre et l'ont tabassé, ont enlevé son casque et ensuite ils l'ont jeté à terre. Il était inconscient, ils ont enlevé son casque et l'ont frappé avec une barre de fer. Et je trouve pas forcément ça bien qu'on en arrive jusque là parce qu'ils sont là pour nous protéger, on n'est pas là pour les agresser non plus. Ils sont pas là dans de mauvaises intentions. Ok, ce qu'ils font, ils nous guettent, ils nous violentent, c'est pas forcément la bonne chose à faire, mais de là en arriver là, je trouve pas ça super parce qu'on est quand même face à des adultes qui ont des familles, qui ont des enfants. Certes, il est à l'hôpital et il est en état stable, mais voilà, il y a lui, il y en a d'autres, on n'entend pas parler. C'est assez juste ce que tu dis, on est tous d'accord pour dire qu'on n'est pas là. Moi, je vais jamais soutenir, peut-être que j'ai parlé offensif avant, mais jamais je vais soutenir ça, jamais je vais soutenir un lâchage, jamais je vais soutenir quelqu'un qui dit « bon, les policiers, c'est tous des cons », parce que c'est faux. Mais le problème de la police, c'est pas l'oncle Robert qui est super sympa et qui fait un super gigot d'agneau, c'est pas ça. Le problème de la police, c'est son rôle institutionnel. C'est dans les institutions, la police, elle a un endroit et elle a un rôle. Son rôle, c'est de nous protéger, je mets ça entre guillemets, de nous protéger. Et deuxième rôle, c'est de faire tampon. Et là, on le voit, ce rôle-là. C'est ce rôle-là qu'on voit maintenant, de faire tampon entre la plèbe, les gens, et les dix personnes qui nous dirigent. Il y a la Boétie qui a dit un truc comme ça. Il y a un mec, celui qui vous dirige, en fin de compte, il a qu'un corps, il a que deux yeux, il a que deux mains. Mais d'où tient-il tant d'yeux dont il vous épie? D'où tient-il tant de bras pour vous frapper? Si ce n'est de vous, que par vous. Bah oui, c'est ça. C'est nous. Je veux dire, c'est des citoyens, c'est des gens qui en chient, parce que les policiers en chient aujourd'hui, qui sont les premiers à défendre ceux qui nous foutent dans la merde et qui les foutent dans la merde. Le rôle institutionnel de la police, il est là, il est clair. La police aujourd'hui est une police politique. Une police qui a interdit à des gens de manifester, une police qui surveille les gens, demande, si tu discutes avec les gens, il y a des gens du Tarn là, ceux qui ont été accusés pour les affaires du Tarn qui traînent autour de République quand ils sont là, tu peux aller leur parler, tu vas voir ce qu'ils ont vécu, tu vas voir ce que c'est que le renseignement aujourd'hui qui prend des photos de manifestants, etc. La question de la police, c'est son rôle institutionnel, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est là? Et pas. Comme bien sûr, pendant les attentats de Charlie Hebdo, ils nous ont protégés. Ils sont là pour ça. Et heureusement qu'ils sont là pour nous protéger. Les gars qui sont intervenus sont très courageux. Mais le jour où on enverra le raid pour évacuer la maison du peuple, là, ça changera tout. Et je crois que c'est déjà fait. Charlotte? Oui, donc je voulais. J'ai lu un article très intéressant que Jacques m'a envoyé. Et donc, dedans, il cite la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Et il parle de la police, et donc la police est censée être une force pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Et je pense que c'est aussi ça le problème de la France, c'est que maintenant la police, justement, elle est politique, comme l'a dit Maxime, et justement, les choix et les ordres que reçoivent les policiers ne sont pas faits en fonction des stratégies policières, ou alors en fonction... à l'avantage des citoyens, ils sont faits genre pour défendre donc nos dirigeants et pour justement avoir une certaine image le soir dans les médias. Je pense que donc c'est un gros problème parce que comme l'a dit Maxime, les policiers sont censés nous défendre et maintenant ils défendent plus le peuple mais les dirigeants. alors que justement ils ne doivent pas être à l'avantage de ceux qu'ils servent, mais à l'avantage du peuple, et là c'est plus le cas. Cependant, je tiens aussi à rebondir sur ce qu'a dit Lola. Les flics en chient aussi. D'ailleurs, il y a environ un suicide par moyenne chez les policiers. Donc, je tiens à préciser que c'est une profession très dure. Après, les gens ont fait, ils ont fait le choix de cette profession, et donc je pense que, en même temps, il faut pas totalement les déshumaniser. Je suis contre. Il faut toujours se rappeler qu'il y a des humains derrière les casques, mais je trouve qu'en ce moment, ce qu'ils font ne sont pas forcément respectables dans les manifestations. 7 policiers sur 10 votent pour le FN, je suis impressionné. C'est important, sachant que les gens du FN sont des humains, malheureusement. Tu tiens des statistiques, parce que le vote, c'est anonyme. Je l'ai lu sur Slate, c'est un sondage FAP, et il y en a un autre IFOP qui met à 50%, 53%. Donc tu es au-dessus d'un tour de ça. C'est la question de qui est-ce qu'ils ont en face, parce que les histoires de flics qui ont dit « Oh, s'il y avait des gauchos, je les aurais sûrement mieux frappés », parlent avec les gens de la défense collective, ils en racontent trop, il y a plein d'histoires comme ça. Mais il y a aussi des flics qui sont complètement contre, par exemple. Tu parlais d'un article, Charlotte, et justement, ce flic-là, il dit, je vais répéter ce que tu as dit, il a dit qu'il y avait un suicide par semaine, c'est ça, chez les flics. Les policiers qui sont contrôlés par les politiciens et qui devraient servir le peuple, mais qui servent aux intérêts politiques, on devrait plutôt, justement, réformer comme en Angleterre d'ailleurs, où la police est séparée des pouvoirs institutionnels, oui. C'est ça ? Oui, je suis d'accord. Le truc, c'est qu'en ce moment, dans la salle de commandement, il n'y a pas seulement des gens qui font partie de la police. Ils sont forcément reliés à des dirigeants politiques, et c'est bien le problème. Et ce qui se passe, c'est que justement, tu dis qu'il faut réformer tout ça. Moi, au-delà des réformes, moi, je suis pour quelque chose de plus concret que les réformes. Après, le problème, c'est que les réformes, c'est pas nous qui les faisons. Et justement, c'est le problème. Ça veut dire qu'eux, ils voudront jamais arrêter d'avoir un contrôle politique sur la police, parce que ça sert leurs intérêts, et c'est tout là en fait, c'est une question d'intérêt. Ça veut dire que dans la vie il y a des gens qui défendent des intérêts et qui ne veulent pas donc partager, et c'est tout ce qui fait les luttes sociales, je crois. C'était juste pour réagir sur ce qu'avait dit Maxime à propos des votes. Je pense que ce que votent les policiers ne nous regarde absolument pas. Ok, ils votent FN, soit, mais ça n'a pas à nous infecter. Je suis totalement contre le FN, sauf que le fait est que voilà, il y a des gens qui sont pour, et puis c'est tout. Et juste pour revenir par rapport aux violences des manifestants, je pense pas qu'elle soit spontanée. Elle peut être spontanée, mais elle est vraiment parfois bien réfléchie. On prend l'exemple du Mili, qui ont une organisation on les voit en manifestation, ils se font des signes avec les mains, ils ont des équipes, ils s'appellent par des noms d'animaux. Enfin, je vais pas dire leur technique, parce que sinon je vais pas finir la journée. Mais ils ont vraiment des techniques qui sont incroyables. J'ai passé la journée aujourd'hui avec eux, et c'est vraiment incroyable. Et par ailleurs, je pense que c'est important de se rappeler qu'on a la même fin. Alors je pense qu'il faut accepter tous les moyens justement pour accéder à cette fin, dans le respect de tous, et dans le respect des personnes, dans le respect des policiers en tant que personnes. Mais après, on peut ne pas respecter la fonction du policier, et je pense qu'il faut faire la différence entre sa fonction et sa personne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, merci. Non, mais surtout pour revenir sur ce que tu as dit, c'est bien, bien, on s'en fiche pas de ce qu'ils votent. On s'en fiche pas à partir du moment où le FN a des positions, où le FN, il vote pour un programme, il vote pour des idées. Après, je dis pas que c'est un vote d'adhésion forcément ou quoi, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que quand des gens votent 5 sur 10 FN, et que tu les as en face de toi, et en général ils sont plutôt armés face à toi, et qu'ils te balancent des grenades de désencerclement, des gaz, des palais, des trucs assez chauds quand même, et qu'ils te foutent des coups de matraque, tu comprends pourquoi ils font du zèle, tu comprends pourquoi ils tabassent des gens à terre, tu comprends pourquoi ils disent des choses, parce que ça, c'est un truc qui m'a été rapporté, pourquoi ils disent dans les enceintes du palais de justice « Ah, mais si j'avais su que c'était des gauchos, je me serais un peu plus lâché ». Tu comprends, parce que quand tu rentres dans une préfecture de police, tu as au moins 5 personnes sur 10 qui ont voté FN. Et pose-toi la question la prochaine fois que tu vas en garde. On va faire un dernier tour de table, parce que la fin approche, et pour conclure, donc votre mot de fin, allez-y. Ezra ? C'est plus une réaction Max a dit encore, mais là justement, c'est la guerre entre les flics et les manifestants, alors que c'est pas du tout contre ça et pour ça qu'on se bat. C'est tu dis que les mecs ils votent le FN et tout, et ça n'est pas le problème. C'est pas, enfin, je pense que tu veux parler, Charlotte ? Non, mais en fait, j'ai le même avec Maxime. Ok, d'accord. Bon, juste, vous. vous êtes pour Emma, tout ce qui est violence. Alors que je pense que c'est vraiment pas aimant le moyen. Mais c'est pas forcément de la violence, c'est aussi de réagir à un gouvernement qui ne représente plus son peuple et qui utilise d'autres moyens pour l'opprimer. Et moi, plusieurs fois j'étais à la nuit debout le soir et plusieurs fois j'ai vu que ça partait un pan, cacahuètes sur des bords, il y avait des bastons et on m'a dit ouais, nuit debout c'est plus ce que c'était, maintenant ça craint, ça se tape et tout. Mais c'est parce que il faut que ça pète et ça va péter. Et si tu veux que ça pète, il faut que ça passe par la violence et ça passe par la rue, ça passe par les jeunes, ça passe par les keufs, mais c'est... Il faut bien un moyen pour que ça change quelque chose, pour pas que tout ça, ça veuille rien dire. Et il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui en ressortent pas comme ils en sortaient avant. Et moi, j'ai vu des choses que j'aurais pas aimé voir et qui m'ont fait réagir deux minutes, deux secondes. Et je pense que c'est... Tu peux pas faire un mouvement comme ça et que ça gagne autant d'importance et éviter la violence parce qu'elle est là. Et la violence, ça fait partie de l'homme. L'homme est con, l'homme se bat. Et il y a la guerre partout, et bah il y a la guerre aussi dans les rues de Paris, et même si ça craint, même si c'est nul d'en arriver là, mais c'est comme ça, et faut passer par là pour arriver à ce qu'on veut, et si on veut essayer que ça marche, et on veut mener le truc au bout, va falloir un moment, tout le monde s'est battu, et si on se bat pour nos convictions, on se bat aussi avec les mains, et ça craint parce que c'est contre les keufs, mais c'est comme ça que ça se passe. Dernier mot à Matt, et puis je voulais passer un mot à tous ceux qui nous écoutent, force et courage à tous ceux qui galèrent, à tous ceux qui triment, à tous ceux qui sont dans leurs établissements, dans leurs endroits de travail, qui bossent pour sensibiliser les gens, pour parler aux gens, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'indifférence sur plein de choses, qui se battent tous les jours pour que des gens nous rejoignent, pour que des gens veulent que le monde soit meilleur, que nos enfants et que nos petits-enfants vivent dans un monde juste et qui sont désespérés de voir ce qu'ils ont autour. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui se battent et on continuera jusqu'au bout. Merci pour nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Dernier mot, Charlotte. Vas-y. Juste pour réagir, quand tu disais qu'on était pour la violence ou je sais quoi, on fait absolument pas l'apologie de la violence. Et après, on peut aussi se poser une question. Qu'est-ce qui est plus violent entre casser les vitres d'une banque et entre ça et la violence froide de l'État qui est en train de renier totalement la vie du peuple et qui est en train de faire passer une loi alors que 71% des Français sont contre, qui utilisent notamment une arme qui fait d'ailleurs partie de la Constitution. Donc on peut aussi se poser la question de à quoi sert la Constitution, qui lance une arme totalement antidémocratique. Et je pense que face à une vitre brisée et quelques dirigeants d'État qui contrôlent toute la population avec leur putain de Constitution et leurs mesures dictatoriales à la con, je pense que c'est plus violent cette institution froide qui fait trimer des populations genre entières. Enfin, je trouve ça vraiment très violent et en soi, moi, je serais absolument pas pour la violence. Mais au bout d'un moment, je pense que faut tolérer toutes les pratiques. Merci Charlotte. Donc sur un sujet qui demanderait encore beaucoup plus de réflexion, on vous renvoie tout de même à Radio Debout. Merci. Pour que ça se passe bien. Oui, cet après-midi à Denfert, en avant du cortège, on a pu remarquer que c'était pas n'importe quel syndicat et pas n'importe quelle organisation qui ont attaqué violemment, organisé, masqué, cagoulé, avec des gants, avec des battes et avec aussi des petits brassards orange, FO, CGT. Je dirais pas que c'est tous les syndicats, loin de là, parce que je suis aussi favorable sur le mouvement syndical qui est important comme il a été souligné avant. Cependant, on les a vus derrière les CRS et on les a vus chargés sans aucune prise de conscience ou quoi que ce soit, et ils ont bien, bien, bien été violents. Puis, juste après, ils se sont organisés. Ils étaient une petite trentaine, cinquantaine, et ils ont bien chanté, collectivement, casqués, cagoulés, gantés, avec le brassard, avec la matraque, pour le retrait de la loi du travail. Et ça, c'est un point qui ne va pas du tout, et sur lequel j'adhère pas du tout, et qu'il faut vraiment s'y relayer, parce que ce n'est pas normal, et ce n'est pas l'image des syndicats qu'on veut en France, et ce n'est pas l'image des manifestants qu'on veut non plus. Merci. Pour les oppositions radicales, il faut que ça traite sur l'intervention qui a été faite, et il ne faut pas diverger. Voilà. Donc, c'est... Non, attends. Prends ton tour de parole. Si tu veux parler, prends ton tour de parole. Alors, Maya. Parlez bien devant le micro. Bonjour. Moi, je voulais dire juste quelques mots au sujet de la discussion sur violence, non-violence. Question qui me tient beaucoup à cœur. Je voudrais juste rappeler quelques généralités que normalement nous connaissons tous. Le capitalisme, comme toute société de classe, est basée sur la violence. Un système qui est fondé, qui vit sur l'exploitation de la majorité des gens, qui cherche le fric, qui a besoin de fric et d'exploiter et d'accumuler du fric constamment, vit sur la violence et c'est une société qui suinte la violence par tous les ports. Je rappelle, j'ai eu l'occasion de voir un journal américain récemment. Dans ce journal, il y avait une photo grande comme ça, de ce qu'était Nuit Debout. Et qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré Nuit Debout avec des gens qui chialaient à un moment où ils venaient d'être réprimés par la police. Tout ça pour dire qu'on veut créer une image de ce qui fait nouvelle dans la presse, c'est la violence. Or, il doit être évident que la révolution qui vient, la révolution que nous voulons, ne peut pas gagner par la violence. C'est une évidence. Aujourd'hui, le capitalisme est... Nous, on en a la preuve tous les jours dans les manifestations. Les Robocop, les... Le capitalisme, il suffit de réfléchir un peu pour savoir que nous n'avons pas les moyens de gagner par la violence. Par contre, une chose est évidente, c'est que si tout ce qui existe dans cette société, tout ce qui fonctionne, c'est grâce à nous, c'est grâce aux prolos qui travaillent, à ceux qui vendent leur force de travail, à ceux qui... Il y a une image très jolie lorsqu'il... Je ne sais pas quel temps... J'ai mis une minute. Il y a une... Lors d'un des programmes, dans ces trucs qui sont faits sur mai 68, à chaque fois qu'il y a un anniversaire, on raconte. Il y avait un ministre qui racontait une... C'était Jobert qui racontait un truc. J'étais dans le ministère, tout le monde était en grève, et il y avait un drapeau rouge. Et je me dis, ça fait mauvais effet, je téléphone pour qu'on enlève le drapeau rouge. Et il se trouve qu'il n'a eu personne pour obéir. Personne. Exactement, mon vieux, c'est ça que je veux dire. La plus grande violence, la violence la plus insupportable qu'on peut faire à la bourgeoisie, c'est qu'elle n'ait plus rien, plus personne pour lui obéir. Et c'est ça notre force. Alors, comment se démerde pour l'organiser? Cette affaire. Mais c'est ça notre force. Merci. Vous pouvez vous rapprocher encore un peu là, parce qu'après il va faire nuit, moi je vais avoir un peu de mal à voir tout le monde là. Vous pouvez vous rapprocher, vous asseoir s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez, soyez sympa. Et puis comme ça, s'il y a encore des gars timides qui peuvent pas trop parler fort, vous pourrez les entendre. Merci. Donc là, c'est la commission grève générale. Radio Debout, Radio Debout, nous voilà de retour sur le plateau de Radio Debout. Hein. La joyeuse bande de lycéens est partie, on les fera revenir certainement la semaine prochaine. On trouve que c'est chouette de laisser la parole aussi aux plus jeunes dont on parle beaucoup, mais que finalement on n'entend pas tant que ça. Donc voilà, vous les entendrez à nouveau certainement la semaine prochaine sur les ondes de Radio Debout. Et là, je suis avec Coraline. Coraline, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux peut-être, pour commencer, nous dire pourquoi est-ce que tu es venue sur le plateau de Radio Debout? Parce que tu nous as contacté en fait. Moi, j'ai reçu un appel un jour en me disant il y a Coraline qui veut venir parler un soir sur le plateau de Radio Debout. Et donc, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Alors moi, je veux vous parler ce soir en fait de mon père qui s'est immolé par le feu devant sa caisse de retraite à Marseille. Donc c'était le 27 avril, l'après-midi. Et donc mon père a été toute sa vie intermittent du spectacle. Là, ça faisait quelques années qu'il avait la hache, l'aide handicapée, à cause de douleurs. Et son dossier traînait, il s'en occupait depuis janvier 2016. Et voilà, c'était des allers-retours en permanence parce qu'il manquait un papier. À chaque fois, on le rappelait, il faut revenir pour ci, pour ça. Et de ça, il n'en pouvait plus parce que déjà par mail, par message, il me disait « j'en ai marre, il me saoule, je crois que c'est bon. Ah ben non, en fait, c'est pas bon, je dois y retourner. » Bon voilà. Et il est retraité à partir du 1er mai, donc il y va le 27 avril. Et donc à 3 jours de perdre ses droits, c'est-à-dire qu'il y a un basculement à partir du moment où tu es retraité, les aides que tu as, tout ça s'arrête en fait. Et donc il arrive le 27 et on lui dit que son dossier voilà, est toujours en cours de traitement mais que la personne qui s'en occupe est en vacances. Donc en gros, il n'a toujours pas sa retraite et le dossier n'est pas validé. Ce qui se passe, c'est qu'autour de lui, c'est des potes qui sont aussi intermittents du spectacle et qui sont dans la même génération, donc en train de préparer leur dossier, où ça prend des mois, que maintenant ils sont obligés de faire des emprunts à la banque ou de demander des sous aux potes parce que ça fait des mois qu'ils n'ont rien. Et tu sais pas combien de temps ça va durer. Et c'est le dossier est en cours de traitement, voilà, donc ça dure. Seulement quand t'es locataire, que t'as un loyer à payer, comment tu fais ? Là, moi, j'arrivais le lundi, ça s'est passé le mercredi 27, j'arrivais le lundi, chez lui, on avait un projet de film à faire dans son immeuble, et voilà, il m'attendait, et je pense qu'il y a eu un truc, où une angoisse extrême, qui la pression montait déjà depuis le mois de janvier, où il faisait son dossier, tout ça, il faisait tout bien, les papiers, les machins, et que là, d'un coup, il dit, ok, bon, bah, ma fille arrive le lundi, là, je n'ai absolument rien et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Bon, aujourd'hui, il est à l'hôpital dans un état stable. Donc, pour le moment, son corps récupère. Il accepte les greffes de peau, ça va. Maintenant, ça va être des soins pendant des mois parce que c'est grave. Et j'ai été reçue par les gens de la caisse de retraite. Qui ont débloqué le dossier dès le lendemain et qui me disent qu'il n'y avait aucun problème, que le dossier avançait comme il devait avancer, qu'il faisait tout très bien et qu'il n'y avait aucun souci, quoi. Il n'y a eu aucune remise en question de la part de la direction à faire un lien entre ce qu'a fait mon père. Il a quand même fait le trajet, il y allait le matin, mais il est retourné l'après-midi pour faire ça. Donc il a repris son tram et il est retourné là-bas pour faire ça. Et à aucun moment on se pose la question de oui, peut-être qu'il y a un problème dans notre boîte, peut-être qu'il y a un problème dans les conditions de travail. Non, c'est des personnes en face qui sont complètement hermétiques et qui ne font pas le lien en fait, vraiment, qui disent mais on comprend pas, il n'y avait pas de souci, là son dossier est validé, bah ouais, mais il a fallu ça pour qu'il soit validé déjà. Et le plus dramatique aussi, c'est de voir que c'est placé sous un fait divers. Qu'on n'en parle pas, que tout de suite l'affaire est étouffée. Et ça, c'est pour ça que j'ouvre ma gueule aussi, parce que je dis bah non, en fait, c'est pas un fait divers. Et il y a un moment où il faut se rendre compte de ça, que voilà, c'est plus possible. C'est ça, parce que c'est ce que tu disais, hein, qu'il y avait un silence autour de ça, et un silence notamment qui refusait de voir peut-être que ce geste avait du sens, et avait du sens contre un système qui fonctionnait pas, et que c'était pas seulement l'acte de quelqu'un qui était fragilisé, ou c'est plutôt un geste de colère, selon toi. Ouais, c'est ça, où les cas d'immolation en France, déjà, ça arrive tous les 15 jours, on n'en parle pas. Et c'est à chaque fois, donc il y a un enfant qui a fait ça dans une école, il y a quelqu'un qui a fait ça devant la CAF, devant Pôle emploi, et à chaque fois, c'est la personne qui est fragile, la personne qui est dépressive, la personne qui, est, voilà, qui a des problèmes. Mais par contre, voilà, aucune remise en question du système. Le système fonctionne très bien. Comme me disent là, les gens de la caisse de retraite, la direction qui me dit, mais nous, on fait du social, on ne comprend pas, c'est notre métier de travailler pour ces gens-là, tout ça. Mais dans la réalité, non, en fait, c'est pas ce qui se passe. Toi, tu me disais que du coup, tu avais été voir à la caisse des retraites après pour voir comment est-ce que ça se passait et que ce que tu en avais vu, selon toi, c'était l'horreur. Est-ce que peut-être tu peux expliquer comment le système est ubuesque ? Bah, c'est déjà, le bâtiment est impressionnant parce que c'est une tour énorme. Donc déjà, je peux citer, hein, c'est la CARSAT, c'est la caisse d'assurance retraite du 5e arrondissement à Marseille. C'est une tour énorme, tu rentres là-bas un peu comme dans un aéroport, ils font un pass, il y a des portiques, il y a des vigiles partout, des caméras partout, c'est ultra contrôlé. Et quand tu rentres après, c'est des box individuelles, donc ça se passe entre toi et quelqu'un, il n'y a aucun témoin. Et les files d'attente sont debout, voilà, tu patientes pendant des heures. C'est des personnes, en général, en retraite, t'as un certain âge, donc t'as pas forcément la même santé que quelqu'un de 20 ans, quoi. Et tu vois des personnes arriver fatiguées avec des cannes, des béquilles qui n'en peuvent plus, qui même une fois retraitées, ils doivent revenir parce qu'on peut les rappeler, leur dire « bah oui, on vous a suspendu vos droits parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il manquait ce papier pour cette année-là ». Et ils disent « bah ouais, mais moi, enfin comment je fais là pour bouffer ce mois-ci ? » ?»« Bah oui, bah, il faut nous amener le papier ». Donc tu vois des personnes qui arrivent, qui sont souffrantes vraiment et qui disent « ouais, on vient de faire tout le trajet là à pied ». Il y a même des gens qui m'ont dit, des commerçants en face qui m'ont dit ouais c'est des bagarres, c'est des pleurs, c'est des drames, et ça c'est tous les jours, c'est tous les jours. C'est ça, parce que tu me disais que toi ton papa ça c'est depuis janvier en fait qu'il était en train de s'inquiéter pour ses droits, et que donc c'est aussi un processus de pression qui monte et de pousser la personne à bout en fait. Oui c'est ça, c'est-à-dire que à chaque fois c'est au fur et à mesure des allers-retours, déjà que mon père bah voilà, il avait des douleurs, donc ça lui coûte quoi de faire les trajets, ça lui coûte, mais il joue le jeu quoi, il le fait, on lui demande le papier machin, il le fait, il y va, bon ça fait plaisir à personne de faire ça, mais il y a un moment tu joues le jeu, tu fais ok. Seulement, quand en face il ne se produit rien et qu'on te mène en bateau et qu'on te dit bah oui, bah, normalement c'est bon, puis on te rappelle une semaine après, on te dit bah en fait c'est pas bon, il nous manque ça. Ok, donc il faut avoir les nerfs solides, quoi, c'est vrai, il faut prendre sur soi tout ça. Mais mon père, qui est aussi quelqu'un de très réceptif et qui communique un peu avec tout le monde, je sais qu'allant là-bas, voyant comment ça se passe, étant témoin peut-être de situations où d'un coup, je sais pas, t'as une femme qui se met à pleurer, lui, tout ça, il a été nourri de tout ça depuis le mois de janvier, de par ses allers-retours, et que là, il se pointe, on lui dit la personne est en vacances, bah voilà, ça a été la goutte de trop, quoi. Et justement, toi, tu me disais que depuis cet événement, t'avais notamment ouvert une boîte mail. Ouais. Bah, est-ce que tu peux nous raconter ça ? Voilà, j'ai créé une boîte mail déjà pour recevoir des témoignages de gens qui ont eu affaire à cette caisse de retraite-là, et aussi des gens qui travaillent dans la boîte ou qui ont travaillé dans cette boîte. Il faut savoir que c'est une boîte privée qui travaille pour le public, mais à la base c'est une boîte privée. Et j'ai reçu énormément de mails, donc déjà tu te rends compte que les gens ont un besoin de parler et de s'exprimer, et qui me disent mais on comprend parfaitement l'acte de votre père, on n'en peut plus, on en a marre. Moi aussi la dernière fois il y a une fille qui m'a dit ouais moi ma mère elle a pété les plombs la dernière fois, donc ils me racontent quoi de ce qui se passe à la maison du coup. Et j'ai reçu aussi un mail d'un employé ouais, si tu peux nous le lire. Voilà, je vais vous le lire parce que je trouve que son mail est très intéressant. Moi, j'ai communiqué avec lui et je lui ai expliqué que j'étais reçue par sa direction et qu'il n'y avait aucune remise en question, et que je trouvais ça quand même terrifiant, en fait. Et il me dit « Concernant la réaction de ma direction, je ne suis malheureusement que très peu surpris et je ne peux être d'accord avec vous. Et je ne peux être que d'accord avec vous. C'est inhumain et intolérable. » Depuis des années, salariés et assurés sont dans la tourmente. D'un côté, des bénéficiaires plongés dans la précarité à cause de retards de paiement ou de négligence dans le traitement de leurs dossiers. Et de l'autre, une poignée d'agents frustrés qui constatent un nombre considérable de dysfonctionnements internes qui les empêchent de travailler dans des conditions optimales. Et après, il me dit, en août 2013, un agent de la CPAM, agence Kléber, dans le 3e arrondissement de Marseille, se jetait de la fenêtre de son bureau. Déjà, aucune remise en question de notre hiérarchie. Donc, oui. Voilà, il s'en est passé déjà des choses. Et de la part de la direction, on ne dit pas il y a un problème. Non. Mais tu m'expliquais que c'était aussi pour ça, pour toi, c'était très important de prendre la parole, parce que tu avais fait face à un silence. Ouais, un silence qui est très pesant, en fait. Déjà de la part des médias, où ben, moi, on m'a appelé deux jours après, les flics m'ont appelé que deux jours après. Et quand tu lis après que c'est placé dans les faits divers, que c'est, voilà, un homme s'est immolé devant la caisse de retraite, bon, point barre. Mais tu te poses pas la question de pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Il y a bien une raison. Et sur le fait de se mettre en feu, qui est un acte déjà extrêmement fort et violent qui s'est infligé, c'est aussi pour mettre la lumière à un endroit, la lumière sur une personne, de dire oui, je suis un être humain, oui, j'existe, et je mets en lumière cet endroit-là, pour montrer qu'il y a un problème à cet endroit-là. Et oui, c'est un acte fort. Voilà. Et justement, c'est un acte fort, c'est un acte qui a pu notamment, comme tu parles d'immolation, forcément maintenant on pense aussi à l'immolation aussi de Bouzaïd qu'il y avait eu pour la Tunisie. Comment est-ce que pour toi le contexte social actuellement fait sens aussi dans le geste de ton père? C'est que là, en France, il se passe tellement de choses que tu vois que ça pète de tous les côtés et que ça dérange. Déjà, ce qu'a fait mon père, ça dérange. C'était le mercredi, le lendemain, il y avait les manifs du jeudi 28 avril. Et peut-être que si ça avait été médiatisé et qu'on avait su que c'était un intermittent du spectacle, peut-être que ça aurait vraiment pété, quoi. Donc là, on a étouffé l'affaire. Comme par hasard, les droits pour les intermittents, enfin les accords, ont été passés dans la nuit du mercredi au jeudi. Bon, voilà. Et mon père, bon, c'est quelqu'un qui est toujours descendu de la rue, qui vit dans son temps, qui vit au présent. Et donc, c'est pas pour rien. C'est aussi, ça arrive à ce moment-là, parce que là, c'est un ras-le-bol général de dire là, ça ne marche plus en fait, ça ne tourne pas rond et il faut que ça s'arrête. Vraiment, il y a une urgence. Et ça a été sa manière à lui de montrer que là, c'est plus possible, on ne supporte plus ça. Et comment réagissent d'une part les gens autour de toi? Tu m'as dit que les proches de ton père qui étaient aussi intermittents, ça avait fait écho à leur propre situation, mais peut-être est-ce qu'il y a un tissu militant, un tissu associatif qui a réagi autour de toi? Oui, moi j'ai fait appel, du coup j'ai pris la parole auprès de syndicats, auprès de d'associations, et j'ai du soutien. Les amis de mon père sont extrêmement touchés et ils ont été un peu abattus en fait. Il y a un truc où voilà, ils ont traversé à cet âge-là, donc 60 ans, 62 ans, ils ont déjà traversé tellement de choses, ils sont déjà battus pour tellement de choses en France, que là d'un coup t'as ton pote qui s'est mis le feu pour sa retraite, ils ont été genre ok quoi, là c'est grave. Du coup, ils ne prenaient pas la parole tout de suite. Là ils commencent un peu à sortir la tête de l'eau, à s'exprimer. Là, moi, j'étais à Marseille tous les premiers jours. Du coup, eux, ils m'ont laissé parler avec mon père à l'hôpital. Mais là, maintenant que je suis à Paris, c'est eux qui vont sur place. Et là, je les ai au téléphone et ils me disent « Bon, ça me rassure, je vois que ton père est présent. » Là, il a commencé à parler, enfin, voilà. Et ça aurait été trop douloureux pour eux de perdre aussi leur pote dans cette ambiance-là. De perdre leur pote qui s'est foutu le feu devant une case de retraite, ça aurait été horrible. Donc là, ils sont rassurés de voir qu'il est sain et sauf, que pour le moment, il supporte les soins, que ça va. Mais par contre, ils ont une rage au ventre. Moi, je vois ma mère qui est aussi en train de faire son dossier retraite, qui me dit, mais là, ils n'ont pas intérêt à me faire chier. Parce que là, avec ce qui s'est passé, le moindre truc, ça va être tremblant, quoi. C'est... Toi, tu me disais, je vais avoir 25 ans, j'aurais jamais pensé qu'à 25 ans, j'aurais à dire, mon père s'est immolé par le feu et faut que je porte ça maintenant, faut que je vive ça. Ouais. Tu viens ici, à Radio Debout, tu t'es exprimé au Nuit Debout. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Et qu'est-ce que tu as peut-être aussi envie qu'on te dise? Ouais. C'est vrai que voilà, c'est des choses de la vie qu'on prévoit pas, qui nous arrivent comme ça, et on fait avec. Et comme moi j'ai grandi dans cette famille-là de on ferme pas nos gueules, bah du coup je ferme pas ma gueule et ça me donne d'autant plus envie de l'ouvrir quand je vois qu'on essaye de m'étouffer et d'étouffer l'affaire. Et je vais tout. Pour le moment en tout cas je mets tout en place pour que dans le temps cet acte-là ne soit pas oublié. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, on est submergé par les informations. Donc tu passes, il y a une info, puis tu en passes à une autre, puis tu as oublié l'autre. Enfin voilà. Et pour le moment je mets en place des choses pour que cet acte-là n'ait pas servi à rien. Qu'on le prenne en considération de oui, ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on en fait de savoir aussi pourquoi ça s'est passé et qu'on n'en arrive pas là. C'est-à-dire que ça serait pas possible que, je sais pas, que j'apprenne qu'un mois après, à Marseille, il y ait une autre personne qui ait fait ça. Là c'est pas possible. Donc, c'est pour ça aussi que je m'exprime, pour qu'on se rende compte qu'il y a des personnes qui sont prêtes à faire ça, mais que ça ne se reproduise plus, donc le prendre en considération et dire oui, ça arrive, mais maintenant faisons tout pour que ça n'arrive plus et bougeons les choses ensemble. Et donc moi de mon côté c'est voilà, avec comme je dirais, avec mes petits bras, une petite gonzesse de 25 ans, voilà, je m'exprime comme je peux, mais il y a aussi un côté de moi qui y croit très fort, parce que justement Nuit Debout, moi j'y crois dur comme fer, et ça me donne justement là l'opportunité de m'exprimer. Il y a que comme ça, il y a qu'avec des mouvements comme ça qu'on va pouvoir faire changer les choses. Ça, j'y crois par contre, vraiment, très fort. Bah écoute, merci beaucoup Coraline d'être venue ce soir au micro de Radio Debout. Bah merci à vous. Et bon courage. Bah je prends. Merci, merci. Et on va repartir maintenant, écouter l'AG. La loi Urvoas, quelqu'un a entendu parler, pas tous, et d'autres amis, d'autres du syndicat de la magistrature, du syndicat des avocats, essaieront de nous éclairer, et avec débat bien sûr, donc sur ce qu'est la loi Urvoas. Donc, je vous appelle et je vous dis simplement les derniers mots d'ordre. Donc, nous restons mobilisés contre les atteintes insupportables aux libertés et aux manifestations le 18 mai, contre l'état d'urgence, la répression, les violences policières, les contrôles faciès, la stigmatisation des quartiers populaires et des musulmans et des musulmanes ou supposés l'être, alors que le syndicat ultra-répressif d'Alliance Police Nationale joue de la provocation en organisant un rassemblement le 18 mai à République. Il appelle même le gouvernement à utiliser les assignations en résidence qu'on a vues aujourd'hui, elles étaient annulées par le tribunal administratif. Il appelle même le gouvernement à utiliser l'assignation à résidence prévue dans l'état d'urgence contre les militants. Les démonstrations de force de l'État se multiplient dans les manifestations contre la loi du travail et son monde. Nous refusons cette chance, cette chape de plomb sécuritaire pour la levée immédiate. Radio Debout, Breaking News, on coupe un petit peu l'AG sur le fil puisqu'on part à Lyon, il y a une expulsion en direct. Allô Alexis? Ouais, allô, il n'y a pas encore d'expulsion. Du coup, on est au collège Truffaut. Il est occupé depuis tout à l'heure, à 16h30. Il y a eu une AG qui a eu lieu où on a essayé de se mettre d'accord sur les actions à mener pour demain à Lyon, essayer de coordonner les luttes sur les piquets de grève notamment, y compris sur la manif des keufs. Voilà. Et là, on a appris qu'il y a la police qui est autour du collège. Voilà, donc on n'en sait pas plus. Alors, et c'est un collège, pour resituer, c'est un collège qui est donc sur les pentes de la Croix-Rousse, et c'est un collège vide, c'est ça? Ouais, c'est un collège vide qui est chauffé, mais vide depuis 3 ans. Il y avait déjà eu une tentative d'occupation il y a 2 ans. Et du coup, on a essayé de se coordonner aujourd'hui pour l'occuper et en faire un lieu de lutte. Voilà. Il y a de la bouffe de prévu. Normalement, on devait manger un couscous. C'était à peu près l'heure de le servir. Et on a vu en face, en fait, il y a un lycée en face, un gros bâtiment, duquel on a vu des flics qui prenaient des photos. Et on sait par des gens qui sont dehors qu'il y a un dispositif plus ou moins gros qui est en place autour. Voilà. Donc on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Il y a combien de personnes qui occupent ce collège pour l'instant? Dans l'après-midi, on devait être bien 300. Là, on est un peu moins nombreux, mais il y a encore du monde. Ah, et donc, grosse occupation quand même. Ouais, bonne occupation. Ouais, ouais, il y a une super dynamique. Il y avait plein d'ateliers qui ont commencé à se monter, plein d'envies qui ont pu prendre la parole en AG. C'était super chouette cet après-midi, vraiment super chouette. Et voilà, donc là on est un peu dans l'expectative, on vient de se réunir pour essayer de se mettre d'accord sur ce qu'on fait quand les flics entrent. A priori, on va essayer de tout se rester groupé, voilà. Et est-ce que vous appelez à du soutien devant? Ouais, on a appelé à du soutien via Rébellion, via une chaîne de SMS. Là, je ne sais pas exactement ce qui se passe devant, je t'avoue. Donc voilà, je peux pas t'en dire plus pour le moment. En tout cas, les Lyonnais peuvent suivre ça sur rebellion.info, j'imagine. Ouais, exactement. Et puis, écoute, je reste dispo. Si je t'envoie un message s'il faut reprendre du contact et si j'ai des news. Eh ben, tiens-nous au jus. Merci. Ouais. Et ici, cool. On revient à Paris et on revient à l'Assemblée Générale Populaire de la Place de la République. C'est juste réagir de manière plus intelligente. Et être réaliste également. Merci. Loïc. Loïc. Bon, bah pas de Loïc. Damien. Bonsoir à tous. C'est ma première prise de parole et je l'ai fait parce que demain, c'est un jour important, je trouve. Cette provocation de la police est vraiment grave. Et ça fait 2-3 jours là que j'entends les différents discours. Donc il y a bien ceux qui disent qu'on doit défendre la place. On doit la défendre coûte que coûte. Et les flics le méritent bien qu'on leur tape dessus, etc. J'ai même applaudi ça. Après, j'ai entendu ceux qui, comme à l'instant, disent « Ouais, il faut venir défendre la place aussi et être pacifique et leur montrer que nous, on est mieux qu'eux. » Je l'ai également applaudi et on peut que applaudir ce genre de discours aussi. Et puis, j'ai entendu aussi ceux qui disent « Bah, on va leur faire un pied de nez, ils vont nous attendre ici et puis nous, on sera ailleurs et comme ça, on aura gagné. » Et je les ai également applaudis. Le résultat de tout ça, c'est que demain, je suis un peu triste de le dire, mais j'ai l'impression qu'ils ont déjà gagné. C'est-à-dire qu'ils ont déjà réussi à nous diviser sur comment nous, on va réagir par rapport à cette provocation. Ce n'est pas la peine de faire Polytechnique pour savoir ce qui va se passer demain. Demain, ceux qui ne voulaient pas venir, ils ne seront pas là. Ceux qui vont vouloir être pacifiques, ils vont être là. Et ceux qui vont être violents, ils vont casser du flic. Et ce qu'on va retenir, ce que les médias vont montrer, c'est ceux qui cassent du flic. Et on aura tout perdu. Je ne vais pas réussir à convaincre qui que ce soit. Hein. Ceux qui veulent casser, ils vont casser, etc. Hein. Mais c'était le message que je ne pouvais pas ne pas passer ce soir. Après, il y a un autre message pour rester sur une note positive. Ok, demain, il y aura peut-être de la casse, des gens qui vont être blessés. Nuit debout qui va être blessé aussi, mais il faut vraiment qu'on continue ça. Il faut vraiment qu'après-demain, on soit de nouveau là, encore plus nombreux, pour montrer que c'était qu'un incident de route, de passage, et que ce qui compte, c'est pas est-ce qu'on doit être violent ou pas violent, comment on va réagir face aux flics demain, parce que ça occupe déjà deux ou trois jours, alors que le débat de la nuit debout, c'est pas ça. C'est pas comment on va réagir par rapport aux flics, c'est comment on va construire notre société. Donc, ok, demain, ça sera fini demain soir. Et après-demain, on recommence le vrai débat. Merci. Alors, je vais appeler François. François. Non, c'est qui ? François. Bon, mais François n'est pas là, visiblement, après. Charlie. Charlie. Radio. Tout François. Le monde déteste la police. Debout. La police déteste tout le monde. Radio Debout. Et vous écoutez toujours Radio Debout en direct de la Place de la République. Et la soirée de ce soir est sous le signe de la police et du rapport à la violence. Aujourd'hui, on aura tout à l'heure Emmanuel Blanchard, qui est historien de la police. On aura aussi des gens du collectif Urgence, notre police assassine, un petit peu plus tard dans la soirée. Également des gens de la commission citoyens gardiens de la paix de Nuit Debout. Voilà pour le programme de ce soir. Mais tout de suite, on retrouve Anthony, qui est au plateau de Radio Debout. Salut Anthony. Bonsoir à tous. Alors tu viens nous raconter, tu étais dans la manifestation le 12 avril et tu as été victime, enfin tu as été témoin plutôt, de violences faites au flashball policière sur une jeune fille. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé cette journée du 12 avril ? Bien, tout simplement, je manifestais comme tout citoyen qui manifeste aujourd'hui la loi El Khomri. pardon, excusez-moi. Tu peux le mettre proche, ton gars. Excusez-moi. Et du coup, donc je faisais partie des manifestants. Nous étions à peine avoir dépassé la tour Montparnasse, à côté de l'hôpital Necker. Et il se trouve que, fait du hasard a fait que je suis tombé sur des mineurs et jeunes adultes et lycéens qui ont été violentés par la police d'une manière assez forte. J'ai pris en charge une jeune fille qui a une fracture bras interne qui venait a priori du lycée Voltaire, de ce que je sais de mes informations. Il y a eu d'autres personnes aussi qui ont été flashées au flashball à même pas 10 mètres alors qu'elles demandaient simplement « je veux rentrer chez moi, vous me laissez passer » et elles ont été flashées. Excusez-moi si on entend mal. Non, c'est bon, continue Anthony, c'est bon, on t'entend bien. C'est juste excusez-moi. Un peu de mouvement autour du plateau. Mais... Et du coup, aujourd'hui je suis là parce que je trouve qu'aujourd'hui la police, certes il y a des ordres qui sont donnés, mais qu'aujourd'hui je pense que les ordres ne sont pas respectés. On est avec une police qui a du terrain et une nouvelle école de police qui sort tout frais comme une sorte d'école et qui sont totalement perdus quand une fois qu'ils sont dans la manifestation ils sont totalement lâchés, libres à eux-mêmes et qui se lâchent et utilisent leur force avec leur uniforme. Et tout à l'heure tu me disais que cette fille qui avait reçu plusieurs tirs de flashball, tu l'avais secourue, tu l'avais amenée jusqu'à l'hôpital. Est-ce que tu peux revenir là-dessus hein ? Ce que tu me disais tout à l'heure. Oui, exactement. Donc, je sais qu'elle a pris un flashball au niveau du bras. Pardon. Au niveau du bras, elle avait une plaie ouverte. Elle a le visage qui a été touché. Il y avait la jambe qui avait été touchée aussi. Qui, je pense, après, avec l'angoisse et la crise, qui s'est arrêté un petit peu de respirer dans mes bras, qui a perdu un peu connaissance. Après, je ne peux pas dire exactement ce qu'elle avait. Tout ce que j'ai fait, c'est de l'emmener à l'hôpital Necker. J'ai demandé de l'aide auprès des pompiers surchargés, qui n'ont pas voulu m'aider. C'était des pompiers qui étaient en marge du cortège ou c'était quand tu es arrivé à l'hôpital Non, c'était des pompiers qui venaient d'arriver sur le terrain et qui ne m'ont pas aidé. J'ai demandé à la Croix-Rouge aussi de m'aider. Personne n'a voulu. En fait, c'était en gros, débrouille-toi tout seul, tu as pris cette victime, assume la victime que tu as dans tes bras. En gros, c'était un peu ça. Après, je ne veux pas les dénigrer ni quoi que ce soit. Donc tu t'es retrouvé à la portée jusqu'à l'hôpital. C'est ça. Et je l'ai amené jusqu'à l'hôpital. Et à l'hôpital, il y a un brancardier. J'étais en sueur quand même, sur 400 mètres, à porter quelqu'un qui fait un poids mort à un moment donné. C'était dur. Et un brancardier a lâché son matériel et est venu m'aider et l'a ramené directement aux urgences. À partir de là, on m'a demandé, comme je n'étais pas membre de la famille et que j'étais étranger à cette personne, de la laisser au sein des services. Et t'as eu des nouvelles depuis ou pas du tout ? Non, j'ai pas eu de nouvelles de cette personne-là et j'aimerais vraiment en avoir. Donc si ce soir, il y en a qui m'entendent, a priori, elle viendrait du lycée Voltaire, de ce que je sais aux dernières infos. Et s'il y en a qui m'entendent, qu'on vienne m'informer sur mon Facebook Antonio Le Guèche pour me donner des nouvelles de cette personne. Ça serait super cool. Et tu étais aussi dans la manifestation aujourd'hui ? Oui. Ce que tu me disais. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, aujourd'hui, ça se passait super bien. Pour moi, au départ, ça se passait très très bien. Il a fallu que... des gens, chacun reflète à sa violence, sa revendication et libre à chacun de faire comme il leur choix. Donc il y en a, ils vont passer par de la casse, à confronter avec la police. Mais au final, aujourd'hui, j'ai vu des membres des syndicales de la CGT, et je précise bien CGT qui se prétendent faire la sécurité, jeter des briques sur les manifestants même. Créer un conflit pour qu'il y ait un débordement. Pour ma part, je trouve ça inadmissible. Vous êtes là, vous êtes en train d'appeler les gens à aller dans la rue, à manifester, et au final, vous vous retournez aussi un peu contre nous. Donc ça, je n'accepte pas. J'ai vu c'est qu'ils ont essayé de séparer les cortèges en petits groupes et au final on se retrouvait entenaillés entre les forces de l'ordre et un petit groupe et puis à un moment donné il y a eu des lâchages de bombes, comment on appelle ça, bombes acrymo. ont été lancés, des gros nuages. Enfin, j'ai des petites photos que j'ai postées tout à l'heure sur Facebook pour essayer de relayer des vraies infos par rapport à BFM qui, eux, disaient tout le contraire. Donc voilà, j'ai essayé de faire au maximum de donner des infos et en même temps d'être là s'il y avait des blessés, si je pouvais aider. Est-ce que tu t'es retrouvé justement à aider des gens qui étaient victimes de violence aujourd'hui hein. Alors je dis malheureusement, mais tant mieux que j'en ai pas eu, mais s'il y avait eu besoin, ouais, j'aurais été pour les aider. Et voilà. Et après, ce dont tu as été témoin, toi tu continues toujours de descendre dans la rue, c'est important pour toi de continuer à venir, à manifester malgré... Bien sûr, et je pense que c'est pas que pour moi, c'est pour même les générations qui ne peuvent plus se déplacer. Je pense qu'aujourd'hui on est des jeunes qui avons une force physique, et aujourd'hui je pense qu'il est temps de faire en sorte qu'on se fasse entendre une bonne fois pour toutes. Le système marche très très mal et il faut y aller, et je sollicite les gens à y aller. Malgré la violence policière, en sachant que la violence policière, elle est faite parce que derrière, ils ont des ordres. Aujourd'hui, ils sont quand même aussi à bout depuis l'état d'urgence. J'ai pu parler avec des gendarmes, avec des CRS qui m'ont dit voilà, aujourd'hui, on ne voit plus nos familles parce qu'on est appelé sur telle intervention. Et je pense qu'ils arrivent et qu'ils commencent à craquer. Donc avant qu'ils craquent, avant qu'il y ait vraiment un gros débordement, quelque chose qui ferait que d'un coup, tout le monde irait dans la rue. Je pense qu'avant ça, il faut sortir dans la rue. Et je demande aux gens de venir, effectivement, de venir, pas juste pour la loi El Khomri, mais pour tout ce que ce soit les motards, que ce soit pour leurs trucs, leurs cartes, trucs payés, un contrôle ou quoi. Il faut que tout le monde mette en accord leurs idées. Et qu'on se réunisse une bonne fois pour toutes pour dire non. Est-ce que tu as un mot à rajouter, Anthony ? Oui, j'ai un mot à rajouter, et ça c'est pour les jeunes étudiants. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont civils et qui viennent aider les gens qui sont blessés. Et je demande aux étudiants, s'il y en a qui m'entendent, de ne pas aller vous mettre en danger inconsciemment et d'essayer d'être dans les groupes qui pourront essayer de vous encadrer. Mais ne surtout pas aller à l'affront avec les forces de l'ordre qui, eux, une fois qu'ils sont partis, sont totalement énervés et qui risquent justement d'outrer avec leur pouvoir d'uniforme, de faire violence. Et quand je dis violence, c'est des vraies violences. C'est pas juste un peu, ils vont pas juste vous attraper et vous mettre dans un fourgon. Ils vont vous matraquer. Et ça, pour ça, je demande à ce qu'ils soient vigilants. Donc quand vous allez dans une manifestation, amenez un masque, peu importe, mais essayez de vous protéger. Parce qu'il y a déjà assez de victimes comme ça, et il n'en faut pas plus. Merci beaucoup Anthony, le message est passé. Merci d'être venu livrer ton témoignage sur Radio Debout. On va continuer justement la soirée autour de ces questions-là, autour des questions de violence policière. Tout à l'heure, on aura Emmanuel Blanchard, qui est historien de la police, qui viendra au plateau de Radio Debout pour justement interroger cette violence policière. Est-ce qu'elle était plus importante avant? Comment elle a pu se transformer? On aura également des gens du collectif Urgence, Notre Police Assassine, qui seront là aussi au micro de Radio Debout. Voilà, donc reste avec nous tout au long de cette soirée. Et pour le moment, on va repartir écouter ce qui se passe à quelques mètres d'ici, à l'Assemblée générale. Et je voudrais répondre à ce monsieur-là. C'est quand même aux organisations syndicales de décider de la suite. Alors, je vais vous dire que je suis à la CGT et que jusqu'à présent, j'ai toujours été consulté comme mes camarades pour prendre des décisions. Chez nous, c'est démocratique. Voilà ce que je voudrais vous rappeler. Merci à tous. Ok, bonsoir à tous. Moi, c'est Valentin alias Valro. J'ai juste écrit une petite musique sur ce qui se passe en ce moment à travers une partie d'échecs que je vais vous interpréter. Le but, en fait, c'est qu'on s'unisse, qu'on se renforce et qu'on bouge parce qu'aujourd'hui, la partie adverse est là, bouge et est là devant nous demain. Ok. Nous sommes des pions en première ligne dans une guerre sans précédent. Manifestons en République pour prouver notre mécontentement. On avance de case en case avec la peur de l'échec. Il est grand temps d'écrire une page, vite faut qu'on change de système. Je crois qu'il est l'heure de remettre les pendules à l'heure. La partie va commencer, il faut viser les pièces majeures qui nous oppriment de part en part, différencient le blanc du noir, qui veut qu'on devienne des esclaves, qui a rendu nos parents barges, très sincèrement. Qu'attend-il de nous? Dès qu'on est contre leurs principes, on est fiché dans la rubrique du fou, tu trouves ça con? Je t'avoue, perso, je trouve ça loufoque. Ils rêvaient d'un troupeau de moutons. Ils ont récolté une meute de loups. Tous les soirs, on boit en fume et on inhale. Donc t'as senti le malaise, une image triste de nos vies. Plus d'espoir. La France avance en diagonale. Si tu veux nous passer la laisse, sache qu'on aura les grosses sorties. Ils peuvent ramener l'armée, les flics, les cavaliers de l'apocalypse. Plus rien ne pourra nous arrêter. C'est l'ère de la 6ème République. T'es coriace, mais sache qu'on a déjà 2 tours d'avance. Le message t'embarque à la vitesse d'un ouragan. C'est ce qu'ils appellent la prise en passant. Tu ne connais pas, c'est sans appel. Tu peux pas venir jouer dans la tour des grands. Nous, elles sont belles, remplies de ciment. Ont l'œil qui scrute l'horizon, peuvent attaquer verticalement. Ils ont le cœur dur comme du roc. Je parle des rois, des présidents. Sont protégés par des escortes. Ont bien trop peur des représailles. C'est trop tard, on arrive et on a tous la rage. Mal au talon d'Achille, faute de vos dérapages. Et ils nous disent représenter la France. Quelle est leur reine qu'ils vont tout faire pour qu'elle avance. Foutaise, échec et mat en 3 coups, c'était couru d'avance. Ils ont intérêt à gamberger avant d'oser demander la revanche. C'est tous en selle que l'on avance pour leur montrer que l'on est tous ensemble. Donc forcément, tous en chaîne, on est tous en sang. Tous en grève, tous en cercle, tous éclairs, c'était tout fangé. La conviction qu'ils veulent qu'on finisse tous en cendres. Tous les soirs, le groupe se rassemble et se forme. Tous les soirs, le groupe se renforce, il se forge. Tous les soirs, le groupe se rassemble et se forme. Tous les soirs, le groupe se renforce, il se forge. Ok, merci à tous. C'est Valentin, c'est ça ? Bon ben merci à Valentin pour ce rap, mais c'était pas une opposition radicale, je me suis fait avoir, mais c'est pas grave. Non, c'était très beau, c'était très beau, c'était très beau. Je vais vous demander de vous rapprocher, de vous asseoir. Je vais recommencer la même chose. Allez-y, soyez... c'est propre par terre, c'est propre. Allez-y, asseyez-vous, rapprochez-vous, parce que moi, j'ai une petite vue et je vais pas pouvoir voir les oppositions radicales s'il y en a au fond, tu vois, par exemple. Il y a un point technique et après, ça sera Charlie. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si parmi vous, il y avait des gens qui étaient à la manif aujourd'hui. Moi, c'était le cas avec certaines personnes. Bah voilà. Vous avez vu, c'était un peu chaud. Hein. C'était bien organisé, surtout qu'ils nous ont fait un petit piège à un moment sur la rue campagne première. Où ils avaient laissé l'allée libre pour qu'on y aille et qu'on se fasse tous gazer. Évidemment, on y est allé. Justement, donc c'est pour faire un petit point sur ce genre de situation. Il faut éviter ce genre de choses, ce genre de gros piège ouvert qui est tellement une évidence que on y va. Il y a d'autres points importants. Je pense qu'il faut tous qu'on s'organise. Là, avec la loi qui va au Sénat, qui va repartir à l'Assemblée nationale, on en a pour des mois. Donc on a de quoi s'organiser pour aller les faire chier là-bas. Donc il va y avoir des réunions actions sur la place. Et puis je vous invite, entre groupes de 5 à 10 personnes max, à déjà parler entre vous de ça, aller chercher les infos ailleurs et rester discret. Utiliser Signal, c'est une super application pour envoyer et appeler en message crypté. Voilà. Je vais aussi faire un petit point sur les blessés d'aujourd'hui. Il y a un mec qui s'est fait péter le nez avec un coup de coude. Il y en a un qui s'est pris une grenade de désencerclement dans l'arcade. Quelques blessés légers, des petits éclats, des petites choses comme ça. Il n'y a pas eu d'effet de foule avec des blessés. Ça a été plutôt cool. Il y a des personnes âgées qui ont pris cher. J'ai pas vu d'enfants, personnellement. Voilà. Donc, commencez à parler entre vous. Il faut s'organiser, il faut être imprévisible, parce qu'après la manifestation, on est plusieurs petits groupes à être partis pour aller et à l'Elysée, et à Matignon, et au ministère de la Culture. Le décompte des violences policières à l'Assemblée Générale de la République à quelques mètres de la bâche de Radio Debout. Et nous sommes d'ailleurs, nous allons consacrer toute la soirée à la question justement des violences policières. Et nous sommes en ce moment avec Alice de DEFCOL, de la Défense Collective. Salut. Salut. Donc DEFCOL, vous êtes déjà venu plusieurs fois au micro de Radio Debout pour resituer. Vous êtes un collectif qui donne des outils et des conseils juridiques pour des personnes qui sont victimes de violences policières, qui sont témoins de violences policières. Ou qui ont aussi des problèmes juridiques qui seraient liés à leur implication dans les manifestations. On parlait tout à l'heure, avant justement, juste de prendre l'antenne, qu'il y avait eu hier, il y a eu des interdictions de manifester pour plusieurs personnes et qui ont pu être levées grâce au soutien des gens de DEFCOL. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus, parce que ça s'est passé vraiment ce matin, tout récemment. Alors juridiquement, c'est pas tout à fait des interdictions de manifester. Alors politiquement, ça l'est, mais juridiquement, ça ne l'est pas. Juridiquement, ça se base sur la loi sur l'état d'urgence qui permet au préfet de faire des interdictions de séjour dans certaines parties du territoire français. Et là, pour le coup, il a interdit pour toute la journée d'aujourd'hui d'aller sur les arrondissements où se passait la manifestation et interdit aussi d'aller sur la place de la République à partir, je crois, de 18h ou en tout cas pour la nuit d'aujourd'hui à demain. Donc on ne sait pas exactement combien il y en a eu. D'après les médias et d'après un peu ce qu'on ressent, il y en aurait bien une vingtaine, peut-être une trentaine en tout cas sur Paris. Et il y en a eu aussi dans... Il y en a eu aussi dans toute la France, il y en a eu à Nantes, il y en a eu à Rennes. Et donc en fait, rapidement, les personnes qui ont été qui ont eu ces arrêtés préfectoraux ce week-end ont contacté eux par eux-mêmes les avocats de DEFCOL parce qu'ils les connaissaient, parce que les avocats circulent depuis longtemps, parce que c'est des avocats auxquels ces gens faisaient confiance. Et nous, DEFCOL, on a plus été en soutien à la procédure en faisant un appel à recensement assez rapidement pour que les avocats puissent faire ce qu'on appelle une procédure d'urgence, un référé liberté pour aller devant le juge administratif le plus rapidement possible pour qu'ils puissent faire sauter ces interdictions. Donc il y a une dizaine de procédures qui a été déposée. Il y en a 9 qui ont été levées sur les 10. En gros, pour faire un peu le topo. Tout à l'heure, tu parlais également qu'il y avait une évolution forte au niveau de la répression judiciaire, que justement on est encore sous état d'urgence et que la police, que le pouvoir peut facilement utiliser ces raisons-là pour empêcher des manifestants d'exprimer leurs idées, de descendre dans la rue. Bah alors, c'est un peu difficile de faire vraiment un parallèle entre l'état d'urgence et la répression, parce que je pense que c'est pas parce qu'il y a de la répression, mais plutôt parce qu'il y a de la répression qu'il y a de l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est juste un moyen. En soi, dans les procédures pénales basiques qu'on a pu voir depuis le début pour des jets de projectiles, rébellion, outrage à agent, etc., l'état d'urgence n'a juridiquement rien à voir et on s'en fiche. Le régime de la garde à vue ne change pas sous l'état d'urgence. Les pouvoirs de la police ne changent pas sous l'état d'urgence. Même les perquisitions qu'on a pu connaître, il y a des gens qui ont fait l'objet de perquisitions suite à des ADN, etc. Ce n'était pas des perquisitions sous l'état d'urgence. Par contre, on sent que ça participe à un climat de répression générale. Et même les juges les rappellent, les procureurs dans ces réquisitions parfois les rappellent cet état d'urgence. Les arrêtés préfectoraux, à chaque fois qu'il y a des interdictions de manifestation ou en tout cas des déviations de parcours, etc., rappellent à chaque fois, vu l'état d'urgence, donc rappellent toujours ce contexte de l'état d'urgence. Donc c'est un climat général plus que des choses concrètes qui ont lieu sur la répression judiciaire, c'est-à-dire que une garde à vue, une comparution immédiate aujourd'hui, juridiquement parlant, est la même qu'avant l'état d'urgence, quoi. Mais c'est un climat général qui fait qu'il faut, que ça, il faut analyser aussi la répression dans le contexte de l'état d'urgence et pas non plus faire abstraction, quoi. Parce que politiquement, c'est ça qui est intéressant, c'est pas le juridico-juridique. Et si on revient sur la question des violences policières, tout à l'heure, il y avait Anthony qui parlait, qui a été témoin d'une femme dans la manifestation du 12 avril qui s'est pris des tirs de flashball. Des personnes comme ça qui sont victimes de violences policières, qui viennent vous voir, comment ensuite vous faites le suivi? Est-ce que les démarches ont une chance d'aboutir? Alors, nous, DEFCOL, on n'est pas... Faites le lien. Voilà, on fait le lien, c'est-à-dire qu'on sait... Entre les personnes qui sont témoins ou victimes et les avocats ensuite. Voilà, en gros, DEFCOL, on s'est mis comme principe d'aider à la défense des personnes qui ont été interpellées lors des manifestations par la police ou ensuite qui sont convoquées pour des procédures ultérieures. Et donc c'est vrai que la question des violences policières, on l'a pas au départ directement intégrée dans ce qu'on faisait et je pense que pour des raisons aussi purement techniques et physiques, on n'est peut-être pas assez nombreux pour gérer tout ça. Par contre, on reçoit beaucoup de témoignages et il y a des avocats qui bossent avec DEFCOL d'un autre côté, qui ont mis en place ce qu'on appelle une procédure de saisine du défenseur des droits. Alors je ne sais pas exactement où ça en est, ça vaudrait le coup qu'on refasse ce point bientôt, mais de saisine du défenseur des droits pour justement recenser toutes ces violences policières, où ça en est, et qu'ensuite, en fait, le défenseur des droits est une institution indépendante qui permet de constater et de faire des rapports sur ce qui se passe au niveau des droits. Donc ils ont mis ça en place. Je ne sais pas si ça a déjà été déposé, mais ils recevaient des dizaines et des dizaines de témoignages et avec des certificats médicaux, etc. Donc nous, on faisait le lien avec ce collectif-là auquel vous pouvez écrire à violence policière au pluriel @riseup.net. Enfin, tout ça c'est sur notre compte Twitter aussi, que def-call, et ça permet d'avoir pas mal d'infos et aussi de se renseigner sur qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, quoi. Un numéro peut-être pour contacter DEFCOL, le moyen de vous joindre pour des personnes qui seraient justement témoins ou victimes de violences ou de... Voilà. Alors sur les violences, le mieux c'est de nous écrire un mail avec un témoignage. Donc le mieux c'est de l'écrire directement à violencepolicière@riseup.net ou d'envoyer à DEFCOL@riseup.net, parce que c'est vrai qu'avoir un écrit dans ces cas-là, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour pouvoir faire le suivi. Par contre, les personnes qui sont... qui sont témoins d'interpellation, etc., ou leurs potes qui ont été placés en garde à vue, ils peuvent nous appeler directement à un numéro, pour le soutien juridique. Voilà, un numéro de veille qu'on met en veille disponible 24 heures sur 24. Alors parfois quand on dort on répond pas, mais on rappelle toujours, qui est le 07 53 82 19 10. Et ce numéro-là, voilà, sert pas spécialement aux violences policières, mais en tout cas aux personnes qui sont interpellées ou qui sont témoins d'interpellation. Demain, est-ce que vous avez une position donc DEFCOL sur les manifs qui sont annoncées, la manif de la police et la manif contre la manif de la police? DEFCOL, c'est pas spécialement un collectif qui va avoir des positions politiques sur tel ou tel événement. On a nos principes politiques sur comment défendre, le fait qu'on défende tout le monde, qu'on fait pas la distinction entre les bons manifestants qui sont pacifiques, je reprends le discours un peu politique ambiant, et les mauvais manifestants qui seraient des casseurs. On défend tout le monde, c'est pas là-dessus. Mais alors ensuite, les gens, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et nous, s'il y a des interpellations et s'ils ont besoin de nous demain parce que ça part en vrille ou que ça, on sera là, quoi. On n'est pas en train, on choisit pas nos actions en fonction de si l'action nous plaît ou pas. DEFCOL, je pense que chacun peut avoir son avis à l'intérieur du collectif sur ce qu'il compte faire ou pas faire. On fait des actions individuellement de manière séparée. On est plus ou moins sympathisant de telle ou telle pensée politique, mais. Voilà, nous, en tant que DEFCOL, on défendra, s'il y a des problèmes lors de la journée de demain, on sera là, quoi, bien sûr, et on met en place une veille demain avec plusieurs personnes derrière le téléphone, si besoin. Quoi. Mais quand on recense, comme vous le faites, vous, j'imagine, toutes les violences policières, tous les problèmes qu'il y a eu, quand vous voyez l'appel de Alliance, comment vous réagissez? Ça vous fait rire jaune ou vous vous dites... Bien, on rit un peu jaune, oui, c'est clair, on n'est pas... Quand on dit qu'on défend tout le monde, on défend tout le monde, mais on a le principe qu'on défend pas l'extrême droite. Et Alliance peut très clairement être considérée comme un syndicat qui est très très à droite. Et je pense qu'eux ont leurs propres moyens de défense et ils n'ont pas besoin de nous, ils ne feront pas appel à nos avocats si eux ont des problèmes. Enfin, après, si la police se fait interpeller par la police, je ne sais pas trop où on rentre, mais bon. C'est ça qui va se passer. Sûrement, on verra. Après, je pense que voilà, les gens, eux n'auront pas accès à nos. Enfin, feront pas appel à nos avocats, et si c'est le cas, on verra à ce qu'on décide, mais moi je m'intéresse. Je vais être à la réunion si tu veux vraiment. Ouais, non, mais je m'adressais plutôt aux manifestants qui viendraient justement pour protester contre cette manifestation. Bien sûr qu'on rit jaune et qu'on a tous des réactions. Je sais pas, il y en a peut-être certains d'entre nous qui vont aller faire telle ou telle action. Moi personnellement, je bosse demain, donc la question se pose pas, mais. On n'est pas du côté d'Alliance, c'est clair. Après, s'il faut dénoncer les conditions de travail des policiers, ça peut être une question qui peut se poser politiquement, mais pas la manière dont ils le font en parlant de haine anti-flic quand on voit que quand on voit ce qui se passe réellement dans la rue et que nous, on est des témoins réels et qu'on recense tout ce qui se passe, c'est un peu disproportionné, c'est lunaire comme truc. Et c'est clair qu'on l'analyse. Enfin, je ne sais pas si Defcon l'analyse comme une provocation, mais en tout cas, beaucoup à Nuit Debout l'analyse comme une provocation. Moi, personnellement, je l'analyse comme une provocation. Est-ce qu'on doit répondre à cette provocation ou pas? Ça, c'est chacun qui décide en son âme et conscience et qui fera comme il veut politiquement. Je pense que c'est une question qui est aussi difficile à répondre, quoi, parce qu'il y a plusieurs réponses politiques qui s'entendent, mais bon, on verra comment c'est demain, et puis nous, on sera là si besoin. Quoi. Merci beaucoup. Pas Alice. De souci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Et on va repartir, écouter ce qui se dit du côté de l'Assemblée Générale, place de la République. Un récépissé en cas de contrôle pour pouvoir lutter contre le contrôle au faciès. Alliance ne veut évidemment pas que le récépissé soit mis en place. Donc leur but, on pense aussi en faisant cette manifestation demain ici, c'est que tous les regards soient concentrés sur ce qui se passe place de la République et qu'on oublie ce débat très important qui a lieu au Sénat sur le contrôle au faciès. Donc petit rappel, il y a une manifestation prévue devant le Sénat demain pour ça. Donc je pense que c'est important aussi qu'on se mobilise et qu'on aille manifester devant le Sénat. Voilà, merci. Merci. Donc demain, tous ensemble. Ok. Alors, la manifestation au Sénat. Il faut se renseigner, désolé, on n'a pas l'horaire pour la manifestation devant le Sénat. Alors, c'est un point. Oui. Un point technique sur le lycée Colbert. Oui, bonsoir. Alors, c'est juste qu'on a eu des nouvelles fraîches du lycée Colbert, donc qui est occupé par une trentaine de lycéens. C'est pour vous dire que, pour le moment, il y a une centaine de policiers qui arrivent et qui entourent le lycée. Donc, on en est là. Il y a une vingtaine de personnes, dont des street medics, qui sont là pour les soutenir. Les street medics ont appelé au renfort, mais les lycéens, à la base, ne voulaient pas de renfort. Donc, c'était pour vous informer. Voilà. Bon, je viens d'avoir une information. Ils viennent de se faire évacuer. Voilà. Donc, gentiment. Voilà. Donc, j'appelle Stav. Bonsoir, pour une dernière fois, aujourd'hui, je suis Stav Roula. Stav, je viens de Thessalonique, Grèce. Dimanche soir, on était à Thessalonique, 30 personnes, à faire la nuit debout, être solidaire à vous, mais en fait, à être solidaire à nous tous. Parce que ce n'est pas qu'en France, c'est un mouvement européen, il faut que vous vous rendez compte, la dynamique. Nous, on est dans la rue depuis 2008. Quand on vous voit et on vous salue tous, pour votre courage, pour votre réveil, on disait il y a 4-5 ans qu'est-ce qui va se passer. Ce qui passe en Grèce, ça va se passer aussi au reste de l'Europe. À moitié, certains nous attendaient. Maintenant, il faut nous croire. Il faut se mettre debout tous. Il faut concevoir que ces mouvements européens, ça, c'est très important. Et deux choses, je voulais dire. La première chose, c'est que la dynamique qui s'est créée, c'est en train de se répandre dans toute l'Europe. Ce qui se passe, ce n'est pas juste une loi de travail, c'est une voie qu'il faut arrêter, qui va vers une privatisation totale, vers une manque de... Qu'est-ce que c'est public? On est en train de perdre ce qui est public. On est en train de devenir un continent, des pays où les gens doivent tout payer pour exister, pour boire de l'eau, c'est pas possible. Donc, la première chose que je vais vous faire... Je ne sais pas comment le faire, enfin, je suis fatiguée. C'est qu'il faut que vous vous rendez compte ce qui se passe ici. Ce n'est pas quelque chose qui est que sur la place République. Ce n'est pas quelque chose qui est que pour la France. C'est quelque chose qui est au moins européen. Les gens partout en Europe sont en train de mobiliser. Il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. Il y a deux jours, j'étais en Grèce. Nous, on est très fatigués. Donc, je vous demande de faire quelques actions aussi, de soutenir les mouvements et parler aux gens dans d'autres pays. En Grèce, en 2011, avec les Édiniens, on s'est levé parce qu'il y avait une pancarte à la Plaza del Sol, en Espagne, qui disait que les Grecs sont en train de dormir. Et ça crée un mouvement pas possible. Il faut croire à ça. Et une autre chose qu'on était en train de discuter, donc dimanche soir, les 30 personnes, qu'on est tous dans la rue depuis 2008, c'est qu'il faut voir un mouvement pan-européen. Que si jamais, réfléchissez, si jamais, pendant une semaine, on faisait la grève générale, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer si pendant une semaine, on fait la grève générale en Europe ? Parce que c'est possible, on est en communication, on peut le faire. Et que je pense, parce que je viens d'avoir une conversation à la télé debout, qu'il ne faut pas oublier les télés, la radio, sont très importants. Nous, on pense que tout est en train de tourner comme ça. Ce qui se passe aujourd'hui en Grèce, vous n'entendez pas du tout, mais ça ne va pas du tout. Hein. Ça ne va pas du tout. Ni dans les hôpitaux, ni dans l'éducation. Des lois sont en train de passer qui sont contre la volonté des gens. Et nous, on craint fort que c'est votre futur, c'est ça. On l'a dit depuis des années. Maintenant, c'est le moment parce que ça a commencé. Et si ça a commencé partout, c'est le moment maintenant. Merci pour votre gentillesse, votre hospitalité ici. N'arrêtez pas, on est beaucoup. Nous sommes beaucoup de personnes. Radio Merci. Debout, les gens debout, Radio debout. Bonsoir à vous, bonsoir chers auditeurs. Nous sommes toujours en direct de la place de la République avec Radio Debout, l'Assemblée Générale qui continue. Plusieurs centaines de personnes rassemblées sur cette place après ce retour de manifestation aujourd'hui, ce 17 mai. Emmanuel Blanchard, bonsoir. Je vous présente pour nos auditeurs. Vous êtes historien de la police, maître de conf à l'Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Avec nous Loïc pour cette co-interview. Bonsoir Loïc. Alors Emmanuel, on en a parlé tout à l'heure à l'Assemblée Générale, je ne sais pas si nos auditeurs ont pu l'entendre, comme maintenant presque à chaque manifestation, le débriefing en AG, on parle très régulièrement de ces violences policières, on en parle d'autant plus ce soir que demain un rassemblement sur la place de la République a été appelé par le syndicat Alliance, le syndicat de police Alliance. On a beaucoup critiqué la police dans ce mouvement contre la loi travail. On a pointé un certain nombre de violences policières, de nombreuses hospitalisations de la part des manifestants, un être crevé à Rennes. Peut-être une première question, cette violence, est-ce qu'elle est rationnellement produite, régulée par l'État ou alors au contraire, est-ce que c'est une violence qu'on pourrait qualifier d'accidentelle ? Quand on veut comprendre un maintien de l'ordre, c'est souvent très compliqué de décrypter les intentions. Notamment les intentions de ceux qui sont dans la chaîne de commandement, typiquement ici le préfet de police qui ont été en contact direct avec les autorités, le ministre de l'Intérieur. En revanche, il y a des choses qui matériellement permettent de mettre en évidence le niveau de violence qui est toléré. Et par exemple, à partir du moment où les CRS ou les gendarmes mobiles sont équipés de lanceurs de balles, de flashballs, des équipements qui n'étaient absolument pas admis en situation de maintien de l'ordre il y a quelques années. Les CRS n'ont pas de lanceurs de balles, hein. C'est la gendarmerie mobile et la BAC, hein. Ouais. Vous confirmez, c'est bien ça ? Oui, effectivement, vous avez raison. Mais un certain nombre d'unités de forces de l'ordre sont équipées de lanceurs de balles. Il y a déjà un certain niveau de violence qui est considéré comme tolérable a priori. Donc ça, c'est une première manière de décrypter. Ensuite, il y a d'une certaine façon la logique globale du maintien de l'ordre. Et il semble que depuis le début de ce mouvement, il y ait une volonté de procéder à un certain nombre d'arrestations et de judiciariser un certain nombre de cas. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'amener des manifestants et des manifestantes devant les tribunaux. Et pour cela, au lieu d'avoir un maintien de l'ordre qui reste à distance des manifestants et des manifestantes. On a des personnels, des agents qui sont intégrés en civil à l'intérieur des manifestations, qui peuvent jouer le rôle parfois d'agents provocateurs et qui en tout cas, par la façon qu'ils ont de changer de face en cours de manifestation, peuvent la rendre plus ou moins houleuse. Alors, agents provocateurs, on peut préciser pour nos auditeurs, c'est quoi exactement ? C'est des policiers infiltrés en civil qui commencent à lancer les premiers pavés ? Ou en tout cas, qui, alors qu'ils sont au milieu de personnes qui ne cachent pas leur intention d'une certaine façon, ne cherchent absolument pas à les freiner et au contraire vont attendre le passage à l'acte, voire inciter pour essayer de sortir le brassard à ce moment-là, de procéder à un certain nombre d'arrestations. C'est pas un fantasme, justement, ces fameux agents provocateurs, ces policiers infiltrés ? Alors non, je ne parle pas de policiers infiltrés. Ce qui est sûr, policier infiltré, c'est un policier qui serait au milieu de groupes militants considérés comme militants. Mmh. Et donc, qui serait un agent, comme on en connaît, comme on a connu hein, dans le mouvement altermondialiste. Hein. Par exemple, il y a eu des exemples célèbres de ce point de vue-là. Non, là, c'est pas la même chose. C'est des personnels qui sont au milieu de la manifestation pour faire du renseignement, mais qui, à un certain moment, se transforment en personnels qui vont interpeller. Et donc, agent provocateur était peut-être le terme un peu fort, mais c'est pour essayer de donner une idée. C'est de dire que, normalement, un certain nombre de... dans la chaîne hiérarchique est là pour retenir, d'une certaine façon, le bras de la police. Puisque, d'une certaine façon, dans ces situations de maintien de l'ordre, face à des manifestants dont certains sont déterminés à aller à l'affrontement avec la police, il y a deux possibilités. C'est-à-dire, soit nous sommes dans une stratégie où, d'une certaine façon, il y a l'idée que la bataille peut tourner à la bataille rangée, soit il y a l'idée qu'au contraire, ces éléments doivent être isolés, éloignés, quel que soit leur mobile politique ou pas. Nous ne sommes pas dans cette optique-là. Mais manifestement, aujourd'hui, l'idée n'est pas de circonscrire, n'est pas de tenir à distance. L'idée est, au mieux, d'aller procéder à des arrestations. Ce qui pose toujours problème dans un cortège, notamment dans un cortège au bout de plusieurs semaines de manifestations où des manifestants et des manifestantes qui, à raison, peuvent avoir le sentiment de ne pas être écoutés, quand la seule réponse, justement, se traduit par des présences policières soit très proches des cortèges, soit au milieu des cortèges, sont eux aussi incités à considérer que l'ennemi principal, d'une certaine façon, est l'agent de police. Il y a une forte hiérarchie dans la police. Quelle peut être la marge de manœuvre, quelle est la marge de manœuvre qu'ont les policiers sur le terrain? Comment peuvent-ils prendre leurs décisions? Est-ce qu'ils ont derrière eux la pression hiérarchique? Alors, les décisions ici, c'est très difficile, je vous le disais tout à l'heure, de le savoir aujourd'hui. Moi, je suis historien en plus, hein, j'avais prévenu en venant ici. J'ai l'habitude de travailler sur des éléments du passé pour lesquels je peux avoir accès à un certain nombre de documents auxquels nous n'avons pas accès aujourd'hui, sauf à compter sur un certain nombre de fuites syndicales, par exemple. Et donc, effectivement, la façon dont les unités... La façon dont les unités, justement, gèrent ces manifestants, historiquement, est-ce qu'il y a de différence selon les manifestations sur les marges de manœuvre qui peuvent être données à ces policiers? La consigne de savoir est-ce qu'il doit y avoir des arrestations ou pas, c'est une consigne qui est très importante à connaître. Est-ce qu'il doit y avoir une volonté d'aller couper ou pas un cortège? Est-ce qu'on doit empêcher les gens de défiler, les couper, ou est-ce qu'on doit au contraire simplement les canaliser au moment de la dispersion? C'est des choses qui sont données comme consigne en début de manifestation. Et ces consignes sont au fur et à mesure rappelées, modifiées tout au long de la chaîne hiérarchique. Et donc c'est ainsi qu'on va pouvoir être en mesure de savoir exactement ce qui est demandé aux agents sur le terrain. Et manifestement aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui leur sont permises, par exemple l'usage des lanceurs de balles, un certain nombre de choses qui leur sont demandées, par exemple aller opérer des arrestations au milieu des cortèges, qui correspondent à des changements de modalité dans ce qu'on appelait la tradition française du maintien de l'ordre jusqu'il y a encore 4 ou 5 ans. Parce qu'on n'est pas face à des phénomènes totalement nouveaux. Alors justement, je vous propose à tous les deux d'écouter un témoignage. C'est vrai qu'on n'a pas souvent accès à ces données, à ces informations, à comment fonctionne cette chaîne de commandement. Pour vous, Radio Debout est allé interviewer un ancien commissaire de police. Il n'a pas voulu nous donner son identité. On va l'écouter dans quelques instants. C'est un reportage d'Alice. Je ne connais pas le rôle spécifiquement des CRS, parce que je ne l'ai jamais été, je ne l'ai jamais fait de l'intérieur. Néanmoins, je connais suffisamment bien leur mode de fonctionnement pour savoir qu'en premier lieu, ils négocient. Il n'y a pas de manifestation sans négociation. Le premier travail dans le contrôle d'une manifestation consiste à prendre contact avec les services d'ordre des manifestants. Ce qui est fait systématiquement de façon à ce que la manifestation soit le moins chère possible en termes d'utilisation de personnel et avec le minimum de dérives possible. Ce qui fait qu'il y a un lien permanent entre le service d'ordre des manifestants et les CRS, il faut le savoir. Il n'y a que quand ça dégénère réellement ou quand les manifestants refusent de prendre contact avec les policiers pour mettre en place un service d'ordre cohérent et sûr, que dans ce cas-là, il commence à y avoir des soucis, des ennuis et une utilisation démesurée du nombre de policiers. Oui, mais quand on est dans le cas, par exemple, de la manifestation du 1er mai, où il y a eu des moments où la manifestation ne partait pas en manifestation violente et il y a eu quand même des nasses, il y a beaucoup, beaucoup de gaz, par exemple. Enfin, les lacrymogènes sont omniprésentes dans les mouvements sociaux depuis début avril. Est-ce que ça, c'est des choses qui viennent d'ordre ? Alors, il faut savoir que dans le mode de fonctionnement entre le responsable de l'ordre public et celui qui met en œuvre l'activité d'ordre public, il y a un mode de fonctionnement bien particulier qui fait que celui qui est responsable de l'ordre public dans un département, le responsable de l'ordre public, c'est le directeur de cabinet du préfet. Parce que le préfet est responsable de l'ordre public et c'est son directeur de cabinet, qui est en gros le sous-préfet de la préfecture, qui exerce l'ordre public et qui en est responsable, au nom du préfet bien entendu. Il demande à un commissaire de police, et il va demander à ses personnels, d'obtenir des résultats. Et ce ne sont que les CRS et les gendarmes mobiles qui vont décider des moyens employés et de la méthode à suivre. Jamais les responsables politiques ou les responsables de l'ordre public ne vont demander de faire telle ou telle chose. Lancez les lacrymogènes, passez par là, faites ceci, mettez des hommes là. Le seul responsable, c'est le responsable de la CRS, c'est le responsable de l'unité de gendarmerie. Donc, c'est eux qui décident des moyens à employer et des méthodes à suivre pour obtenir les résultats qui leur sont demandés, qui sont toujours de maintenir l'ordre public. Jamais, bien évidemment, de bloquer des gens, jamais de les mettre encore moins dans une nasse, ce qui ne se fait jamais, sauf si les gens cherchent effectivement à le faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, les policiers ont peut-être un petit peu peur de ce qui se passe parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans leurs interventions comme ils pouvaient l'être auparavant. Oui, je crois que maintenant, il y a des gens qui commencent à avoir peur. Non pas parce que leur formation est insuffisante, hein, mais tout simplement parce qu'on ne maîtrise plus les relations de la population avec la police qui est... Dans quelle mesure, alors c'est une question naïve, hein, mais dans quelle mesure est-ce que quand on est un gardien de la paix ou un CRS, on a une marge de manœuvre pour effectuer ou non un ordre ? Non, on n'a aucune latitude. La latitude d'un policier pour désobéir à un ordre, c'est les baïonnettes intelligentes. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que l'ordre soit manifestement illégal. Donc tant qu'un ordre n'est pas manifestement illégal, et là on a le droit et le devoir de s'opposer à un ordre illégal, mais dès lors qu'un ordre n'est pas illégal, ben, on l'applique tout simplement. C'est comme dans toute structure sociale, comme partout. Parce qu'il y a des règles, on applique les règles. Normalement, sans faire plus de zèle qu'il n'est nécessaire. Emmanuel, c'est un constat que vous partagez, hein, ce témoignage qu'on vient d'entendre. Il n'y a pas de zèle dans les forces de police, dans la répression actuelle de ce mouvement social. On entend, c'est vrai, souvent sur la place de la République, on entend des militants qui disent « Bon, voilà, les CRS, c'est pas eux qui donnent les ordres, c'est des gens comme nous. » Alors manifestement, le commissaire qui a pris la parole, même s'il est anonyme, je pense, est un commissaire qui exerce en province. Qui n'exerce plus, hein, qui connaît plus. Renseignements généraux, notamment. Voilà. On n'est pas dans le cadre de la préfecture de police, hein, où dans le cadre de la préfecture de police, la liaison politique... Ça, il faut le préciser, pour nos auditeurs. Paris, c'est un régime assez spécial. Voilà. Hein, Paris, c'est un régime très spécifique. On a un préfet de police qui, à la fois, effectivement... est garant du maintien de l'ordre dans cette fonction préfectorale, mais qui est aussi le chef de la police et qui, dans les situations de maintien de l'ordre à Paris, intervient assez directement avec ses directeurs, hein, les directeurs des différents services, pour justement penser le format du maintien de l'ordre. Après, ce que disait ce monsieur était très intéressant, puisqu'effectivement, si on veut comprendre comment fonctionne le maintien de l'ordre, il faut aussi comprendre qui sont les manifestants et les manifestantes à qui ils ont affaire. Et on va dire que les CRS et les gendarmes mobiles étaient très à l'aise quand ils devaient négocier. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, mais au moins depuis les années 70, et c'est une histoire qui remonte à l'entre-deux-guerres, quand ils devaient négocier avec des organisations syndicales qui était en mesure d'organiser l'immense majorité des manifestants et des manifestantes. Or, aujourd'hui, certes, ils continuent d'une certaine façon, non pas de négocier, mais au Qu'est-ce moins de... Qu'est-ce qu'on appelle négocier exactement ? Alors, c'est un minimum, c'est changer un certain nombre d'informations. pour savoir combien de manifestants sont attendus, quel type de cortège. Nous serons positionnés de cette façon-là. On ne parle pas de négociation, on vous fait une première sommation, vous videz la place. Non. C'est au préalable, avant la manifestation. Voilà, c'est plutôt une négociation type, voilà, ce monsieur a manifestement été renseignement généraux, vous attendez combien de manifestants? Si vous attendez tant de manifestants, on positionne tant de policiers. On va plutôt les positionner de cette manière-là. Vous la sentez comment, cette manifestation? Vous-même, vous aurez quoi comme service d'ordre? Et, sauf qu'aujourd'hui, le mouvement social ne s'organise plus selon une logique verticale où, d'une certaine façon, un certain nombre de centrales syndicales seraient en mesure de dire exactement comment vont se comporter l'ensemble des groupes qui se rallient à un moment donné sur une manifestation. Et ce qui fait que justement, ces policiers n'ont plus le niveau d'information qu'ils avaient autrefois, d'où cette impression qui nous est donnée dans cette interview, les policiers ne se sentent plus en confiance, puisqu'effectivement, les interlocuteurs avec qui ils ont l'habitude d'échanger de l'information ne sont pas en mesure de leur dire comment va se dérouler la manifestation. Quand on parle d'interlocuteurs, c'est quand même un échelon, c'est la préfecture, c'est le commissaire. C'est pas le CRS qu'on va retrouver en face de nous dans la manifestation. Non, les interlocuteurs, c'est en général le service d'ordre, est plutôt connecté aux renseignements généraux qui, eux, vont faire remonter les informations. Mais ce qui fait que, d'une certaine façon, il y a une prévisibilité. C'est-à-dire qu'ensuite, au briefing du matin, sont données un certain nombre d'informations sur le nombre de manifestants, d'où ils vont venir, est-ce qu'il y aura des groupes qui auront des tentations d'aller plus loin, etc. Et donc ce niveau d'information, aujourd'hui, il n'est plus le même qu'il y a quelques années, du fait de la fragmentation du mouvement social, de la radicalisation d'une partie aussi des manifestants, et du fait qu'aujourd'hui, les centrales ne représentent qu'une toute petite partie de ceux qui sont dans la rue. Même si cette radicalité de la part de certains manifestants, elle existait déjà avant, la mouvance autonome, libertaire, elle a toujours existé, il y a toujours eu ce face-à-face avec les forces de l'ordre. Bien sûr, un collègue rappelait la semaine dernière que quand on parle de radicalité, ça dépend à quel point de comparaison on prend. Souvent de casseurs dans les médias, militants. Dans les années 1970, vous aviez des camionnettes au milieu des manifestations, avec des manches de pioche, des casques, qui étaient fournis soit pas directement par les confédérations, mais soit par certaines unités locales, soit parce qu'il y avait des alliances qui faisaient que c'était beaucoup plus possible. Aujourd'hui, les manifestants sont beaucoup moins armés qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans. Et si on remontait un siècle en amont, l'historien a toujours tenté de remonter très loin, au début du XXe siècle, les manifestants de la mouvance anarcho-syndicaliste allaient manifester avec un pistolet. Justement, ça m'amène à une nouvelle question. Au niveau de la violence, c'est pas la même qu'il y a 10, 20, 30 ans, qu'il y a un siècle. Est-ce que le niveau de violence, il a augmenté? Est-ce qu'il a baissé plutôt, comme vous avez l'air de le dire? Est-ce qu'on est devenu peut-être sursensible aussi aux images qu'on voit, qu'on rencontre? C'est vrai que quand on fait une manifestation sur la place de la Nation, parfois on a l'impression d'être dans une scène de guérilla urbaine. Alors, faut bien avoir en tête qu'une manifestation se déroule toujours à au moins deux niveaux. Il y a la manifestation dans la rue et il y a la manifestation qu'on appelle la manifestation de papier, la manifestation des médias. Et dans la manifestation des médias, il peut y avoir une surattention à un certain nombre d'images qui vont justement mettre en scène cette violence. Or, cette violence, si effectivement il y a un certain nombre d'affrontements, ces affrontements ne sont pas plus forts que les affrontements traditionnels avec les marins-pêcheurs, avec les agriculteurs, sont moins forts que les affrontements avec les sidérurgistes des années 70, sont moins forts que les affrontements avec les mouvements autonomes tels qu'il a existé et que vous avez cité. Donc il n'y a pas aujourd'hui un niveau de violence particulièrement élevé, même si, par exemple, il y a un côté assez spectaculaire en termes de détérioration du mobilier urbain, qui peuvent être à la fois des cibles politiques, mais qui peuvent aussi être des cibles laissées aux manifestants pour donner une image de violence. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle, peut-être aujourd'hui, des images et des médias sociaux, le fait par exemple qu'on puisse diffuser en direct une action policière violente, est-ce que ça rajoute pas une pression sur les forces de l'ordre, selon vous ? On a vu notamment des journalistes indépendants souvent subir des pressions de la part de la police, que ce soit sur la place de la République où on se trouve actuellement avec des lampes torches la nuit sur les caméras, sur les appareils photo. On a vu des vidéos avec des journalistes qui se prenaient des gaz lacrymogènes parce qu'ils étaient en train de filmer. Il y a eu plusieurs blessés d'ailleurs parmi les journalistes, surtout les journalistes indépendants. Alors, par exemple, un des moyens de mettre en exergue la violence policière, c'était toujours de mettre en évidence comment les journalistes pouvaient être ciblés à certains moments. Puisque là, il y a l'impression qu'on touche à la liberté de la presse, etc. Donc c'était très classique, par exemple dans les années 1950, que le Parti communiste rappelle que parmi les blessés, il y avait des photographes, des choses comme ça. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de policiers dénoncent le fait qu'ils soient sous surveillance, les CIST, Watch the Cops, etc. Mais d'une certaine façon, le nombre de violences policières alléguées, voire démontrées par un certain nombre d'images, n'a pas entraîné de sanctions, soit administratives, soit judiciaires, plus sévères pour les forces de l'ordre. Très peu de transparence. Hein. Souvent, quand il y a des condamnations de policiers en France, c'est avec du sursis, on voit que le ministère de l'Intérieur communique très peu dessus. Il y a aussi ce problème peut-être vis-à-vis des manifestants dans cette vision de la police. On a une police qui est très peu sanctionnée. Quand il y a des violences, on en parle très peu, on parle de 300 policiers blessés. On ne parle quasiment pas des manifestants blessés, alors qu'il y en a aussi énormément. Et d'ailleurs, c'est très opaque aussi ce chiffre de 300 blessés parmi les policiers. C'est quoi un policier blessé ? Alors, vous avez soulevé deux questions différentes. Il y a celle de l'impunité policière. Et des organisations telles qu'Amnesty International, Human Rights Watch ont très bien montré comment en France les illégalismes policiers étaient très peu sanctionnés devant les tribunaux, notamment quand il s'agissait d'illégalismes liés à une violence contre des personnes, pas forcément des manifestants d'ailleurs. Et la tactique traditionnelle de la préfecture de police dans des situations de tension entre manifestants et de policiers est de mettre en exergue le nombre de policiers blessés qui sont d'autant plus nombreux aujourd'hui. Non pas qu'il y ait une gravité, tout simplement, qu'un certain nombre de policiers sont sous pression depuis l'état d'urgence et donc sont très tentés aussi de se mettre en arrêt de travail et se verront ces arrêts de travail d'autant plus acceptés. Il faudra aller regarder hein, s'il y a vraiment des journées d'arrêt de travail derrière, mais ils peuvent d'autant plus être acceptés que ça permette de visibiliser une violence policière qui manifestement, et j'espère ne pas me tromper, ne s'est pas traduit, et tant mieux, par des blessés graves du côté des forces de l'ordre. Donc là, on est dans une forme de communication par le nombre de personnels blessés, mais aussi une forme de gestion du personnel. Et ça, c'est quelque chose de très classique du point de vue de la préfecture de police en particulier, notamment dans les périodes où le personnel, qu'il soit soumis ou non à des violences, est de toute façon soumis à des rotations, à un engagement très, très important. Deux petites questions. On l'a dit tout à l'heure, hein, le syndicat de police Alliance appelle un rassemblement demain sur la place de la République. S'y sont joints d'autres syndicats, notamment CGT Police, qui représente, bon, qui est assez minoritaire, mais il y a un certain nombre de syndicats qui appellent à se réunir pour dénoncer ceux qui dénoncent les violences policières, pour dénoncer la haine anti-flic. Vous l'analysez comment ce rassemblement, cette position, ce fait de venir sur la place de la République ? Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter justement au mot, c'est-à-dire dénoncer la haine policière. Ce qui est très classique, c'est que dans les périodes où le maintien de l'ordre devient primordial pour l'État, les policiers sont en situation de négocier l'amélioration de leurs conditions de travail, sont dans des positions où ils peuvent à la fois dire beaucoup plus fort du point de vue de la défense de leur intérêt corporatiste et de leur intérêt matériel, ce qu'ils ne peuvent pas dire dans d'autres moments. Donc ce qui peut apparaître comme une provocation aussi, ce qui est lu par les manifestants et les manifestantes, sans doute à raison, comme une forme de provocation, renvoie à un phénomène classique qui est celui qu'une police qui est beaucoup utilisée parce que le pouvoir, le gouvernement est remis en cause dans un certain nombre de ces projets, va être tentée, elle, de faire valoir de plus en plus ses intérêts, ses visions, du fait que, de toute façon, aujourd'hui, le pouvoir ne peut pas se passer de cette police. Et donc là, on a un phénomène très important, et je pense, et là je parlerai peut-être plus en tant que militant qu'en tant qu'analyste, hein, parce que je vous dis, je suis avant tout un historien, et que là j'observe des choses avec pas plus de distance que vous. Un des pièges qui est tendu au mouvement social aujourd'hui, c'est justement de rentrer dans le face-à-face avec la police. C'est-à-dire qu'il y a une tentative de criminalisation du mouvement social, on l'a vu de multiples manières, et à partir du moment où le mouvement social va se focaliser sur la police, dans la dénonciation des violences policières, qui peuvent être réelles, qui sont réelles dans un certain nombre de cas, il rentre aussi dans ce jeu ou des revendications plus globales, des revendications qui permettent de s'adresser à un État qui ne soit pas limité à sa police, seront de moins en moins entendues. Alors justement, je me tourne vers l'historien. Est-ce que cette haine de la police qui est tant décriée par les syndicats de police, jusque par le ministre de l'Intérieur, vous, en tant qu'historien, c'est quelque chose que vous avez déjà pu voir sur les années précédentes? Parce qu'on disait hein, tout à l'heure, la police nationale, telle qu'on la connaît, elle existe en fait depuis relativement peu de temps. Depuis la garde, avant, il y avait la garde nationale qui la remplaçait. Elle existe depuis quand, cette police nationale, d'ailleurs? Alors, c'est une question très compliquée. Disons qu'à Paris, parce que Paris a une situation spécifique, il existe une police en uniforme depuis le milieu du 19e siècle, qui est devenue gardien de la paix au début de la 3e République. Et une police nationale a été érigée par la loi de 1941, bon voilà, avec ensuite un ensemble de réformes assez longues. Sur la question qui était derrière, la question du rapport, la question de la haine, etc., je rappellerai juste que dans les années 1950, qui n'est pas le monde d'hier, qui est ce monde de la guerre froide qui n'est pas si lointain, les manifestants descendaient dans la rue pour faire de la gymnastique révolutionnaire, et que ces gymnastiques révolutionnaires se faisaient par un entraînement dans l'affrontement avec la police, puisque l'affrontement avec la police était l'entraînement de la lutte des classes en acte dans la rue, et qu'ils pouvaient descendre par exemple en 1952 avec des slogans tels que « pour un œil, les deux yeux, pour une dent, toute la gueule ». D'accord. Et ça, c'est des slogans qui étaient scandés par les manifestants. Donc le degré de violence des manifestants, qui se traduisait hein, par des affrontements très forts aussi dans la rue, n'est pas élevé aujourd'hui. Bien sûr, la haine anti-flic telle qu'elle est relayée dans la culture populaire, hein, qui est celle de Guignol aux chansons de rap jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui traverse la culture populaire, mais qui très souvent est aussi un rapport qui est relativement ambivalent, dans le sens où il y a à la fois une haine de l'institution, mais qui peut renvoyer à une certaine proximité, notamment dans les moments où les forces de l'ordre recrutaient dans des milieux sociaux qui étaient très proches des milieux manifestants. Or, ça, c'est quelque chose qui n'est sans doute plus le cas aujourd'hui, puisque les manifestants ne viennent plus des mêmes milieux sociaux que les policiers, sans parler de liens familiaux. On voit toujours ces caricatures, on voit un CRS avec un gros bâton et dire « Oulala, n'oubliez pas que votre fils est dans les manifestants ». Ça, ça peut toujours arriver d'une certaine façon, mais en termes générationnels. Mais ce qui s'est coupé d'une certaine façon, c'est que la culture populaire partagée entre les milieux policiers et les milieux manifestants, il n'y a plus ce sas d'une culture populaire partagée qui a pu exister à d'autres moments. C'est-à-dire qu'au niveau de la police, on est plutôt policier de père en fils, et au niveau des manifestants, on a des gens qui sont très pas du tout de la même classe sociale. De père en fils, mais aujourd'hui, vous avez parmi les manifestants des gens qui sont extrêmement diplômés, des gens qui votent ou ne votent pas, mais se revendiquent de gauche. Et ça a une incidence au niveau du maintien de l'ordre? Ah, bah, parce que le maintien de l'ordre est une question de reconnaissance. C'est-à-dire, pour éviter l'élévation du niveau de violence, il faut que du côté des forces de l'ordre, il y ait une forme de reconnaissance de la légitimité des manifestants. Cas, ouais. Une légitimité qui est à la fois sociale et qui est politique. Or, aujourd'hui, à la fois du niveau de la distance sociale et au niveau de la distance politique, avec une police, il est vrai, qui, d'après les quelques enquêtes qui sont disponibles, vote de plus en plus à droite, voire à l'extrême droite, on a des milieux qui sont coupés. Notamment alors que les pendant très longtemps, à Paris, la police était une police qui était syndiquée dans un syndicat qui était à gauche, c'était une gauche socialiste, radicale, socialiste, bon teint, mais aussi avec des liens avec le Parti communiste. Ça veut aussi dire qu'on combat de plus en plus sur un terrain politique aussi, peut-être dans cet affrontement entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ça veut dire que, à la fois... Sur le plan des idées, des idéaux politiques. Le point commun entre les policiers et les manifestants, c'est que la gauche a perdu le peuple. Et donc, elle a à la fois perdu cette police et à la fois ceux qui sont dans la rue. Et donc, la police, aujourd'hui, elle est simplement une police professionnelle, mais elle n'est plus cette police qui est d'extraction, d'une certaine façon, populaire. Emmanuel Blanchard, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Chers auditeurs, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans quelques instants, juste après ce petit passage à l'Assemblée Générale. Depuis quelques semaines, le mouvement 68 n'a pas été fait par les syndicats. Il a été fait malgré les syndicats et très souvent contre les syndicats. Et toutes les luttes sociales qui se sont produites en France, comme dans beaucoup de pays, à partir du moment où elles se radicalisent un peu, se trouvent confrontées aux syndicats. Pour une raison simple, même s'il y a de très bonnes intentions chez les syndicalistes, surtout au départ, etc., le rôle du syndicat, c'est de marchander la force de travail, c'est de marchander le poids des chaînes. Or, pour nous, il ne s'agit pas de marchander le poids des chaînes, il s'agit ici de briser les chaînes. Et pour cela, il faut une autre logique, il faut une autre façon d'agir, et il faut surtout ne pas dépendre de ceux qui défendent cette logique. Demain, quand la lutte se développera, ce n'est pas aux syndicats de se développer. S'il y a quelque chose que nous devons apprendre, c'est que c'est nous-mêmes qui devons nous organiser. Ce mouvement, il est parti en dehors de la logique syndicale, en dehors de la logique des partis politiques avec qui il travaille, et il faudra qu'il reste comme tel. Et quand demain les luttes se développeront, on devra insister sur une chose. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, comme dit la vieille phrase, et cela, ça implique être indépendant des partis politiques et des syndicats avec une autre logique. Voilà. Merci. Non. La personne qui a perdu son sac, on l'a retrouvé. Elle n'a qu'à venir ici. Elle a déjà. Bon, mais voilà, un peu de solidarité, hop, on retrouve vite les choses. Voilà. Bon, on va passer à Clem. Clem, c'est une. Tu veux 10 minutes de plus ? Louise. Oui. Ok, bah attends, je retrouve un truc. Mets-toi plus par là, parce que sinon ça risque de. Okay. Voilà. Alors. Bon, alors déjà, bonjour à tous. Je me présente rapidement, mais comme la majorité d'entre vous, en tout cas de ceux qui sont là depuis longtemps, je suis là depuis à peu près un mois et demi. J'ai été dans différentes actions, etc., dans lesquelles j'ai participé, bien sûr, les manifestations, etc., diverses et variées. Je voulais lancer un message particulièrement, donc c'est une pensée, ne réagissez pas mal, c'est ma pensée, c'est mon opinion, mais je pense qu'elle est importante. Voilà, moi je dis ce que je pense, là, simplement. Ce mouvement risque l'essoufflement si nous ne réagissons pas intelligemment. Nous sommes beaucoup et partout en France et même au dehors, mais nous n'avons pas le peuple, nous n'avons pas le reste du peuple. Pour que le mouvement perdure et crée un véritable changement, il faut le peuple, les femmes avec leurs enfants, les gens aigris qui paient leurs impôts et qui n'y croient plus, qui votent Front National aux élections parce qu'ils se font racketter. Pour que le peuple se rallie à nous et avoir un véritable changement et que ce mouvement perdure et devienne de plus en plus sérieux et de plus en plus fort, il ne faut pas que les gens en aient peur. En voyant les violences qui se produisent, c'est pas notre faute, hein, d'accord, mais ok, il y a les lacrymogènes, les blessés, etc., etc., ça fait peur et ça dissuade les gens. Même si nous essayons, tant bien que mal, d'aller au-delà de cette image, mais cette image nous nuit. En fait, tout simplement, ce que je propose, c'est que pour renverser cette image, tout simplement, demain, le 18 mai, c'est un message de provocation qui est fait. Les flics, évidemment, ils vont venir. Évidemment, il y a des groupes de fachos. Ils n'ont pas choisi République au hasard. Le problème, c'est les réactions qui vont se découler de ça. Je sais qu'il y en a qui ont envie de faire des actions violentes, etc. Parce qu'on a été matraqués, on a été gazés, on s'est fait charger illégalement, etc. Mais il faut aussi voir les deux côtés. En fait, ce que je propose, c'est que demain, en fait, on lance un message. Parce que ce qui compte, c'est que les médias nous voient, finalement. C'est ça qui marche. C'est les images. C'est les images qui vont faire qu'on va pouvoir garder le mouvement et qu'on va pouvoir passer un bon message. Il faut que la population nous rejoigne, les femmes, les enfants, etc. Et pour ça, je propose que demain, et ceux qui sont d'accord, on le fera. De toute façon, il y a des actions qui sont déjà montées. Il faut des gens déguisés aux couleurs de la révolution passée, des révolutions 89, des révolutions de tous les pays, des gens déguisés en anciens, avec les perruques et tout ce genre de conneries, des hippies partout. Il faudrait de la musique qui les accueille, etc. Je vais carrément aller plus loin. Carrément leur ouvrir un chemin jusqu'à l'AG, un chemin de personnes, de gens. Parce que ça sera une véritable provocation. Demain, ça sera une véritable provocation. C'est de leur sourire et de dire non, finalement. De leur dire, bah voilà, nous, on va pas rentrer dans votre sale jeu. On va pas rentrer dans votre sale jeu, on rentrera pas dans votre jeu. Nous, on va faire autrement. On vous accueille, on est tous déguisés en hippies et on veut tous un changement. Mais le changement, il se fera qu'avec le peuple. Il faut donner une bonne image de nous. Et ces images-là, si tout le monde vient déguisé, si tout le monde vient comme ça, si tout le monde vient avec ce message-là, il faut des messages. J'insiste sur le mot message. Déguisez-vous comme vous voulez. Faites ce que vous voulez, mettez la musique que vous voulez. Il faut dégager des messages positifs. Et il faut que tout, tout le monde le voit. Les médias, ils filmeront ça demain. Imaginez si on transforme cette place en une grande salle de spectacle. Le théâtre, ça nique tout. À travers les âges, c'est quelque chose qui a toujours marché. Ça marchera forcément, il faut que les gens soient motivés, il faut faire passer le message autour de vous. C'est important, c'est comme ça qu'on gardera le mouvement et qu'on sauvera la République. C'est pas rien. Déguisez-vous, faites quelque chose, vraiment, c'est ça qu'il faut faire. Radio Debout, si tu ne sais pas pourquoi tu l'écoutes, c'est bon. Oui, hein, donc on entendait le théâtre, ça nique tout, voilà, beaucoup de paroles ce soir en colère ou alertées, en tout cas en prévention de la manifestation qui va se tenir demain. Et justement, avec moi sur le plateau, j'ai Antoine qui voulait nous lire un texte sur la révolte. Alors Antoine, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un texte de Camus, justement, et, qui est extrait d'une pièce qu'il a écrite en 1947 qui s'appelle « État de siège ». Et donc qui parle de l'oppression d'un système sur le peuple et qui amène une forme de solution au peuple pour se sortir de l'oppression de ce système. Donc voilà, je vous lis un extrait de la fameuse scène où en gros le héros principal se révolte. Voilà. Il est vrai que vous mentez. Oui, j'ai bien compris votre système. Vous leur avez donné la douleur de la faim et des séparations pour les distraire de leur révolte. Vous les épuisez, vous dévorez leur temps et leur force pour qu'ils n'aient ni les loisirs, ni l'élan de la fureur. Mais moi qui suis asservi comme eux, humilié avec eux, je vous annonce pourtant que vous n'êtes rien, et que cette puissance, déployée à perte de vue jusqu'à en obscurcir le ciel, n'est qu'une ombre jetée sur la terre, et qu'en une seconde, un vent furieux va dissiper. Vous avez cru que tout pouvait se mettre en chiffres et en formules, mais dans votre belle nomenclature, vous avez oublié la rose sauvage, les signes dans le ciel, les visages d'été, la grande voix de la mer, les instants du déchirement et la colère des hommes. Ne riez pas, imbécile, vous êtes perdu, je vous le dis. Au sein de vos plus apparentes victoires, vous voilà déjà vaincu parce qu'il y a dans l'homme, regardez-moi, une force que vous ne réduirez pas. Une folie claire, mêlée de peur et de courage, ignorante et victorieuse à tout jamais. C'est cette force qui va se lever. Et vous saurez alors que votre gloire était fumée. Ne riez pas, ne riez donc pas. Il y a une malfaçon, mon chéri. Du plus loin que je me souvienne, il a toujours suffi qu'un homme surmonte sa peur et se révolte pour que leur machine commence à grincer. Je ne dis pas qu'elle s'arrête, il s'en faut. Mais enfin, elle grince. Et quelquefois, elle finit vraiment par se gripper. Voilà. Merci beaucoup Antoine pour cette lecture. Le théâtre, ça nique tout. Le théâtre, ça nique tout. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler le nom de l'auteur et du texte ? Donc c'était ça s'appelait État de siège et c'est Albert Camus qui a écrit ce texte. Eh bien écoute, merci et on retourne à l'AG écouter quelques petites paroles. Moi je dis que François Hollande, que Manuel Valls, que Macron, que Royal doivent partir. Ils doivent partir. Et j'ajoute que lorsque Anne Hidalgo nous a dit par une coupure de presse qu'il faut rendre la place de la République aux touristes et la rendre propre, jamais elle n'a été aussi propre. Madame Hidalgo doit quitter ses fonctions de maire. Merci à tous. Merci. Merci à toi. La commission SDF... Oui, bonsoir. Bon, moi j'ai eu une annonce, une info directe sur mon stand par une personne qui dort à la rue. C'est un ancien qui a une charrette qui dort complètement sur la République. À 3h du matin, ils se sont fait masser par la gendarmerie et par les CRS. Ils n'ont aucun endroit où dormir. Ou même se faire réveiller par la police des forces de l'ordre de la journée urbaine avec le capitaine pour pouvoir quitter les lieux et montrer que la République appartient aux touristes. Non, on n'en veut pas. Maintenant, moi, je donne rendez-vous à vous tous. Je répète le rendez-vous pour ceux qui n'étaient pas là. Le 24 mai à 10h, rassemblement total, toile de tente, couverture, sac à dos comme les SDF, et de pouvoir camper sur l'hôtel de ville pour montrer à Anne Hidalgo qu'elle doit dégager pour nous aider. Merci à tous. marque A. Marque A. C'est là qu'il faut se mettre à peu près. Bon, bonsoir. Alors, je vais parler de quelque chose dont on ne parle pas. Enfin, on a quand même un petit peu évoqué à propos du syndicat de police Alliance, mais avec des nuances qui ont été apportées, etc. Quelque chose quand même d'énorme, depuis 33 ans qui monte, qui monte pas seulement en France, mais qui monte aussi en Allemagne, avec l'Alternative für Deutschland qui envoie des députés fascistes au Parlement, qui monte en Grèce avec Aube Dorée, qui tue des antifascistes, qui tue des immigrés, et qui monte ici depuis 33 ans, et dont on parle si peu que quand on en parle, on a l'impression qu'on dit un gros mot. Je vais vous parler de la lutte contre le Front National. Voilà, comme nazi. Non, pas... Bon, alors finalement, je vais pouvoir abréger puisque tout le monde est d'accord. Alors je vous donne une info. Ces fascistes que nous subventionnons malheureusement par la loi de 1991 de moralisation de la vie politique. Ça veut dire que s'il y a SDF qui va se prendre un café pour aller aux toilettes ou autre, il y a un 1/10 de centime d'euro qui va tomber directement dans la poche de Marine Le Pen par la TVA. Bon. Alors on leur paye des fortunes pour qu'ils, soi-disant, nous fichent la paix, mais c'est, vous savez, c'est un peu comme dans la mythologie, le Minotaure. On a beau lui donner, il vous tue quand même des gens, et à la fin, il peut se jeter sur vous. Bon, alors j'abrège, puisque tout le monde est d'accord, je vous signale qu'en hommage au jeune Clément Méric, qui a été tué à Paris, en pleine rue, battu à mort... Le 5 juin 2013, il y aura bientôt 3 ans, il y a une manifestation qui est organisée le 4 juin, le samedi 4 juin. Ça veut dire pas samedi qui vient, pas l'autre, mais l'autre. Bon, voilà. Départ à 14h, métro Stalingrad. Voilà, camarades, j'ai terminé. Vous êtes bien sur Radio Debout, en direct de la place de la République et des Nuits Debout. On a fait une thématique ce soir autour de la police. On sait que la police filme, que la police tape, que la police matraque, que la police gaze beaucoup. On dit qu'elle vote beaucoup Front National. On dit moins dans les médias qu'elle tue Lamine Dieng, Abdelhakim Hajimi, Wissam El Yamani, Rémi Fraisse, Amine Bentouti, c'est quelques-unes des victimes de la police de ces dernières années. Et j'ai avec moi la sœur de Amine Bentouti, Amal. Ça va ? On t'entend très peu. C'est celui-là, je pense. Ça va, là ? Oui, là, oui, voilà. Tu es en train de tweeter ? Oui, bah oui, forcément. Qu'est-ce que tu tweetes ? Eh bien que ce soir, on est Place de la République, on est sur Radio Nuit Debout et radiodebout.net, voilà. Et ouais, c'est important. Et puis j'ai posté aussi la liste des victimes qui a été inscrite sur le sol. Alors on va en parler dans cette liste de victimes. Il y a ton frère, tu peux nous en dire un mot ? Alors, mon frère a été tué en 2012 à la suite d'une course-poursuite. En effet, c'était le client parfait pour les policiers, puisque Amine a été tué d'une balle dans le dos. On a voulu nous faire croire qu'il avait menacé un policier avec une arme, qu'il avait jeté une grenade. Et donc, en fait, on s'est rendu compte, après les différentes mobilisations, les nombreuses... manifestation qu'on a pu mener sur place à Noisy-le-Sec, où on a fait des appels à témoins. On s'est rendu compte que la vérité, elle n'était pas là où on pouvait l'attendre, c'est-à-dire la parole des policiers. Et du coup, des contradictions, des témoins qui se sont manifestés, parce qu'au départ, il n'y avait aucun témoin. Il n'y en avait qu'un qui s'était pris une balle sur le bas de caisse de sa voiture et du coup qui avait vu mon frère tomber sur le sol, face contre terre. Et après, se sont manifestés 5 témoins, dont 3 avocates qui qui affirme exactement la même chose. Donc tous les témoins sont formels. Ils disent très clairement que Amin Bentounsi était de dos et qu'il est qui à aucun moment il a porté atteinte à la vie de ce policier. Donc l'autopsie, il y a eu une autopsie qui a eu lieu. Donc en effet, il a bien reçu une balle dans le dos. Le procès a eu lieu en janvier. Grâce et à la mobilisation que vous avez menée, vous avez réussi à aller jusqu'au procès, ce qui n'arrive pas tout le temps. Alors oui, il faut le rappeler, c'est un fait rarissime que qu'un policier soit traduit devant une cour d'assises. En plus de 50 ans de crimes policiers, on va dire que ça va être la deuxième fois. Et oui, c'est vraiment un combat qu'on a dû mener, en tous les cas, famille de victimes, moi et d'autres qui nous ont soutenus. Et donc à la suite de ça, j'ai monté ce collectif qui s'appelle aujourd'hui Urgence Notre Police Assassine et qui est constitué essentiellement de familles de victimes qui ont perdu un proche à la suite d'opérations policières. Pour revenir 5 minutes sur le procès donc, du policier qui a tué ton frère, qui s'est tenu donc en janvier à la cour d'assises de Bobigny, oui. On va écouter une petite reconstitution, une petite adaptation, reconstitution, on écoute ça tout de suite. Merci. C'est l'histoire de Damien Saboudjan. Il reste du chocolat ? Un homme qui a de la gueule. Qu'est-ce qu'il a, ma gueule ? Damien Saboudjan est un molosse d'1m90. Mon père, il était arménien. Il est né dans le 38, à la tronche. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a, ma tronche ? Il voulait devenir pâtissier. Eh, je suis gourmand. Mais il a loupé plusieurs fois son CAP. Mais c'est à cause de l'examen de chocolaterie. Attention, cette histoire, c'est pas des blagues. Pourtant, mes amis me décrivent comme un bout entre. Méga combi, biographie. Damien Saboudjan a loupé son CAP pâtisserie. À cause du chocolat. Du coup, il est devenu agent de sécurité. Moi, j'ai toujours aimé l'uniforme. Damien Saboudjan a loupé son CAP pâtisserie. Oui, à cause du chocolat. Par contre, il a eu le concours de la police. Et à peine 25 ans, le voilà gardien de la paix. On m'a envoyé dans le 9-3. C'était l'époque où il fallait nettoyer les racailles au Karcher. Sarkozy était président de la République. 21 avril 2012, la veille du premier tour des présidentielles. Un fugitif est repéré à Noisy-le-Sec. Allô, allô, appel à toutes les équipes sur Noisy-le-Sec. Amin Bentounsi est alors en cavale. Individu recherché signalé dans un café. Depuis qu'il a 13 ans, Amin Bentounsi enchaîne les peines de prison. Il s'agit d'Amin Bentounsi. Veuillez procéder à son interpellation. Il a été le plus jeune détenu de France. C'est bon, on l'a repéré, il se met à courir. C'est Damien Saboudjan qui conduit l'équipage de la police. Il n'y a pas de transfo EDF, mais je donne pas cher de sa peau quand même. Avec lui, il y a son pote Ghislain B. J'ai tout vu, mais j'ai rien vu. Damien Saboudjan descend de la voiture de la police. Je l'ai tué. Damien Saboudjan descend Amin Bentounsi. Je l'ai tué. Il tire 4 fois. Je l'ai tué. Amin tombe. Ben, je l'ai tué. Dans le dos. Dans le dos. Dans le dos. Dans le dos. Dans le dos. 4 ans plus tard, janvier 2016. Damien Saboudjan est dans le box des accusés de la cour d'assises de Bobigny. Tribunal, vous levez s'il vous plaît. J'ai tiré sur Amin Bentounsi parce que j'ai failli mourir. Le policier n'a pas changé de version depuis le soir du meurtre. C'était lui ou moi. Le procès a lieu alors que le pays est en état d'urgence. J'ai juste fait mon travail correctement. Les policiers ont désormais le droit de porter leur arme en dehors de leur service. J'ai vu ses yeux et son arme braquée sur moi. Les syndicats policiers réclament un élargissement de la légitime défense. Mais sinon, je n'aurais pas tiré, je suis pas fou. Quand il comparait aux assises, Damien Saboudjan est toujours policier. Je suis au standard, c'est moi qui réponds au 17. J'appelle à la barre Ghislain B. Ghislain B, c'est le collègue de Damien. Il était avec lui au moment du meurtre. Il a visé mon collègue, bien campé sur ses pieds. Ça, c'était la première déclaration de Ghislain B. Mais il a changé d'avis. Mais vous considérez que les choses se sont passées telles que vous les déclarez ? Dans les faits, oui, mais en fait, non. Mais c'est quoi dire la vérité, monsieur ? Dire ce qu'on a vu ou dire ce qu'on a entendu ? C'est dire ce qu'on a vu. Alors, si je reprends, vous avez déclaré en 2012 ? Je ne l'ai pas quitté des yeux. Il a visé mon collègue, bien campé sur ses pieds. Vous avez menti, oui ou non ? Sur les faits, oui. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, vous préférez aider un collègue plutôt qu'aider la vérité ? Oui. Vous vouliez aider Damien ? Non, non, franchement, non. Vous vouliez juste mentir ? Damien observe son collègue tenter de le défendre maladroitement, en se contredisant toutes les deux phrases. Amin Bentounsi avait la haine, c'était pas très catholique. Damien se sent mal. Il essaie de se persuader lui-même. Je n'ai pas poursuivi Amin Bentounsi. Son avocat tente une pirouette pour justifier la légitime défense d'une balle dans le dos. En fait, il faut à peu près 32e de seconde à un humain pour pivoter sur lui-même. Or, il a fallu 3 secondes à mon client pour tirer 4 projectiles. Bon. Le procureur rappelle que Damien a tenté, avec l'aide des syndicats, de faire pression sur les enquêteurs de la police des polices. Mais papa, je ne suis pas dans la tête de l'IGS. Hein. Il expose les écoutes téléphoniques qui ont suivi sa mise en examen. Mais on fait le procès de moi ou le procès cette personne qui me parle au téléphone? On rappelle la haine du policier envers la famille de la victime et des manifestations qu'ils ont organisées. J'aurais pas dû regarder la vidéo sur YouTube, ça m'a excité. Le procureur réclame 5 ans de prison et l'interdiction définitive d'exercer le métier de policier. Donc je suis un menteur, c'est ça? Le procureur demande au juré de ne pas donner un permis de tuer. Il m'a braqué, il m'a pointé, j'ai tiré. Il m'a braqué, il m'a pointé, j'ai tiré. Avant de délibérer, le juge demande à Damien un dernier mot. Monsieur le Président, je tiens à dire que j'étais en légitime défense. Putain, 50 tôles. 50 tôles, il a réclamé le bâtard de procureur. Mais c'est moi la victime là-dedans. C'est moi, c'est pas cette petite frappe que j'ai butée qui va quand même me coûter ma carrière de flic. 50 tôles, putain. Et tous ces militants là dans la salle. Putain, à cause de je me retrouvais en tôle. Merde, putain. Calme-toi. Je suis syndiqué, voilà. Je suis intouchable. J'ai des copains. Je suis quand même pas le premier flic à buter un arabe, merde. On va quand même pas en prison pour ça, on est en France. Ou pas. Je continue d'être flic, moi. Vendredi 15 janvier 2016. Damien a été acquitté du meurtre d'Amin Bentounsi d'une balle dans le dos. La légitime défense a été reconnue. Une balle dans le dos. Aujourd'hui, Damien Sabourdjian est toujours policier. La police assassine ! La justice assassine ! La police assassine ! Voilà, c'était une reconstitution du procès de Damien Sabourdjian aux assises qui a tué Amin Bentounsi d'une balle dans le dos. Quand le verdict est tombé, t'as ressenti quoi, Amal ? Parce qu'il y avait plein d'espoir dans ce procès. C'était, comme tu l'as dit, c'était un des premiers procès comme ça où un policier était aux assises, le procureur réclamait 5 ans, l'interdiction totale d'exercer pour lui, et au final, le jury décide du contraire. Ben ouais, parce qu'en fait, tout le long de cette semaine de ce procès, en fait, on s'est rendu compte des dessous de la police, et en fait, ça reflète un peu toutes les affaires de crimes policiers, en fait, ce qui se passe, les mensonges, les manipulations, les pressions de la part des syndicats policiers. Et donc, en fait, voilà, ça reflète, ce procès-là a reflété toutes les affaires. Au-delà de celle du policier qui a tué mon frère, ça reflète toutes les affaires de crimes policiers. Et ouais, on avait beaucoup d'espoir. Le sentiment que j'ai eu, c'est que en fait, la justice n'était pas encore prête à condamner un policier et qu'il fallait encore mener le combat et qu'il fallait être endurant, qu'il fallait ne rien lâcher. Parce que c'est pas normal que des gens, des policiers se sentent au-dessus des lois et qu'ils continuent comme ça en toute impunité à tuer. Et tant qu'il n'y aura pas une condamnation d'un policier du ferme, c'est-à-dire qu'ils auront un permis de tuer, c'est le cas de le dire, puisqu'aujourd'hui il y a la loi Urvoas qui a été votée, l'article 19 par rapport à la loi contre le crime organisé. Et du coup, cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit très clairement qu'un policier qui serait amené à utiliser son arme de service ne serait pas responsable pénalement. Et c'est ça qui est grave, en fait. C'est ça qui nous fait peur pour les années à venir, puisque la violence, on le voit bien qu'elle fait qu'accroître. On le voit dans les manifestations. Et du coup, nous, ça nous fait très peur parce que c'est vrai que dans les quartiers populaires, on le vit. Il n'y a pas un quartier qui n'a pas eu son mort tué par la police. Et du coup, cette escalade de la violence de la part des forces de l'ordre, à qui on donne tout, à qui on cède aux caprices, voilà, donc avec des lois liberticides et sécuritaires. Et aujourd'hui, pour nous, ouais. Le terme d'urgence, il n'est pas inapproprié. Oui, il faut appeler un chat un chat. Et aujourd'hui, quand on tue, quand on tue avec une arme, d'une balle dans le dos, quand on étouffe quelqu'un, comme l'affaire de Wissam El Yamni qui a été tué par 26 policiers, qui a été tabassé par 26 policiers, ben oui, on doit se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que cette police, quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Et quand on voit le cas de Aliziri, ce retraité de 69 ans qui a été tué à la suite d'une clé d'étranglement. Voilà, et c'est systématiquement la même chose. C'est-à-dire que le processus, il est toujours le même. Le processus, en fait, c'est un mensonge. Nos frères et sœurs n'ont pas été tués de la même façon, ni pour les mêmes raisons. Mais en tous les cas, le processus, il est le même. C'est le mensonge, c'est un corpus qui se soutient, c'est des preuves qui sont mises de côté, des témoignages, des faux témoignages, des faux procès-verbaux, des experts qui sont corrompus. Et c'est ça qui est grave. Donc ça gangrène toute une institution. Et la question qu'on doit se poser, est-ce qu'aujourd'hui la population est prête à laisser ces policiers agir en toute impunité? Alors c'est la vraie question, et c'est peut-être aussi un peu pour ça que tu es là aujourd'hui. On est dans un mouvement Nuit Debout, mouvement contre la loi travail, où il y a énormément de questionnements autour des violences policières, et on a l'impression que pour beaucoup de gens, c'est des découvertes. Comment tu vois ça, toi qui traînes un petit peu sur la place de la République? Vous avez organisé hier même un concert. Oui, mais on peut pas en vouloir aux gens qui sont pas informés, en fait, puisque c'est de la désinformation. On le voit bien dans les médias aujourd'hui. Il est difficile d'y croire. Il est difficile de croire que des policiers peuvent agir de la sorte. Aujourd'hui, on est à l'ère numérique. Il y a des photos, il y a des gens en manif, par exemple, qui prennent des photos, et il y a les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, l'information, on va la chercher. Et aujourd'hui, je reproche aux grands médias de désinformer la population sur ces violences et ces crimes policiers. Mais est-ce que tu reproches aussi, toi tu viens là, à Nuit Debout. Oui. Est-ce que les gens de Nuit Debout n'auraient pas pu venir aussi à Bobigny en soutien, n'auraient pas pu venir en soutien aussi lors du procès des policiers incriminés dans l'affaire de Ziyad et Bouna, qui était la précédente affaire où là aussi on avait une sorte d'espoir de condamnation? Alors nous, ça fait 4 ans. La convergence, est-ce qu'elle marche que dans un seul sens? Je provoque un peu, mais c'est oui, un peu ces questions. Oui, je sais bien, mais la convergence, non, elle ne doit pas être que dans un seul sens, elle doit être dans les deux sens, forcément. Et forcément, on ne peut pas en vouloir aux gens qui ne sont pas, c'est pas leur première préoccupation. Je leur en veux pas, je suis toujours aussi surprise que des gens découvrent les violences policières, mais c'est pas une critique, c'est vraiment parce que je me dis que quelque part, ben ouais, ces gens-là, ils n'ont pas eu l'information. Donc je vais vous raconter une histoire. C'est moi, à l'époque, quand mon frère me disait tu sais, Amal, dans les commissariats, on nous met des coups de bottin dans la tronche et on se fait tabasser, on nous insulte de sale arabe. Pourtant, j'étais sa sœur, j'étais très proche de lui. Et j'avais beaucoup de mal à y croire, en fait. Et quand il me disait, quand il avait 15 ans et qu'il me disait « Écoute la chanson de Renaud, l'Hexagone », que je lui disais « Arrête de me saouler avec ta chanson de beauf », voilà, Amine, à cet âge-là, il avait déjà compris. Il avait malheureusement eu un parcours qu'il n'avait pas choisi, parce qu'à 13 ans, on ne choisit pas son parcours. À 13 ans, il a été mis en prison parce qu'il avait foutu le feu dans une poubelle et que cette poubelle était à côté d'une crèche. Donc c'était un soir. Et du coup, cette crèche a pris feu, donc il a pris pour incendie criminel. Donc ça a été sa première condamnation ferme à 13 ans. C'était le plus jeune détenu de France. Voilà, c'est le plus jeune détenu de France. Et là, déjà, à un moment, j'ai interpellé ce juge qui, au moment des faits, l'a mis en prison. Je lui ai dit, là, vous êtes en train de faire une grosse erreur, quoi. Donc son parcours de délinquant, il ne l'a pas choisi. Mais peu importe qu'il ait été délinquant ou pas, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'il faisait au moment des faits? Au moment des faits, les 6 témoins disent que Amine courait et qu'il était de dos et qu'à aucun moment il a porté atteinte à ce policier. Voilà, quand vous vous rendez compte que les deux objets qui appartenaient à Amine, alors soi-disant cette grenade qu'il avait balancée, une fausse grenade, sur cette grenade, ça on n'en a pas parlé pendant le procès parce qu'on était sûr de gagner, sur cette grenade, il y avait 4 empreintes ADN qui n'appartenait pas à mon frère. Sur l'arme que soi-disant mon frère avait entre les mains et qu'on aurait retrouvée à ses côtés, il n'y a pas d'empreinte sur cette arme. Donc comment vous expliquer que mon frère n'avait pas de gants à ce moment-là et qu'il n'y ait aucune empreinte sur les objets pour lesquels on l'accuse d'avoir porté atteinte à ce policier. Donc on doit se poser la question sur les allégations, sur la vérité, sur les mensonges, quoi, plutôt sur les mensonges de ce policier. On doit se poser cette question-là. Et voilà, ce policier, c'est pas le seul qui ment. Il ment systématiquement pour couvrir et pour couvrir leur violence, en fait. C'est rendre coupable à titre posthume les gens qui ne sont plus là, mais on le voit bien aujourd'hui dans les manifestations. Aujourd'hui, on rend coupable les manifestants d'être violents. Tout à l'heure, on se baladait sur la place de la République et on a vu des noms inscrits au sol, la craie blanche, à la peinture blanche. Et Mathilde est avec nous sur le plateau. C'est toi, Mathilde, qui écrivait des noms On s'est réunis à la suite d'une intervention à l'Assemblée Générale de Nuit Debout. Un soir, on a appris qu'il y aurait cette manifestation policière appelée par le syndicat Alliance. C'est ça, demain, il y a une manifestation, je le rappelle. Demain, il y a cette manifestation et ils ont la provocation, l'indécence de venir sur cette place pour une manifestation qui se dit « manif anti-haine policière ». Donc, qui nous condamne complètement dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons ici. Donc, il y a plusieurs formes de réponses qui se font, il y a plusieurs choses qui sont appelées, et une des choses auxquelles on avait pensé, c'est à nos morts et nos mutilés. Parce que c'est ça qu'on oublie. Et quand je dis nos morts, nos mutilés, c'est tous les morts et les mutilés. Ceux des mouvements sociaux, mais aussi ceux des banlieues, ceux des ZAD, ceux de partout, qui se sont levés et qui ont été attaqués par les violences policières depuis tant d'années. Donc, on a décidé, collectivement, vu que les dalles de la place de la République ressemblent à des tombeaux, finalement, d'inscrire sur chacune de ces dalles nom, prénom, date où c'est arrivé, des tués et mutilés par la police d'État français. Alors évidemment, c'est une liste non exhaustive, parce qu'on n'aurait pas la place de tout faire. Là, on est en train de finir parce qu'on n'a plus de peinture pour écrire tous les noms, ce qui est quand même tragique. Et il y a encore des noms qui se rajoutent. Il y a une demi-heure avec une dame qui dit « Voilà, mes deux enfants, ils ont été mutilés par la police. » Et on a rajouté les deux noms de ses fils. Donc, ça se rajoute à chaque instant. Et ce qu'on veut leur montrer, c'est que demain, quand ils vont venir ici, ils viennent dans un sanctuaire où on n'est pas dupe. On n'est pas dupe de ce qui se passe et on n'est pas dupe de leur uniforme, en fait. Voilà. Alors demain, effectivement, le syndicat Alliance appelle à midi un rassemblement, une manifestation contre la haine anti-flic. Est-ce qu'en faisant ces peintures, Amal, est-ce qu'en te battant comme ça, vous n'êtes pas en train d'alimenter la haine anti-flic ? Non, moi je voudrais dire que je n'ai aucune haine anti-flic. J'ai la haine de l'injustice, j'ai la haine de l'impunité policière. Et voilà, c'est cette haine-là que j'ai, c'est cette rage de rester debout et rester digne. Donc voilà, c'est pour ça que j'appelle à manifester, on appelle à manifester demain les familles de victimes et les collectifs, l'Assemblée des blessés, le collectif 8 juillet, les étudiants qui seront là aussi, qui subissent la répression policière de plein fouet depuis ce mouvement. Il y a une vraie convergence là. Oui, il y a une vraie convergence. Nous, la convergence, on l'a commencée il y a 4 ans avec d'autres, avec les zadistes, à la suite de la mort de Rémi Fraisse. Mais en tous les cas, là, c'est la continuité et que grâce à ce mouvement Nuit Debout, on va peut-être arriver à ce que les gens soient conscients de ce qui se passe, la réalité de la police française depuis les années 50, depuis... Cet uniforme, concrètement, est entaché de sang. C'est voilà, bête à dire et peut-être caricatural, mais c'est ça. Et aujourd'hui, c'est aussi faire de la pédagogie. Ça paraît peut-être bête et naïf, mais faire de la pédagogie auprès de ces personnes qui portent l'uniforme, peut-être d'abord naïvement pour de belles idées, que de leur montrer ce que cet uniforme fait et fait faire à des gens en disant « c'est pas ma faute, c'est l'uniforme ». À un moment donné, on est des êtres humains. Des crosses en l'air, on en a vu dans tous les pays. Des policiers qui, à un moment donné, refusent d'appliquer des ordres. Nous en arrivons, nous, à converger pour leur dire « arrêtez d'appliquer ces ordres ». Voilà. Alors, au-delà des ordres, moi, je suis persuadée que certains policiers prennent plaisir à tuer des gens et à mutiler des gens. Ça, j'en suis persuadée, parce que vous savez, quand on est à 26 policiers à tabasser un homme qui est à terre, voilà, il faut le vouloir de tuer quelqu'un de ses propres mains. Quand on tue un retraité de 69 ans à la suite d'une clé d'étranglement, à ce moment-là, quand vous avez des collègues qui sont à côté de vous et qui vous regardent faire ça, donc je pars du principe que celui qui ne dit mot consent. Donc voilà, peut-être qu'il ne faut pas généraliser toute la police. Il faudrait qu'ils me le prouvent, qu'ils le disent publiquement, qu'ils s'annoncent, qu'ils disent... voilà. Mais aujourd'hui, pour l'instant, j'ai pas eu cet écho de certains policiers qui pouvaient remettre cette institution en cause. Et c'est ça qui est grave. Parce qu'aujourd'hui, l'institution policière, on a l'impression qu'elle a des œillères, on a l'impression qu'elle ne voit pas les images. Aujourd'hui, grâce à ces images, on peut être conscient de la violence policière. Il y a quelques années, quand on tuait dans les quartiers, on n'avait malheureusement pas... ces images, l'ère numérique. Aujourd'hui, on l'a, il faut qu'on l'utilise et il faut qu'on dénonce et qu'on sensibilise les gens sur cette question de violence policière, parce que nous, ce qu'on a subi dans les quartiers pendant de nombreuses années, ils se sont bien entraînés sur nous. Donc aujourd'hui, les quartiers, on le subit au quotidien encore et de plus en plus fort avec l'état d'urgence, avec ces lois liberticides et sécuritaires. Mais aujourd'hui, ça s'étend à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde est concerné. La preuve aujourd'hui dans ces manifestations, c'est dramatique ce qui se passe. C'est dramatique. Quand on est capable de tirer les cheveux à une femme ou de lui asséner un coup de poing, c'est grave ce qui se passe. On n'est pas laissé passer des blessés. Voilà. Enfin, c'est catastrophique. Hein. Moi, j'ai vécu beaucoup de manifestations à Paris. J'ai fait le CPE quand j'étais lycéenne. Là, j'étais en Ariège jusqu'à il y a 2 semaines. Quand ma mère m'a dit, en revenant, il faut que tu mettes des lunettes de plongée, j'ai fait, maman, arrête, c'est juste que tu vas trop devant. Non, c'est juste pas possible aujourd'hui. Les gens n'ont pas conscience de ce qui se passe dans les rues de Paris. C'est la guérilla dans chaque manifestation à cause de la police. Ouais. On a des journalistes habillés avec des gilets pare-balles. Et il faut rappeler aussi que l'ONU vient de publier un rapport. On a été invité par l'ONU au mois d'avril dernier, où ils nous ont entendus. On a été auditionnés, les familles de victimes, par l'ONU. Donc, en tous les cas, ils en ont tenu compte. Il y a de nombreux rapports qui ont été écrits, notamment un rapport de Amnesty International qui a été écrit en 2009, qui s'appelle « Au-dessus des lois », qui dénonce les violences et les actes de barbarie commis par des policiers. Donc ça, c'est important de dire que des institutions aussi importantes dénoncent ces actes de violence policière. Et volontairement couvertes par les institutions françaises. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression que Bernard Cazeneuve, que le président, il ne voit pas ce qui se passe. Il ne l'utilise pas. Voilà. Ils les utilisent donc contre nous et du coup on serait les violents, on serait les méchants. Donc moi je n'ai pas la haine de la police, j'ai la haine de l'impunité et la colère pour te battre. Ouais, tout à fait, voilà. Amal, demain tu fais partie des organisatrices qui appellent un rassemblement justement en opposition au rassemblement d'Alliance. Oui. Comment ça a été pris par les autorités qui ont dû autoriser ces deux rassemblements et j'imagine organiser une force de police qui va s'interposer entre la police et... Alors, avec moi, il fallait s'y attendre un petit peu parce qu'il y a 2 ans de ça, ou je crois que c'est l'année dernière, j'avais rencontré les syndicats Alliance. J'avais été à leur rencontre. Dans un souci de conciliation ? Non, pas du tout. C'était à la suite de la mort de Rémi Fraisse et je trouvais que c'était indécent qu'ils puissent manifester juste après les révélations qui avaient pu être faites par le journal Mediapart sur les mensonges qui avaient été dits juste après la mort de Rémi Fraisse et qui avait été cautionné par Bernard Cazeneuve. Donc je trouvais ça scandaleux. Et donc j'étais là pour leur rappeler que c'était indécent, qu'ils avaient du sang entre les mains. Donc du coup, je leur avais balancé du sang rouge. Et donc ils ont traversé. Ils étaient 8000. J'étais seule face à eux. Et c'était plutôt bien réussi. Et du coup, là, cette année, je me suis dit, bah, soyons nombreux. Et nombreuses à venir les faire chier et à venir leur rappeler qu'ils ont encore du sang entre les mains et qu'ils ont l'air de l'oublier. D'ailleurs, je vais aller continuer à peindre, moi, du sang sur la place. Bah, merci. Mathilde beaucoup. Prépare l'accueil merci. Pour demain. Et ouais. Puis demain, du coup, l'appel, c'est d'être là à partir de 11h. À partir de 11h. Alors, je voulais juste rappeler une petite chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que le syndicat Alliance, en fait, il appelle à manifester. Et donc, les raisons, ils disent que c'est la haine pour dénoncer la haine anti-flic. Il faut savoir que ce jour-là, en fait, ils sont très malins, syndicat Alliance. En fait, ce jour-là, il y a le projet de loi du récépissé, du contrôle au faciès, qui est présenté au Sénat. Donc, en fait, cette loi, cette manifestation, c'est pas anodin, quoi, qu'elle ait lieu ce jour-là. Et donc, voilà, ça, il faut le dire aussi. C'est des techniques qu'ils utilisent de façon à couvrir l'espace médiatique. Et du coup, voilà, et c'est aussi les 1 an du procès des policiers qui ont été mis en cause dans l'affaire de Ziad Ebouna. Et pour dire qu'on n'oublie pas, quoi. On n'oublie pas. On pardonne voilà, pas. On pardonne pas, on n'oublie pas. Donc demain, rendez-vous à 11h, place de la République. Merci beaucoup, Amal. C'est moi qui vous remercie. Et au cas où, s'il y a des gens qui font partie des services de ménage qui nettoient la place le matin, soyez solidaires, ne nettoyez pas les tombes de ouais. nos camarades. Ah, il faudra être là pour leur dire. On sera là pour leur dire, mais voilà, au cas où il y en a qui écoutent. Mm-hmm. Merci. Merci à vous. Radio debout. Radio debout. Radio debout. Radio debout. Radio debout. Radio debout. Quelqu'un qui a de la bonne lecture, s'il vous plaît. Une résolution adoptée par l'Assemblée générale sur le rapport de la 3e commission. Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, des groupes et organes de la société, de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnues. En rappel, l'article 12-1, chacun a le droit individuellement ou en association avec d'autres de participer à des activités pacifiques. Ça, c'est nous, ça. Pour lutter contre les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente déclaration. 3. À cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'être efficacement protégé par la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et des actes, y compris ceux résultant d'omissions imputables à l'État et ayant entraîné des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes ou individus qui entravent l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et c'est vraiment un plaisir d'imaginer que demain, ceux qui auront le temps de continuer la journée, ils seront assemblés comme d'habitude le soir ici, profiter du soir, des réunions, et continuer la vie du quotidien. Et ça passera très bien. Et même, je dirais, pour ceux qui viendront, ils viendront dans un esprit de carnaval, j'en suis certain. Ils viendront pour faire la fête et transformer cette place. J'espère d'ailleurs que je lance un appel s'il y a quelqu'un de proche du préfet pour demander l'arrêt de la circulation de bus et des voitures autour de cette place parce qu'il risque d'avoir beaucoup de personnes et ça serait un peu dangereux. Si quelqu'un peut refaire l'appel, c'est très important. Je n'ai pas eu le temps de parler de ça. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses encore à parler et puis le temps en tourne. Je pense que les policiers, s'il y a des gens qui vont tenter de faire de l'entrave au-dessus, je pense que les policiers, et les, de mon sens, et ils vont faire le nécessaire pour que ça se passe bien. Faites la fête, profitez-en. Et beaucoup de nez debout, hein. C'est ça l'esprit de nez debout. Hein. Bonne soirée. Merci. Merci. Alors, Nikita. Nikita. Nikita. Bon, mais. Touf. Voilà, allez. Bonjour, moi j'ai fait une opposition radicale. Salut. J'ai fait une opposition radicale il y a peut-être 20 minutes. Et en fait, ce n'était pas possible à cause de. Je vais le griller, je vais le dire, parce que ce n'est pas le but qu'il y ait des modérateurs qui vous posent des questions et j'ai des témoins qui vous disent ouais, qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi ? Et comment ? En vous prenant de haut. Et il est là, il n'y a pas de souci. Et s'il a envie de parler, tu peux te mettre à côté de moi et on va débattre. Et donc, voilà. Et tu as passé ton temps à me dire qu'est-ce que tu veux. Du coup, j'ai oublié ce que j'allais dire parce que ça fait déjà... Il y a 5 personnes qui sont passées. Donc, je voudrais savoir pour quelles raisons tu as refusé et sur quoi tu t'es basé et en me disant que le matériel, il faut qu'il parte alors que le matériel est encore là. Et 18 personnes en parlaient après. Et donc, je voudrais savoir... si tu m'écoutes, ben voilà, je vais vous le passer. Mais en tout cas, moi, je l'ai très mal pris, encore une fois, parce qu'il n'est pas normal qu'il n'aille même pas mettre mon nom pour des raisons strictement personnelles, à mon avis. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que ce genre de modérateur, ce genre de n'a pas lieu d'être, parce que moi, je suis là depuis le début et je n'ai vu que des modérateurs sympas. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on leur donne un petit... Je ne parle pas pour les autres, mais lui, je l'ai bien grillé. C'est-à-dire qu'il a enlevé, d'ailleurs. Quand on leur donne un petit bandana sur le bras, et il ne sait plus où il en est. Et ces gens-là, c'est eux notre souffrance. Et si c'est déjà parmi nous, il faut qu'ils dégagent. Vous êtes toujours en direct de Radio Debout depuis la place de la République. On va accueillir Delphine et Adrien de la commission citoyen gardien de la paix. Mais tout de suite, on va écouter un témoignage enregistré par Alice d'un ancien commissaire de police. Quand je suis rentré dans la police, la composition sociale des policiers, c'était des gens qui venaient essentiellement de la campagne, qui étaient des paysans. Des fils de paysans, des gens qui avaient le terroir dans leurs chaussures, qui avaient généralement des métiers par ailleurs, qui étaient des gens qui étaient en prise directe avec la population. Et ils avaient toujours gardé un contact avec la population. Ensuite, il y a une tentative de faire une police de proximité qui avait commencé plus ou moins bien, plutôt mal que bien d'ailleurs, mais au moins elle avait le mérite d'exister, parce qu'elle avait été calquée sur les modèles américains, les modèles anglo-saxons, canadiens, des choses comme ça. Mais, à tout le moins, elle avait le mérite d'exister. C'était dans les années 2000. C'était avec Jospin, je crois, ou quelque chose comme ça, qu'ils avaient commencé à imaginer, chevènement, une espèce de police de proximité qui soit en prise directe. Il y a des choses qui ont été conservées, notamment les relations avec le corps enseignant, les relations avec les établissements, etc. Ça existe toujours. Ça a été très formalisé, certainement trop, parce qu'on est en France. Mais c'est un lien indispensable. Le lien police-population, c'est aussi, passe aussi par le lien entre la police et les autres acteurs du service public et de l'État. Ces liens doivent être très forts. Il doit exister des relations de confiance entre les uns et les autres. Entre les personnels des mairies, entre les policiers, entre les enseignants du secondaire comme du primaire, etc. Il doit y avoir un lien police-population fort. C'est la seule garantie de ce que la police travaille au bénéfice de la population dont elle fait partie. Leurs enfants sont dans les manifestations. Enfin, combien de fois j'ai vu des policiers, moi, qui avaient leurs gosses dans les manifestations. C'est régulier, ça arrive tout le temps. C'est d'ailleurs tout à fait normal. Radio 2. Le lien entre la police et la population. On vient d'entendre donc le témoignage enregistré par Alice d'un ancien commissaire de police. Autour de la table, toujours avec Delphine et Adrien, salut. Et vous faites partie de la commission citoyen gardien de la paix de Nuit Debout, c'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Mais vous n'êtes pas des flics, vous n'êtes pas des policiers. Non, pas du tout, nous on est des simples citoyens. Mais avec cette volonté de recréer ce dialogue, ou en tout cas de tenter de dialoguer pour qu'il y ait ce lien-là entre police et population qui se rétablisse un petit peu. Tout à fait, puisque là, on est clairement dans une situation de défiance extrême et qui est totalement justifiée. On est très touchés de passer juste après Urgence Notre Police Assassine, puisque le constat qu'ils ont fait, c'est un constat évidemment qu'on partage, d'une dérive et d'une impunité des forces de l'ordre qui est inadmissible, un engrenage de la violence qui est inadmissible. Tous les témoignages des dernières manifestations le prouvent. Effectivement, comme le disait Amal tout à l'heure, on a de plus en plus de moyens de prouver et d'attester des violences policières. Maintenant, on a aussi, on fait face quand même à des campagnes médiatiques quand même de dénigrement des mouvements sociaux de plus en plus fortes et qui visent justement à décrédibiliser toute tentative d'émergence de nouvelles formes de démocratie. Donc on a nous aussi à convaincre l'opinion. On sait très bien qu'on a énormément de personnes qui regardent avec bienveillance le mouvement Nuit Debout, les mouvements sociaux actuels, mais qui n'osent tout simplement pas venir, puisqu'ils voient dans les médias des violences permanentes, des gazages et des dérives, et ils ont peur tout simplement. Ils voient qu'il n'y a plus aucune limite. Donc nous, pour nous, il est grand temps de pouvoir effectivement peut-être tenter de réinstaurer un dialogue à minima. Alors évidemment, pas forcément avec... On va pas forcément aller voir les syndicats de police qui manifestent contre le mouvement. Mais il y a aussi des syndicats de police qui sont spontanément rentrés en contact avec Nuit Debout, notamment la CGT Police et Sud Intérieur. Ce sont deux syndicats, certes, très minoritaires au sein des forces de l'ordre. Hein. On va pas se voiler la face. Mais néanmoins, qui existent, qui ont le mérite d'exister et qui ont soutenu clairement le mouvement. À minima, on va essayer d'échanger. Ils ont même appelé à une sorte de contre-manifestation demain, puisqu'ils ne s'associent pas à la manifestation d'Alliance. C'est-à-dire la manifestation d'Alliance à midi et des gens de CGT Police qui seront présents sur la place. Eux-mêmes veulent porter un autre discours. Alors c'est vrai que demain, on va dire, il y a une cartographie des mouvements et des rassemblements sur cette place, qui est un cocktail assez explosif. Bon, nous, en tant que commission citoyen gardien de la paix, on a envisagé à un moment d'écrire une lettre au préfet pour demander la délocalisation des manifestations, pour éviter qu'il y ait des débordements, en disant cette place, elle est occupée par Nuit Debout depuis un mois et demi. Clairement, le mouvement considère que c'est une provocation, que la première manifestation d'alliance qui a lieu à la République, que ce soit en ce moment et en particulier, comme le disait Amal, le jour où est débattue une loi qui vise à lutter contre le contrôle au faciès. Donc c'est vraiment une façon de détourner l'attention médiatique du réel débat qui est en train de se poser. Et donc, après, effectivement, c'est assez compliqué de pouvoir prendre la parole et notamment de s'adresser directement au préfet, donc on a préféré pas agir. On avait aussi envisagé d'organiser un débat en invitant des policiers en tant que citoyens, puisque là on vient d'entendre le témoignage d'un commissaire de police qui explique qu'effectivement aussi il y a quand même au sein des forces de l'ordre, et on l'entend, hein, ceux qui prennent le temps d'aller discuter avec les CRS les soirs ou les soirées assez calmes qui sont autour de la place. Il y en a un certain nombre qui peuvent nous témoigner du soutien à ce mouvement, parce que finalement, à côtoyer les gens de Nuit Debout, ils voient bien quand même qu'il y a quelque chose qui est émergent. Maintenant, effectivement, quand ils sont autour de la place, ils sont en fonction, donc ils ne peuvent pas s'exprimer comme ça. Donc demain, ça a été l'agenda médiatique et politique a placé la question des forces de l'ordre, des conditions de travail dans la police et de leur vécu en tant que force de l'ordre. Donc on s'est dit, bah, c'est l'occasion de saisir cette journée pour instaurer une discussion, puisqu'effectivement, quand on a des échanges avec des policiers, on a notamment un policier qui est prêt à venir, un ancien CRS qui est prêt à venir s'exprimer en débat, sachant que lui-même est marié avec une personne très engagée politiquement et qu'ils sont tous les deux dans Nuit Debout Cergy, Pontoise. Donc c'est très intéressant. Lui-même est révolté par le comportement de ses collègues. Il était prêt à venir témoigner en tant que citoyen. On essaye de créer des conditions de débat. C'est pas forcément le plus simple. Parce que finalement, le débat devait se tenir peut-être demain. Au début, on avait envisagé de le tenir demain. Et puis, après avoir discuté, notamment avec la commission Sérénité, il a été plutôt jugé assez plus intelligent de le reporter parce que compte tenu effectivement de l'ensemble des forces qui seront en présence, on craint qu'il y ait quand même des conditions de violence demain qui font que le débat pourrait pas être tenu dans des conditions justement sereines et un peu constructives, puisque l'objectif c'est quand même de pouvoir porter des revendications sur, tant qu'on est dans la 5e République, on est quand même, on rappelle quand même qu'il y a un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que c'est l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui quand même dit la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Voilà. Donc actuellement, les forces de l'ordre sont des forces qui sont instituées pour l'utilité particulière d'un gouvernement qui se permet d'envoyer les forces de l'ordre de façon répressive face à des mouvements sociaux. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est pour ça qu'on s'est appelé les citoyens gardiens de la paix, parce qu'on réclame des forces de l'ordre qui soient des forces de l'ordre de protection des mouvements sociaux et de protection des citoyens et qui soient garants de la paix civile. Mais l'idée là aussi, c'est de gagner une certaine bataille médiatique quelque part aussi, en tout à fait, changer évidemment un petit peu l'image. Évidemment, la question, on sait très bien comment fonctionne le système médiatique et politique. On est acculé à une image qui est une image de violence. Mais évidemment que la violence est légitime. La plupart des manifestants qui sont là ont été gazés, tabassés. Toute personne qui est passée sur Nuit Debout à la République a au moins une fois été gazée. Donc. Est-ce que c'est pas compliqué d'essayer de continuer à maintenir un dialogue ou vouloir en tout cas continuer à en avoir un lorsqu'on s'est fait gazer, lorsqu'on a été victime de violences policières comme de nombreuses dont on a entendu parler ce soir? Comment on arrive à convaincre les gens qui ont été victimes de ces violences abusives de s'asseoir à la table pour continuer à discuter avec la police? Évidemment. Vas-y, mais... Non, évidemment que c'est très compliqué. C'est évidemment compliqué de pouvoir échanger comme ça. Mais on a quand même des personnes aussi qui ont témoigné de leur garde à vue et du fait que même en garde à vue, les policiers qui ont recueilli leur déposition les aidaient à remplir bien leur déposition. Ils ont témoigné en AG pour dire qu'ils soutenaient leur action. Donc effectivement, nous on considère qu'à un moment ou un autre, il faut qu'on crée ces conditions de débat. Et après, effectivement, tout le monde pourra venir s'exprimer ou pas. Et on comprend que des personnes ne veuillent pas s'exprimer, c'est normal. Un petit mot peut-être pour conclure, comment va se passer la journée pour vous demain? Vous allez manifester à 11h avec Urgence Notre Police Assassine. Et ensuite, vous allez rester sur la place. Alors, moi je voudrais peut-être juste répondre à la question du dialogue. Parce que je pense que les gens qui sont les victimes du système, qui sont les mêmes qui peuvent être les émeutiers, les émeutiers peuvent être des victimes du système, mais ça peut être aussi des gens qui sont manipulés par des partis politiques. Pourquoi pas? Je ne veux pas m'avancer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en général, c'est plutôt des victimes du système. Et c'est des gens qui se sont fait taper dessus. Donc, pour avoir un dialogue demain et faire un débat entre des gens qui sont encore à chaud, sans doute, et des gens qui ont été à chaud, qui ont été virulents et qui ont été traumatisés par les violences policières, ces mêmes personnes-là, grâce à Nuit Debout, pour une partie d'entre elles, se sont assagies. Parce qu'elles ont pris conscience que, je vais faire le plus court possible, mais en même temps je pense que c'est important, c'est que la notion d'autogestion qui a été exprimée sur à Nuit Debout, elle a permis de mettre en pratique l'expérimentation d'une police de prévention. Simplement, le truc, c'est qu'à Nuit Debout, c'est vrai qu'on fume, on boit plus, on est dans une zone plus ou moins tolérée, de tolérance. Et d'auto-organisation. Mais dans le système légal qui est à l'extérieur des bornes de la place, c'est pas tout à fait la même situation, même s'il y a une tolérance de fait. Mais ce qui est évident, c'est que tant qu'on règle pas les causes, je pense juste à une cause qui est la prohibition des drogues. Je prends cet exemple, ça peut être la prohibition de la prostitution, mais c'est un exemple comme un autre. Eh ben, on aura toujours des gens qui seront stigmatisés. Autrement dit, tant qu'on sera dans cette situation, on ne pourra pas faire de prévention. Mais ce qui est sûr, et je termine là, c'est que c'est un fait. J'ai vu des policiers en faction à l'extérieur de la borne, de la place, pardon, faire un travail de police. Un vrai travail de police, c'est-à-dire protéger les gens. Alors je pourrais juste raconter l'anecdote, si on a le temps, mais peut-être je vais laisser expliquer. Mais peut-être un petit mot pour conclure, je sais pas. Juste pour conclure, nous on a donc appelé tout le monde à se rassembler au square du temple à 10h30 pour pouvoir venir manifester aux côtés d'urgence notre police assassine à 11h et ensuite être présent sur la place. Il y a eu un appel de Reporters debout et des périscopeurs pour dire installez tous sur vos téléphones portables l'application Caméra V pour pouvoir prendre faire des vidéos qui sont considérées comme des preuves si ensuite on veut porter plainte. Donc il faut qu'on soit là, qu'on soit vigilant, qu'on puisse témoigner. Et donc demain on sera là et pour manifester et pour aller derrière éventuellement au Sénat, parce que s'il y a des mobilisations qui se font au Sénat, c'est important aussi qu'on puisse lutter pour cette loi qui vise à stopper le contrôle aux faciès. Et on sera aussi présent sur la place pour apporter le maximum de témoignages si jamais il y a des violences et de la répression qui viennent de la part de la police. Et c'est notre message. Merci beaucoup Delphine. Merci à vous. Et Adrien. Merci d'être venus. On va partir du côté de l'Assemblée Générale. Tous les soirs, place de la République. Radio debout s'installe, c'est magique. 3-4 heures en live, oui c'est super, yeah. Que tu puisses capter l'atmosphère, c'est pas une illusion. Radio debout. Radio debout. Tous les soirs en live. On installe la table. Tous les soirs en live. On déroule les câbles. Tous les soirs en live. On branche les mics. Vous êtes toujours sur Radio Debout, on est toujours en direct de la place de la République pour les Nuits Debout. Nous sommes le 78 mars et on arrive à la fin de ces Nuits Debout puisqu'à minuit il faut qu'on ait tout plié. On voulait quand même vous tenir au courant pour vous qui nous avez suivis depuis le début et qui avez suivi les aventures de Lyon et de l'occupation du collège Truffaut qui a été rebaptisé École de la Grève. Il y avait tout à l'heure une intervention policière imminente, et ben la police a finalement abandonné son intervention et a laissé les occupants bien tranquilles. Il y a encore 150 personnes qui sont en train de manger un couscous végétarien géant. Il y a une bonne ambiance, il y a plein de gens qui vont dormir là-bas et l'occupation va donc pouvoir prendre forme et continuer demain au collège Truffaut sur les pentes de la Croix-Rousse. Nos voisins ici à Radio Debout, c'est le collectif SDF. Ils viennent de nous faire passer un message. Ils veulent faire une super dédicace au collectif SDF Strasbourg. Et je plus sois, comme on dit dans l'équipe de Radio Debout, je plus sois et je fais moi-même une spéciale dédicace à Monique du collectif SDF Strasbourg. Peut-être des nouvelles de Colbert très rapidement. Clément. Le lycée Colbert a été évacué il y a maintenant une heure, un petit peu plus d'une heure. On n'a pas plus de nouvelles que ça de la personne qui de notre contact à l'intérieur. Mais en tout cas, pour ceux qui ont suivi, ça a été évacué, voilà, on l'avait pas encore dit. Pour ceux qui ont suivi, ça a été évacué, tout à fait. Et puis donc on rappelle, demain matin, il y aura donc une manifestation à l'appel de Alliance, le syndicat d'extrême droite de la police, à midi pour une manifestation contre la violence anti-flic. Et puis sur le site, lundi matin, il y a un appel à venir nasser cette manifestation. manifestation, c'est-à-dire à venir entourer les policiers présents dans cette manifestation à nasser selon la technique du sandwich du poulet. Mais quelle est donc cette technique du sandwich du poulet? Pour répondre à cette question, j'accueille Jean-Pierre Keuf. Bonsoir Jean-Pierre Keuf. Bonsoir. Alors, la recette du sandwich au poulet? Alors, pour le sandwich au poulet, il faut des bons poulets, hein, bien rassemblés, de préférence en alliance. Alors, sans la carapace, ça peut faire un petit peu mal aux dents. Ensuite, vous pouvez procéder tranquillement à l'encerclement, hein, doucement. Alors, il y a différents cris de ralliement. C'est ça, qui peuvent être... tout le monde déteste les poulets, par exemple. Ou les poulets sont tous des porcs, ou plein de slogans assez différents. Nique les poulets. Et ensuite, il faut encercler assez rapide, hein, voilà, comme si deux baguettes bien cuites se rassemblaient l'une contre l'autre. Alors sans épices de préférence, hein, moi je le préfère sans gaz ajouté, hein, c'est selon les ça goûts, pique. Mais moi je le préfère bio, ouais, tout à fait. Hein, on parle d'une alternative c'est cette la recette, technique la suédoise. Technique suédoise, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Jean-Pierre Keuf? Pour la technique suédoise, il faut se mettre bien en triangle, hein, là c'est, il faut faire très attention sur les côtés pour pas qu'il y ait de débordement. Voilà, alors vous vous mettez bien en triangle, bien tassé, vous pouvez sortir de faire une sorte de forme en, comme de grands cure-dents, et ensuite vous serrez très fort, et vous obtenez un sandwich au poulet façon suédoise. Voilà. Ça déborde un peu des fois, faut faire attention. Ça déborde un peu, pas trop de mayonnaise s'il vous plaît. Voilà, la technique du sandwich au poulet, c'est demain à midi sur la place de la République, et pour cet grand appel à nasser, vous pouvez retrouver l'appel sur lundi matin. Radio. Tout le monde déteste la police. Debout. La police déteste tout le monde. Radio Debout. Toujours en direct de Radio Debout, 78 mars. Et on accueille avec nous un musicien qui s'appelle Antonin. Salut Antonin. Un casque ou... Ah bah ouais, carrément, il te faut un casque. C'est vrai qu'on a un accueil minimal ce soir. On est en train de faire notre radio, on s'en fiche des invités, on n'a plus rien à faire. Et donc, Antonin enfile son casque, ou plutôt Clément enfile le casque d'Antonin. Antonin est assis, sa guitare sur les genoux, et s'apprête à venir pousser la chansonnette. Antonin, est-ce que tu t'entends? Ça ne marche pas. Alors on va te donner un deuxième casque. Ah. Est-ce que la lumière s'est éteinte sur la place? La lumière se rallume, est-ce qu'on est toujours là? On est toujours là, on est dans les derniers. L'Assemblée Générale a plié bagage. Il y a quelques gens qui sont encore assemblés autour de la Commission France-Afrique qui tenait un grand débat tout à l'heure. Mais nos amis de la télé ont applaudi, ils sont en train de plier. On est un peu les derniers. Et Antonin est un casque qui marche. Il a ses... Il va entonner les premières notes. En attendant l'automne et sa valse de couleurs, en entendant la rage d'un petit valse dictateur, je reprendrai la route et demain un fusil. Mais si je n'ai que des pierres, j'éviterai les ousies. Déserte les usines, fierté de nos grands-pères, qui croyèrent tout gagner quand ils quittèrent leur terre. Est-ce que j'y reviendrai comme fou ou au cas? Et je suis sans racines, parfois si loin de moi. Et toi tu danses dans mes yeux, à quoi tu penses? Mystère, je vois la flamme dans tes yeux qui embrasent l'univers. En observant la ville dans sa parure grise, en arpentant les rues comme autant des cerises, combien de temps encore auront-ils la main mise sur notre emploi du temps et notre matière grise? Alors je chante encore comme un signal d'alarme, pour voir combien l'entendent, pour voir combien de lames sont prêtes à découper leur propagande usée. Envie de partager le pain de l'amitié. Et toi tu danses dans mes yeux, à quoi tu penses? Mystère, je vois la flamme dans tes yeux qui embrasse. Regardant les gens qui ne me regardent pas, je préfère m'arrêter que de marcher au pas. Je travaille dans mon coin à une révolution. Mais changer d'habitude, cela peut être long. Je veux partir d'ici et regarder la mer, les montagnes, les vallées qui jalonnent la terre. La famille est ici, voudra-t-elle nous suivre? S'agit-il d'un rêve ou d'un but à poursuivre? Et toi tu danses dans mes yeux, à quoi tu penses? Mystère, je vois la flamme dans tes yeux qui embrase l'univers. Et toi tu danses dans mes yeux, à quoi tu penses? Merci. C'était pour Stéphane et Camille du Finistère. Merci Antonin. C'est la fin de Radio Debout ce soir. Il est 23h. Je crois qu'on n'a plus de connexion. Il est 23h46. Ah, mais on n'est plus à l'antenne. Ah bah voilà, bravo. Bravo. Bravo. Et on voulait faire le générique attends, de fin. Mais ouais, attends. Tu veux qu'on fasse antenne de secours. Antenne de secours. Est-ce qu'il y a des gens encore? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a des gens encore? On est à l'antenne, là, on est à l'antenne. Voilà, on voulait quand même vous dire au revoir, on a été coupé, mais on dit au revoir. Voilà, et on va faire notre générique de fin quand même. Tout le monde écoute Radio Debout, et tout le monde écoute Radio Debout, et tout le monde. Écoute, et là, pendant ce temps, l'équipe plie, le monde plie les écoute, chaises, les tables, on mange, et on vous dit écoute, à demain sur Radio Debout. À demain. À demain. À demain 20h.